Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Bienvenue dans l'apéro original. Épisode 13.3. Ouais. Raisonnable, on avait dit, c'est ça? Raisonnable. Oui. C'est moi qui l'avais dit. Hein. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on n'est pas raisonnable en fait. T'as t'es une creux. Si, je crois qu'on a été très très raisonnable. Et c'est pas fini. Je n'ai pas fini. Merci, oncle de Jackie Chan. Je sais plus comment il s'appelait. Mais Jade. Hein? La gamine, elle s'appelait Jade. Ouais. L'autre, le gros qui était méchant dans la première saison et gentil dans la deuxième, c'était Toru. Mais l'autre, il disait toujours mon oncle. Enfin, Jackie Chan disait toujours mon oncle. C'est l'oncle. Enfin, ce n'est... bref, ce n'est pas le sujet de notre podcast, puisqu'il ne s'appelle pas Jackie Chan original, mais apéro original. Oula, je repose les lunettes. Donc, deux fois, ça fait deux fois deux minutes. Donc on est là pour prendre l'apéro, pour parler de Jackie Chan. On n'est pas des bridés. Bon après ça fait... Ça fait 6 heures qu'on prend l'apéro, bon... Un peu plus. On va avoir le foie très très grave. Ça, ça commence à faire un sacré apéro. Mais ça n'est pas fini comme on disait. Donc il faut que je suive le conducteur. Focus. Alors il y a marqué la tâche, il est pas parti. Rappel de diffusion sur Pod Radio. Monsieur, on avait dit quel canal? Alors pas le premier mais les trois autres. Ok, les trois autres. Des canals. Pas le premier mais les trois autres. Voilà. Regardez la grille des programmes. Ouais, souvent à partir de 20h aux alentours, il y en a un. Ouais. Le dernier, je crois, c'est 19h45. Mais sinon c'est 20h, 20h15. Je sais pas qui écoute ça pendant qu'il bouffe. À peu près par là. Le mec il se dit. Les pauvres. Donc, ils prennent l'apéro. Oui, j'espère. Surtout que c'est bien fait sur Pod Radio, hein, parce que t'as le canal heure française, mais t'as le même canal diffusé heure québécoise. C'est vrai? Ouais, et un canal diffusé après. Donc en fait, t'as une sorte de replay. Pour le même canal, t'as trois flux. T'as un flux par. Putain, donc on peut nous écouter trois fois. Trois. Trois? Ouais. Neuf fois. Douze! Non. Non. Oui. Nous. Quoi, hein? Quoi? Hein? Donc bon, ah, il y a un truc qui apparaît sur le truc. Et bravo. Quelqu'un qui est en train de modifier le conducteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas moi. Si, il y avait marqué Zertoff, j'ai vu. Ah. De ensuite, un deuxième point du premier point. Il y a marqué Podren 2019. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'année prochaine et ça va être bien. Le autour, week-end de Pâques, 2021. Week-end de Pâques, 20-21 avril. Avril 2019. À Rennes. C'est un festival, fête, un week-end autour du podcast. Viendez, on est dans la première référence. Plein de choses. Un rendez-vous sur la référence du podcast indépendant français. Sur la ref indep. Mais oui. Sur la ref indep FR. De toute façon, on sera en septembre, donc normalement on aura commencé à communiquer autour du sujet. Donc regardez @podren, podren.fr. T'arrêtes de faire du bruit, bordel de merde! Ça venait pas! Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a largué une caisse! Ensuite, code suivant, non, point suivant, il y a marqué code. Yoko. Il y a marqué code, c'est pour ça que j'ai. Code Mimaker, donc dans le cadre de notre épisode Shooter, donc les épisodes qu'on a enregistrés en studio radio. Ouais, chez Radium, mois d'avril, voilà. Oh, c'est on a, vieux. On a, oh là, c'était il y a 6 mois. On a presque, on a enregistré un épisode. Même pas, mais c'était pas avant. Ouais, si, presque. 6, ouais. Si, c'est ça. Ça. On a enregistré un épisode qui parlait de la bière. De bière en général, mais on a fait un point sur ce qui est, tout ce qui est home brewing, c'est-à-dire la bière maison. Ah, je pensais home brewing. Comme je la fais, comme je la fais de temps en temps, et comme j'ai pu la faire ça, c'est sûr que avec Monsieur Azertov. Oui. Dans le cadre de cette émission, on a pu interviewer Monsieur Lucas de Beemaker, donc une société qui vend des kits de brassage et des recharges de faire sa propre bière à la maison. Ah, les recharges, c'est intéressant. Et Monsieur Lucas de chez Beemaker a eu l'extrême amabilité de nous faire un petit code promo apéro original, donc APEROORIGIMALE. Attends. Jingle si j'arrive ou pas. Pff, non. Ah, voilà. Donc, apéro original avec le E sur, sur le E de apéro. Le E sur le E. Le E sur le E de apéro et le E à la fin de original. Original, tout en minuscule, qui vous donne une ristourne. Non, c'est pas un bac chiche. C'est quoi sinon, une réduction. Une ristourne. Une ristourne de 15% sur votre commande sur le site de Beemaker. Valable une ce fois qui vous par contre de payer des putes de luxe. Et... ce qui pourrait vous permettre de vous acheter un kit, par exemple, de brassage, en étant quand même au-delà du seuil qui vous permettrait d'avoir quand même les frais de bord gratuits. Voilà, on sait jamais. Pourrait être intéressant pour faire votre petite bière maison à la maison. Et oui, c'est 15%. Donner de l'argent à nous. Il y a de la bière qui fermente. Et je fais la danse en même temps. Les auditeurs ne le voient pas. Alors, point suivant, il y a marqué présentation du contenu. Présentation du contenu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est le segment où je dis de quoi on va parler ensuite. C'est quand même des grands mots. Donc de quoi qu'on va parler ensuite? Il n'y a pas marqué, mais il va quand même y avoir un C'est bien houblon. Hein. Vous y cherchez après c'est pas. Marqué. Présentation du contenu, c'est bien houblon. Ah oui, ouais, mais il n'est pas appris sur la suite du conducteur. Ah oui, non. Donc, attends, je lis. Donc c'est bien houblon où on va décapsuler, débouchonner quelques bouteilles. C'est ça que j'attends ça. On va se décapsuler, hein. On va se décapsuler. Ça fait 3 jours que j'attends ça. Quelques bières, voilà, il y aura un peu de whisky, il y aura un petit peu de bière bonus. Oh, il y aura pas de prune parce que non, hein, Il va falloir finir des bouteilles, les compagnons. Ah ouais, attention. Parce qu'on en ouvre, mais on les finit pas du coup. On va la se finir. Hein. On va avoir un dossier. Oui. Un dossier qui va durer longtemps parce qu'on va avoir des choses à vous dire, je pense. Mais non, ce dossier, Jean-Louis David. Ah oui, non, c'est celui-là. Ah putain, oui, je me confonds à moi. je me confonds moi-même. Pardon, donc je lisais pas le conducteur en fait, je suis con. Bon, bah, c'est le podcast, hein, c'est normal. Mais pourquoi Gandalf hein. Mais en fait, ah oui, d'accord. Mais en fait, oui, c'est ça, il fait deux dossiers, c'est pour ça, il nous encule comme d'habitude. Bah moi j'encule personne, hein. Autant te dire que j'ai jamais enculé quelqu'un. Donc un dossier d'Azertov. Oui, c'est moi. Voilà, qui s'intitule. C'est ça. 3 mois plus tard. C'est ça. Voilà, donc... Et pas 9 mois, parce que ça non. C'est. De toute façon, c'est pas rapport à 9 mois plus tard. Donc ça va être par rapport à son truc de juin, je me souviens plus. Mais en juin, il avait rien fait. C'était un truc sur le hentai. Alors il va peut-être nous faire un dossier sur le hentai à son tour. Peut-être. Ça serait louche. Oh, j'ai me tête le. Enfin, c'était il y a 3 mois, mais en fait, c'est l'épisode qui est sorti ce mois-ci, donc voilà. Alors, il manque un truc aussi sur le conducteur avant, c'est de présenter qui était avec moi autour de la table. Bah, présentation des participants, c'était le premier point, première ligne. Après, putain, merde tout, hein. J'ai jeté la première ligne, je suis désolé. Allez, on recommence. Alors. Attends, vas-y. Vas-y. Hop, vas-y, top chrono. Salut. Ah. Ouais, juste commencer le truc en machin donc. Donc salut, bienvenue, c'était épisode 3.3. Je sais pas que la mouille ça te faisait ça. 13.3. d'apéro original. Donc un 13e épisode. Il va être horrible. Un 13e épisode tout à fait raisonnable. Oh oui. Le mot n'a jamais été aussi juste. Puisque je suis entouré de deux personnes absolument raisonnables avec moi, à savoir Azertov. Coucou, c'est moi. Attends, attends. Et Gandalf 81. Mais jamais je ne bois, jamais une goutte. Jamais pendant le ramadan. C'est fini, ouais. Donc, pour rappel, notre podcast est diffusé sur Pod Radio. Sur trois canaux. Sur trois canaux. Pod Radio, on s'en branle, vous nous y verrez. Voilà, ce sera en 2019, le 20 et le 21 avril. Écoutez, il y a 10 minutes. CF, le même. CF, 10 minutes. CF, il y a 10 minutes. Ensuite, Beemaker, voilà, moins 15% si vous tapez apéro original avec un E, un E sur le, à la place du E, du E, un E. Oh, putain, non. Eh merde, vous savez comment ça s'écrit, c'est le nom du podcast. Vous faites chier. Pas le point médian, pas le point médian. Il n'y a pas de point médian, prenez pas le point médian. Ensuite, il y aura du Sylvain Blanc. On va décapsuler des bouteilles. Des serveuses de VNB, je veux dire, vu comme elle est gaulée, bah, y a quelqu'un qui l'a déjà décapsulé, Coco. Voilà, on va ouvrir des bouteilles, est-ce qu'on va les finir? Ça, c'est une autre question. Rendez-vous à la fin de l'épisode. Bah, je vais finir, moi, c'est ma vol, blablabla. Donc, ensuite, il y a un dossier de Zertov qui est intitulé c'est moi. 3 mois plus tard. C'est ça. Voilà, donc ce sera peut-être sur le hentai, puisqu'il y a 3 mois, il y avait un dossier sur le hentai. Mais j'ai l'impression que ce que t'as dit, ça a déjà été dit. C'est bizarre, ça, quand même. Pourtant, attends, je regarde si on a bien interrogé quand même, ça serait con. Merde, t'avais pas. On recommence. Allez. Non, non, non. Tout, tout, tout. Bienvenue dans ce tournoi. Il va trop tout l'attendre. Bonne nuit. Joyeux Noël. Voilà. Et là, une mobilette qui passe. C'est le générique de fin. Alors, ma musique de fin, c'est. Dites pas le nom. Donc, non, plus sérieusement. Après, le dossier de Monsieur Zertov, qui sera un dossier peut-être sur le hentai, on ne sait pas, va avoir des questions. Aux invités. C'est important. Des questions aux invités, mais on n'a pas d'invités autour de la table, donc je me demande un petit peu de quoi il. Et oui, parce que Tocheux, il s'est fait porter par là. De quoi il s'agira. Ouais, mais Tocheux, c'est pas un invité. Ouais, ouais, c'est un sociétaire. Mais de toute façon, c'est un vieux, donc. Et donc, putain, on va finir par ça. Ça va être Tandax. Hein. Ça va être Tandax. On va finir par un imposé de Gandalf. Ouais. Cross XO. Il est là derrière moi. Je l'attraperai en temps voulu, en temps gagnant. Si vous êtes féministe, tout ça, barrez-vous. Pas forcément. Non, je sais déjà ce que je vais dire. Non, ça va être un imposé sur un manga et on risque d'avoir pas mal de choses à dire en fait, de pouvoir en parler beaucoup. Donc, ne t'inquiète pas, il y a des choses à dire. Voilà, il y a des choses à dire. On risque d'en parler peut-être un petit moment. Ça risque de tirer un peu en longueur. On verra. Voilà, et on finira tout comme d'habitude en musique. C'est le pire. Oui. Et passons tout de suite au décapsulage de bière. Vite. Parce qu'on en est déjà à 14 minutes. Ah oui. C'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah. Allez, folle. Oh, j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai soif. Allez, non, vous fuyez, les gars. En fait, ça me fait penser à la version rapide de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les comiques qui refont leur sketch. Le sketch, c'est rapidement. Attends, j'ai mon casque, je me rase. Quoi? Naruto! Naruto! Azertov! Taikiku! Dring dring! On est un petit peu dans le niquage de game. À peine, vraiment à peine. Vraiment à peine. J'ai presque envie de niquer le game et de décapsuler ma bière. Et au début, quand t'as dit que j'allais niquer le game, et j'avais commencé à me protéger le fion. Là, j'ai dit, oh, le culé! Et là, Haikiku! Haikiku! C'est moi, lui! C'est vraiment moi qui démarre? Bah, ah oui, c'est vrai que. Gandalf! Gandalf! Haikiku! Gandalf! Décapsulage! Depuis le temps que c'est pas arrivé. Alors peut-être. Pas le chat, c'est notre alors, non, ça va. Ça va? Oui, je pense qu'ils sont un peu atterrés. Hein, je pense que là, vu le niveau, on en est. C'est le 3, mais là, c'est pire que ce que je crois, oui. Oh, certainement. Alors, comment dire à mes amis qui sont autour de la table? Est-ce que vous connaissez un certain homme d'une taille. Pas très élevé, un peu chauve. David Mourier. Oui, très bien. Il passait sur. J'allais dire Tocheux, mais. Comme ça, c'est la bite à Tocheux. Mais c'est normal, il est pas là. Par contre, en septembre, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. Et c'est pas parce qu'il va me chiquer la gueule. On va tous se faire latter la gueule. Aïkiku Zey Aïkiku. Je pense que ça va pas être bien. Il est pas là pour se plaindre, donc on s'en fout. Vous connaissez donc David Mori. Mais d'où vient David Mori? Il vient d'un territoire... L'Ardèche. Oui. Il vient de l'Ardèche. Il vient de l'Ardèche, dans un territoire que les Parisiens ne connaissent pas. Que personne ne connaît, à part les Artéchois. Oui, et à part les gens qui aiment là... Artéchois. Sauf les gens qui aiment la crème parce de marron. Parce que les Artéchois, c'est les gens qui habitent chez Arte. Arte. Arte Radio. Ah, bah non. Sauf les gens qui aiment la crème de marron. Et moi, je ils ont des marrons en Ardèche. Oui, bah oui, bien sûr. Et ils ont des chaperons aussi ou pas? Oh, ça, je sais pas. Vive l'Ardèche. Faut demander à David s'il arrive à choper d'autres femmes ils de l'Ardèche. Ils ont des chaperons. Vive les Ardéchois. Faut lui demander un jour quand même, est-ce qu'il y avait d'autres filles en Ardèche? Parce que c'est pour savoir. Est-ce qu'il y avait d'autres filles que Vanessa? C'est ça. Non, ne pleure pas. Vas-y, enchaîne. Oui. Donc j'ai une bière ardéchoise, donc vivement, parce que les bières de Lozère c'était déjà trop la hype. Visiblement il y avait trop déjà de jeunes dans le territoire. Moi j'ai essayé d'aller plus loin dans le game et d'aller chercher de la bière chez Lidl en plus. Vous t'inquiète pas, ça va peut-être rattraper. D'aller chercher de la bière ardéchoise chez Lidl. Donc c'est de la bière artisanale brassée en Ardèche. C'est de la Combelle au marron de l'Ardèche et c'est 3 étoiles parce qu'elle a dû gagner 3 fois la H-Cup. Ouais, ou alors elle est italienne. Elle a gagné 3 fois le calcio, non? Elle fait partie du mouvement 3 étoiles. Oh, mais oui, elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais bon. Façon migrant dehors, tout ça. Donc la bière Bourganelle est brassée par infusion en Ardèche. À consommer entre 12 et 14 degrés. Ils ont pas dit si c'était de niveau d'alcoolométrie. Je pense que je ne suis pas loin. À tenir au frais, bien évidemment. Et à l'abri, sans apostrophe ni rien. C'est al. Ah bah non. De la lumière, donc il y a du malt, de l'eau, de la brisure de châtaigne, hein, parce que les marrons c'est de la châtaigne, de la vanille, du houblon et de la levure. Et Sigourer River, elle est un peu elle est un peu laissée sur le bord de la route, elle n'a pas le droit de toucher à la mer, à la châtaigne. De toute façon, la dernière fois qu'elle a touché des châtaignes, ça s'est mal passé pour son vagin. Voilà, personne ne réagit, je m'en branle. Putain. Taïkik Et là donc ça va sentir la châtaigne, ça va sentir la castagne comme dirait ma mamie. T'as écrit que... Oula dis donc je suis un peu fort. Oula dis donc. Ça va. Non ça va mieux. T'as bien géré. Ah on est sur un peu du 50-50. Ça. Ouais. Alors là on est l'épisode 1-1-1 Monsieur Azertov. Voilà je lui passe le mot. Donc moi c'est une Mikkeller. Bon, le Just another white Belgian ale brewed with spicy. L'anglais ça s'améliore pas. Non, ça s'est jamais amélioré. Donc c'est une bière à 7,6. Take it. Government warning according to the Sugeron General Woman should not drink alcoolic beverage during pregnancy because of the risk of the dryness defect. But alors your French composing of the alcoholic beverage impair your abilities to drive a car or operate machinery and may cause heavy problems. Donc en gros, faut pas être enceinte et. Faut pas faire des trucs un peu. CF épisode 1, j'avais lu le même texte. C'est ça. Donc là, c'est. Il me semble à l'ananas. À l'ananas. Depuis le temps que tu es sur l'étiquette, il y a l'ananas. Depuis le temps que tu t'es pas goûté une ananas, ça va. T'auras le froid, tu vas te ressaillir. Donc voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas et je vais goûter ça tout de suite. Goûter, on va goûter. Je commence à mâcher machinalement, c'est pas bon. C'est ça. Ananas châtaigne. Non. On a une bière à l'ananas et une bière à la châtaigne. C'est pas pareil. Ah, des fois je me dis heureusement que Toshio n'est pas venu parce qu'on serait fait taper déjà. Bah non, pourquoi? Oh, parce qu'on l'aurait pas dit ce qu'on aurait dit pour le vin. Ça c'est possible. Pour les ch'touilles. Ananas châtaigne, c'est pas la même. Moi j'ai toujours pas senti, j'ai. J'ai laissé vivre le merguez. Ça sent pas le... La nana. Depuis le temps que t'as pas senti de la touche, de toute façon. Je vois pas le rapport, mais... C'est qui, nana? Nanana. Ouais, mais c'est... Le rapport sexuel. C'est pas Randall, donc du coup... Enfin, voilà. Vas-y, décapsule ta... Je décapsule au moins. T'as aussi. Pas senti la nana, et oui. Je viens de comprendre. Indian Pale Ale, IPA Citra Galactique. XO. Alk. 6.5% vol. 6.5, ça fait longtemps que c'est 65 IBU. Ah oui. Bah si, moi j'ai du 12,2 FLOZ. FLOZ. FLOZ. FLOZ. Saline, OZF. Non, donc elle a, IBU, c'est la bitterness. C'est le bitterness, c'est l'amertume. Oui, c'est le butternut, c'est le... Donc elle a une amertume à 65, ce qui est moyen. Bien. Enfin, ce qui est déjà pas mal quand même. Ouais, hein, parce qu'une une bière bien amère, on est autour des 70-80. Hein, donc, Non mais c'est normal, c'est Gandalf. Non mais j'ai jamais joué dans quelqu'un. Donc non, c'est, rigole, une IPA de la brasserie du Grand Paris. Donc depuis 2011, les deux brasseurs du Grand Paris souhaitent partager en France le meilleur de leur expérience brassicole. Fabrice a découvert la bière allemande et le brassage en Belgique. Anthony, l'américain devenu parisien, a grandi dans le pays qui a su renouveler les styles. T'es qui que... Voilà, donc bgp.paris, www.bgp.paris pour la brasserie du Grand Paris. J'aime beaucoup la... L'étiquette. Ouais, ouais, avec la galactique, donc avec un espèce de bonhomme qui se fait enlever par une soucoupe volante. Nous avons conçu l'IPA Citra Galactique à partir d'une sélection de nos houblons favoris. Il donne à cette bière des notes explosives de citron et de fruits tropicaux dont l'amertume s'éteint sur une touche finale sèche. Bière non filtrée. C'est pas la seule. Conservée à température de cave à servir entre plus ou moins 8 degrés. Pour un maximum de plaisir. Voilà, brasserie du Grand Paris, 103 rue Charles Michel, 93 200 Saint-Denis, France. Oula, Saint-Denis en plus. Oula, c'est pas bon ça. Oup, oup. Oup, oup. Ah, ça c'était la police. Ah, hop là, la capsule dans les pistaches. C'est comme l'appel du 10 juin, c'est un peu les violons. Mais là. Oula, tu sers bien vite, toi, t'as soif, toi. T'as qui que... Eh bien, écoute, ça sent le houblon. On va campagne, hein. Ben, bah, très oui. Con, hein, les amis. Campagne. Ah, moi, j'ai la seule qui est un peu... Ok, plus marron. Là, on est assez proche, quand même, en couleur, par rapport... Au moins, elle est plus... Ouais, bah, c'est toi, cette fois, qui a un peu plus... La plus marronasse. Mais ça reste encore léger. Oui, ça va, il y a pire. Elle est bonne, sa bière de Saint-Denis. On n'a pas goûté. Écoute, je vais te dire ça dans quelques instants. C'est une IPA, donc c'est une bière houblonnée qui, a priori, a des notes d'agrumes. Alors, on sent un peu le côté rond du marron en fin de bouche. Tu vois, un peu comme la... Je sais pas si vous l'avez goûté, la 48 en crème de marron. Non. Ou si on l'a goûté, ça un va peu, être un festival, mais c'est un peu Stasis crème de marron, un truc un peu sucré, un peu pareil, mais moins fort. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Bah, la mienne, on sent un petit peu l'ananas. J'ai plus l'impression d'avoir du un milky quelque chose. Milky pas, bah, plus avec peur, du lait... Ouais, déjà au nez, il y a quelque chose d'assez sucré. Ça sent le marron, ça. Ouais. Déjà au nez, il y a quelque chose d'assez sucré, un truc un peu fruité, tu vois, déjà. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ça sent le marron. Ah, ça... Et la 48 est plus forte. Ah ouais. Marron. Ah mais moi, j'ai tombé la bouteille. Hein. C'est-à-dire que les 75 centimes, je les ai tombés tout seul. Ah, moi, je suis pas du tout marron, mais... Moi, j'adore. Ah oui, tu sens le... Sens le marron. En fin de bouche, ouais. Tu sens le côté farineux du marron, alors que c'est pas farineux, hein, mais ouais. Rien qu'à l'odeur, t'as la sensation en fait. Ouais. Taiki que. Si vous voulez goûter là, ça va être. Voilà. J'ai déjà goûté, donc j'ai juste relevé. Très citra, très houblon. Oui, ouais, tu l'avais goûté. C'est ça que. Très amer, mais qui s'efface très vite en fait. Oh, bah moi je le goûte. Mmh. Une amertume qui s'efface assez rapidement. Ananas, tu dis? Bah. Ouais, il y a ce côté houblon un peu fruité déjà. Je pense. Ouais. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur la mousse. La mousse est costaud, par contre. Mmh. Ouais, il est sympa. J'aime bien. C'est ce qu'il y a sur l'image. Donc, je sais pas s'il y a vraiment de l'ananas ou. Enfin, les aromatiques d'ananas. Mmh. Mais c'est la note dominante, en tout cas sur la pochette. Enfin, sur la pochette. Une certaine prise, mais c'est l'IPA qui respire un peu. Tu vois, c'est pas prégnant. C'est le citra. Hein. Ouais. Clairement, la note de fraîcheur, en fait. Ouais, c'est pas prégnant. Voilà. Ouais. C'est pas le truc qui. C'est l'amertume qui arrive, mais ouais. qui elle est forte, mais elle persiste pas. Moi, je te dis, truc au marron. Hein. Moi, la 48 au marron, j'en prends 20 cartons. Et donc avec nous on a également une super papa. Et c'est la brasserie, alors c'est une brasserie qu'on a bu assez souvent, je trouve souvent à Lidl. C'est UberH, et je crois qu'ils sont en Perpignan, je crois, chez Manon Raymond, un truc comme ça. Ah, c'est celle qui est... Non, 67. Avant-dernière étagère à droite à côté de la planche. Oui, je vois là, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'après il y a une version bio et une version blanche qu'on n'a pas goûté. Ouais, mais j'en ai une, celle que tu m'as ramenée la dernière fois qui est... La bio, ouais. Et je pense que la prochaine fois, au prochain shooter, on coûtera peut-être la bio, si on la prend, ou la blanche. Ouais. Donc une brown ale. Ouais, strong, en plus c'est des strong. Strong brown ale. C'est ça. Et si on a envie de brune changer un petit peu, on a toujours le whisky. Toujours le Togouchi. Togouchi. Akika. Gucci. Akika. Auto. En parlant de auto, c'est au tour de Azertofu. Auto. Auto. Jingle. Jingle. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Force de faire tous ces jeunes associés. Trêve de suspense, de quoi s'agit-il ? Rappelez-vous, il y a 3 mois, à peu près. J'avais pas fait l'amour, ça c'est sûr. Non, on était chez un sociétaire fraîchement. Fraîchement sociétaire, oui. Donc on était jaloux. Donc quelqu'un est extrêmement jaloux de ne pas être sociétaire. Et. Il a raison, la période originale. Le seul truc que j'ai fait durant cette session, c'était. Baiser. David. Non. Non, c'était piquer mon concept. Exactement, et du coup, 3 mois plus tard, et ben je fais exactement la même chose, mais avec un sac beaucoup plus gros. Ah ouais, bravo. Azertof, taille kick. Azertof, auto. Donc du coup, dans mon top bag, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom aussi. 10 pieds sous terre. Oui, je crois. Ça va être ça. J'ai donc une certaine liste de BD, manga. Ah bon, vous lisez des BD? Oui. Et vous êtes un gros BD. Piocher dedans et essayer de vous le. Pas le vendre, pitcher. Mais de vous le pitcher et dire pourquoi. Mais qu'à tout mélanger, des BD, des mangas. Enfin, en fait, il n'y a pas de DVD, il y a BD. Se lève, taille qui que. Taille que. Je vais commencer par le plus important, parce que là, je sais que c'est. Le premier à faire. Taille qui que. Hop. C'est un beau gros pavé d'Alama qui s'appelle donc Le Prince et la Couturière. Mais ça a l'air trop beau, la couverture est trop jolie. Et qui a un bon gros pavé. Ouais, il y a pas mal de pages. Il y a pas mal de pages. Je vais vous dire ça, il y a de la paperasse. 450 pages ou quoi, un truc comme ça. 2400. Il y a un petit peu de bonus à la fin, il y a... 3-4 pages, un petit peu peu. Donc il y a 277 pages de BD. Guerre et paix. Voilà, c'est chez plus. Voilà. Alors, donc c'est. Donc c'est une. aux éditions Aquileos. Ouais. Dalby. Dalby. Hein? Dalby. Ils sont d'Albi. Mais oui, Aquileos, ils sont d'Albi. Il y en a un des deux. Il y en a deux, ils sont d'Albi. Donc c'est écrit et dessiné et je pense colorisé aussi, j'ai pas d'infos parce que j'ai un seul nom, par Jen Wang. Wang. Et je vais faire un test. À votre avis, juste à la couverture comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'il y a un prince et une couturière. Donc il y a un prince et une couturière, ça je valide. Et c'est fait par Jen Wang. Je valide. Ça fait un peu conte Disney quoi. Ouais. Conte de fées, truc oui, Disney. Au niveau aussi. Du dessin, ouais. Oui, ça fait, c'est vraiment pour nous raconter une fable. Voilà, la fable. Ouais. Là, c'est ça le. Ouais, ça peut être ça. Donc, le quatrième de couverture dit le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt ses calabaisé. Parents, ou plutôt ses parents lui cherchent une épouse. Mais le calabaisé. De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Paris sous les atouts de l'époustouflante Lady Crystalia, l'icône de la mode la plus courue de toute la capitale. Quand tu dis courue, c'est à tout le monde veut la baiser? Alors, tout le monde veut la baiser? Non, parce que ce sont, on va dire, des ados en termes d'âge. Et puis, ils ont chaud, alors. Voilà, donc c'est bien l'histoire de Sébastien, le prince. Et de Frances, la couturière. Donc c'est le prince sur la couverture. Donc c'est les deux personnes qu'on voit sur la couverture. Dont le prince, il est un peu waifu, tu vois. On a donc Frances qui est en bas, qui est vraiment style couturière au niveau la couturière. De sa prestance et de sa tenue et du code. Le maquillage, tout ça, c'est plus même pas une roture, c'est une pauvresse. C'est une, voilà, c'est une de la plèbe. Et on a vraiment le prince Sébastien qui est un petit peu plus mis en valeur. Oui, parce qu'avec le blanc, tout ça, ils étaient et le blanc, voilà, il y a un petit couleur entre lui qui est plutôt blanc, couteau. Du cheveux. Pur. Ouais. Et Frances qui a. Blanc plutôt. Voilà, oui, il y a des cheveux, il y a de la peau, il y a la peau. Elle travaille un petit peu plus, hein, voilà, pour pas. La race pure. La race pure. Sachant que c'est une histoire. Blanche. Voilà, c'est une histoire qui se passe. Ce podcast va. Dans les années 1400 et quelques. 1400. Ils sont en train de construire genre les galeries Lafayette, les premiers. 1400 et quelques, les galeries Lafayette, ok. Non, mais par là quoi, tout. C'est. Toi, c'est pas tout les jeune, galeries quoi. Lafayette, c'est quand même plus récent. Oui, non, mais c'est la première grosse galerie qui vend un petit peu de tout en fait. Voilà, c'était les magasins où on mettait les femmes parce que tu comprends, les femmes, ça fait ça. On rigole, mais on fait de l'informatique là tous. Mais les femmes, à l'époque, c'était. Elles faisaient les métiers de l'informatique parce que c'était des métiers de merde, hein. La personne, enfin la femme, j'ai plus son nom en tête, qui a envoyé Apollo 13 dans l'espace. Ah oui, non mais. Voilà, hein, le code, il fait à peu près sa taille. Donc revenons à le prince la couturière. Donc en fait, c'est un petit peu dans la thématique du renommage de notre podcast compte Twitter. En fait, c'est un cirque, c'est un truc un peu LGBT. C'est ça, parce que le prince, en fait, il court Paris sous les traits de Lady Crystalia. Donc, moi, de la couverture, moi, c'est waifu direct. Hein. Donc, moi, j'y mettrais bien. Moi, au début, j'ai eu du mal à savoir le vrai du faux. Au niveau du trait, de savoir. Ouais. Voilà, ça parle le prince et tout, mais est-ce qu'au niveau de la couverture, c'est un homme ou une femme? Ah oui. Non, je me serais posé. Parce qu'il y a un petit peu de doute. Quand tu réfléchis, tu vois un peu des traits d'homme, mais c'est quand même, tu te poses la question quand même. C'est ça. Et donc en fait, c'est bien un homme qui s'habille en femme avec des robes, mais des robes. Le chevalier Dion. Peut-être. Mais il y a eu un truc de mode il y a quelques. Moi, peut-être 2 mois aux États-Unis où justement les acteurs devaient s'habiller sur le thème de la chevalerie. Mm-hmm. Et tu vas voir, il y a un moment, je sais pas si vous l'avez vu justement, où il y avait une personne qui était habillée dans une robe un petit peu médiévale mais armure. D'accord. Bien. Et dans cette BD-là, On retrouve exactement, en fait, enfin pas exactement, mais on retrouve à peu près. Un truc très proche, voilà. Qui approche, j'essaye justement de vous retrouver. C'est ici, voilà. Vous allez l'avoir ici. En fait, donc on a Sébastien qui est ici. Ou ici, mais avec une robe qui a des codes, avec une épaulette en armure, des. Je sais pas comment ça s'appelle, au niveau des hanches, pareil. Des protections d'armure. Et donc voilà, donc c'est l'histoire donc de Sébastien qui recrute Frances pour l'habiller sur les soirées mondaines pour son personnage de Lady Crystalia. Est-ce que c'est une lady? Et c'est assez bien, justement on découvre. Mais ce livre m'avait fait déjà un peu de l'œil, hein, la couverture est toujours. Bah, je l'ai acheté quand j'étais avec toi, justement. Oh, on fait des choses ensemble. Et oui. Oh. Et pour 20 euros, c'est quand même un beau pavé. Oui, oui, c'est pour 20 euros, oui, voilà, il y a de quoi lire. Y a quoi c'est faire. Pour ça. C'est... Après, au niveau de l'édition, en tout cas de mon livre, je trouve le dessin sur le papier, il est un petit peu baveux. Ah ouais, ils ont un peu réduit les... Je sais pas si c'est un problème d'édition sur cet exemplaire-là, oui, ou si c'est générique, ouais, parce que voilà, ça a été fait comme ça. Parce que les dessins sont quand même assez beaux malgré ce petit défaut. Bah, c'est déjà, c'est simple. C'est un petit défaut, le trait est assez rond, je trouve. Oui, voilà, c'est très rond. Ouais. L'histoire est... petit patapon. C'est au final... Pour généraliser un petit peu, c'est juste une histoire d'amour et de recherche d'identité sexuelle. Est-ce que c'est du cupidisme? Je sais pas ce mot. Je lance les mots pour que les gens viennent nous bâcher. Voilà, comme ça, je suis comme ça. Donc du coup, voilà. Donc on va suivre le. Enfin, c'est un petit peu compliqué de parler de cette œuvre-là sans vraiment dévoiler l'intrigue. Mais t'as six blancs hétéro, t'es cupide. Mais non, parce que justement, il y a des moments. Où donc t'as Sébastien, donc qui cache, c'est vraiment un secret pour lui. Il y a deux personnes qui connaissent cette identité. C'est secret. Donc c'est son majordome. Alfred. Putain, mais le pire, si j'ai lancé comme ça. Quoi. C'est ça. Et Frances qui, du coup. Mais pourquoi quand je te tais, t'es rock, tu es une sexe? Je ne sais pas. Tu es un kiki, je ne sais pas. Et donc du coup voilà, c'est moi j'ai pris oui, pas forcément une van, Lady Gaga pour les soirées à thème. Oui, ça doit être ça. J'ai pas forcément pris une grosse claque, mais le message de cette BD est hyper positive parce que c'est vraiment un gamin qui se recherche. Oui. Oui, mais c'est ça, tout le monde. Qui recherche son identité. Qui a peur des représailles et des préjugés dus à son rang, parce qu'il est quand même prince, c'est le prince du roi belge, oui. Il me semble. Mais je pense qu'on peut parler du film, ils en ont parlé dans le. Non, parce que nous, avec mon ami Yasto, on est abonné au croissant. Il y a un film qui s'appelle Thomas, je sais pas quoi. Les gens chercheront. Et le réalisateur, qui lui-même. Enfin, c'est une histoire d'homosexuel, il a voulu rajouter un peu de ça. C'est un peu autobiographique. Voilà, elle a voulu rajouter un petit côté autobiographique et pour ce biais-là, plutôt, j'ai envie de dire, il a rajouté un personnage homosexuel, mais le vrai, tel que le grand public se le représente, c'est un peu oh là là. Oui, une folle quoi. La folle, c'est la plaquage aux folles quoi. Oui. Un peu oh là là, oh là là, tu comprends pas, je me suis mal coiffé hier, c'était pas bien. Je vais la rajouter ce personnage-là, alors qu'à la base il adapte un bouquin, il n'y avait pas du tout ça, tu vois. Le mec il racontait une histoire d'homosexuel qui se recherchait, mais point. Oui. Il a rajouté ça en plus pour questionner le personnage principal sur le fait de bonjour, qu'est-ce que c'est être homosexuel en fait. Enfin, être entre guillemets, bien évidemment, parce que tout ceci n'est pas très simple, bien évidemment. Donc, oui, c'est ce que tu dis, mais oui, c'est très à plat. Oui, oui, après, oui, t'as pas forcément de dégradé de couleur, c'est. C'est les couleurs sont. Ouais, c'est très joli quand même. J'essaie de retrouver une. C'est très. Les fonds sont très monochromes en fait. Oui, oui, il y a l'ébène de Paris et tout, oui, c'est très quand même. Mais surtout. Je trouve bizarre le choix du grand format pour faire des pages avec 4 cases par page. Après, oui, ça laisse beaucoup respirer le truc, c'est gros, le gros fouillis reste, ouais. C'est, enfin, il y a En moyenne, il y a 4 ou 5 grand maximum. 4. Cases par page sur du grand format. Ouais, les écritures, c'est écrit gros. Bon, peut-être, je sais pas, si ça aurait pas été plus. Ouais, il y a beaucoup de. Ouais, ça un petit peu plus petit. Ouais, il y a beaucoup de respiration, oui. Mmh. Je me posais la question, après, c'est parce que c'est un format BD. Mais, oui, ça laisse. Ouais, y a, ça tout aux yeux, quoi. Il y a beaucoup de respiration. Oui, c'est sûr que du coup, ça change du gaufrier classique où t'as. Mais là, je suis tombé sur deux pages où il n'y a pas de bulle, ça. C'est pas oppressant, mais ça saute, tu vois. Mmh. Tu vois qu'il n'y a pas de bulle, tu vois. Il n'y a pas de bulle, tu vois qu'il se passe un truc, ouais. Et au final, tu pourrais faire la même chose en plus petit, je pense. Mais j'aime bien le parti pris, quand même. Après, ouais, je pense que le côté taille vaut pour ces... une bonne taille, hein, de fables. Oui. Ou ce genre de choses, ou les fables de La Fontaine, c'est... Oui, ou les trucs de Benjamin Rabier, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus cette taille-là. Ouais. Voilà, un truc plus gros, oui, non, mais ça se tient aussi. De toute façon, après, enfin, je veux dire, comme je l'ai dit, 20 euros pour un pavé de 250 ouais, pages. Franchement, quand j'ai quand tu vois qu'une BD classique, ça coûte le même prix. Bah, ouais, ça coûte 7 euros de moins. Ouais, enfin, et les trucs de Panini, n'en parlons même pas. C'est gros. Les mecs, ils sortent des intégrales pour plus cher que ça. Je vais juste vous citer ce que je pense être la meilleure bulle de cette BD. Gandalf 81, grosse vite. Donc c'est Sébastien qui parle et qui dit « Toute ma vie a été résumée à voir les autres décider de ce qui est acceptable pour moi. Mm-hmm. Quand je mets une robe, c'est à moi qu'il revient de décider qui me c'est à moi qu'il revient de décider qui me donne un air stupide. » Oui, non, mais il y a il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. C'était le dernier roi de Bavière qui était un peu homosexuel, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il a fait un château, mais à l'époque c'était le château. C'est-à-dire qu'il a fait un château, je sais pas, peut-être vous le voyez au bord d'un lac, un château tout en haut du promontoire, et c'était à l'époque, c'était le château, il avait le courant, quoi. Les mecs avaient l'électricité, quoi. C'était à l'époque, c'était revolution, tu vois. Et le mec il était un peu bon, ben voilà, ben un jour on l'a retrouvé un peu mort dans son lac, donc bon, après ça s'est retrouvé que c'était le dernier roi de Bavière, donc ça s'est un peu arrangé par lui-même, parce que tout le monde s'est arrangé pour que, tu sais, Guillaume Ier, tout ça, donc c'était pas un problème, mais on va dire qu'il avait déjà à l'époque, il était un peu, voilà, donc peut-être s'inspirer de ça aussi, hein. Mmh. Il y a pas mal de figures un peu qui étaient un peu déjà transgenres à l'époque, un peu, qui avaient du mal à trouver leur place, mais déjà les figures à l'époque, hein, étaient déjà, quand tu regardes Louis XIII, tout ça, comment ils étaient habillés, tout ça, c'était des figures pas transgenres, mais un peu... Oui, t'avais pas forcément... Ils avaient un spectre de rayonnement assez grand, on va dire. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, donc, dans la partie bonus, où Jen Wang, justement, explique un petit peu son travail étape par étape, donc ouais. Au niveau du scénario, du dessin, de la colorisation... elle dit au début, justement au niveau du scénario, elle avait imaginé l'histoire avec des adultes, mais elle trouvait que ça marchait beaucoup moins parce que tu n'avais pas le côté recherche d'identité sexuelle. Il est différent. Alors que des ados. T'es plus un âge charnière en fait. Voilà, c'est ça, ce où sujet-là. Justement chaque ado se recherche, dit voilà. Mais d'où l'allégorie de Spider-Man. C'est un adolescent qui se recherche en fait. Oui, c'est ça. Oui. Mais qui se recherche pas, il se recherche pas sexuellement, mais il est. Il sent les mutations dans son corps. Voilà, voilà, c'est ça. Une identité. Il voilà. Recherche sa place ou comment être soi. Donc voilà pour ça. Donc c'est, je rappelle, chez Aquileos, une vingtaine d'euros. Le prince et la couturière. Non mais la couverture, moi, m'avait déjà. Mangez-en parce que c'est extrêmement bien. Mangez-en parce et que vous c'est allez de l'euro, c'est peut-être cool. Reprendre espoir en l'humanité. Alors qu'en écoutant Gandalf 80. Ouais. Je prends au hasard un truc en faisant comme ça pour pas voir. J'aime bien comment tu tricotes ton sac. Ouais. Je connais. Oui, parce que ça va se terminer. Donc, City, Apocalypse sur Carson City, il me semble que j'en ai déjà parlé. Il te semble que tu en avais déjà parlé. Non, mais t'essaierais pas de nous enculer là. Ouais, c'était un imposé, putain. C'était un imposé ? Mais c'était un imposé le premier. Donc, c'était un imposé. Là, je vous en reparle vite fait parce que le dernier. T'en es sorti. Est sorti et conclut l'histoire. Et c'est toujours aussi. Et c'est toujours aussi bonheur de lire ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, quand on lit la conclusion, et qu'on... Déjà le 1 posait des bases ouf. Enfin, des, c'est ouf, ça. Des bases, bah, voilà. En fait, le 1 de Apocalypse sur Carson City, donc toujours chez Akileos et par Griffon, ouais. Bah, en fait, c'était une BD en noir et blanc au style un petit peu... très... Ouais, j'ai du mal à... C'est du noir et blanc, mais en pas super difforme, mais presque, parce que les ouais, personnages ont les têtes, grosses têtes. C'est exagéré, ouais. Encore. C'est ça, exactement. Et moi, je vous fais voir, bien sûr... Non, mais le pire, c'est que... Cache le nom, maman. Cache le nom. J'ai l'impression que ça fait partie de l'album. C'est-à-dire que pour moi, c'est une page de garde. C'est-à-dire que le mec te fait des dédicaces et les pages de garde. C'est ça. Donc c'est vraiment en fait une BD sur les films un petit peu série Z, série B où t'as des mutants, t'as ouais, il y avait un peu tout qui se collisionne, tu vois. Voilà, c'est un ça. Peu, tu... Un peu comme dire, c'est pas Randall Fleck qui a fait des trucs comme des tweets comme ça avec le pitch parfait. C'est ça, à peu près. Sauf que là, le pitch parfait, c'était vraiment des films en enfin, je trouvais qu'il se trouvait un petit peu sérieux. C'est juste que le résumé du film, ça tenait sur pas grand chose. Qu'on peut faire sur n'importe quel film. Voilà. Là, c'est vraiment en fait l'adaptation de films de genre zombies, infection, mutation, ouais. etc. Sur 9 tomes. Les braqueurs sont énormes. Et ouais, donc il y a les frères. Mais voilà, c'est hyper cool. Je trouve pas le prix, mais ça va être une quinzaine d'euros. Ouais, c'est 15 euros, ça, ouais, par tome. Ouais, par là. La série est finie. Ça déchire un petit peu sa maman. À chaque fois, il y a de la musique. C'est vraiment en plus à reprendre. Oui, et puis de la bonne musique en plus. On a une remarque sur le chat de Merzine qui nous dit ça fait penser à Pulp Fiction, la couve. C'est ça. Oui, il y a ce côté, oui. C'est une série B. Justement, c'est, voilà, ça joue sur ces codes-là. Donc, on va retrouver des codes de Pulp Fiction. Un petit peu distillé, je dis pas que c'est forcément le même propos, etc. Ouais, ouais. C'est vrai que Tarantino aime bien ce côté très, très brut. Voilà. Bah, au niveau de justement des frères Deadwood, si j'ai pas de conneries, Blackwood, pardon. Voilà. On retrouve un petit peu le côté des deux tueurs, enfin pas des deux tueurs, mais des deux gâchettes de Pulp Fiction. Côté brut, un peu. C'est ça, et un petit un peu désenchanté. Et un petit peu standing aussi. Ouais. Voilà, ils sont habillés en costard, ils sont bien propres sur eux. Voilà, le métier quand même, voilà. C'est ça. Donc, ça la dernière partie qui est en deux tomes est assez what the fuck. Donc, Ah, mais déjà, le premier tome était déjà. Le cliffhanger du premier tome était déjà. Le premier tome était complètement décousu jusqu'à la fin. Où oui, où tout se rassemblait. Tout se rassemblait et finissait par. Et pour te donner une trame principale. Ce que je suis en train de revoir, en fait, c'est la conclusion où on voit justement tout ce qui a amené. La réunification de tous les chapitres précédents qui n'avaient aucun lien jusqu'à présent. Voilà, ça. Au début, les liens, c'était plus du slice of life. Oui, mais de point de vue et de personnes différentes. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait le shérif, tout ça. Il y avait, quoi, il y avait la partie shérif, il y avait la partie armée avec le... Ça commençait pas par des gens qui faisaient la pêche, qui pêchaient si, sur le lac. Si, ouais. Exactement. L'espèce de général. C'est la première. Une toute première, ouais. Voilà, justement, où c'est le début, on va dire, de l'infection. Ensuite, tu vas avoir une partie sur justement l'armée et le général fou et le général qui est un peu le général Matthews qui est un petit peu walala et le docteur qui fait les expériences des trucs un peu chelou, ouais. Ensuite ça passait sur les frères, ouais. Et ensuite ça passait arrivé dans un bar ou dans un bar, ouais. Donc dans un diner, on retrouve en fait les codes de films de ce genre là justement, ouais. Oui, où t'as un petit peu l'introduction slash zombie slash ouais, c'est vraiment là pour l'introduction, puis après tu rattrapes tes bébés, quoi. C'est un peu c'est ça. Et enfin c'est non, après c'est vrai que c'est un style un petit peu graphiquement c'est voilà. Alors, figurez-moi, faut aimer, mais moi j'ai trouvé ça très beau. Hein. Franchement, je sais que Randall n'est pas très rentré dedans, justement, parce que le dessin il était un petit peu bizarre. C'est un peu spécial, mais moi j'ai senti le parti pris. Ouais. Hop, je. Mais après, c'est normal de pas. Ouais. Parce que ça sort quand même du chantier battu. Allez, je vais essayer de devancer Evan pour trouver la couve du prochain. Hop, c'est parti. Bon, prochain livre. Un manga. Un manga. Qui s'appelle Au Grand Air. Au Grand Air, truc de camping-cariste. Donc, c'est un truc, non pas de camping-cariste, mais de camping tout court. Donc c'est alors là je sais plus dans quel ordre ça a été fait. Moi j'ai découvert donc l'adaptation sur Crunchyroll qui s'appelle Urukamp. Donc la version animée de l'histoire. Et ça dit quelque chose un peu. Ouais. On va suivre l'histoire de quatre personnes. Putain mais elle va trop vite. Une fois que quelqu'un va plus vite que moi aussi. C'est ça au moins. Ouais putain le bruit. Alors je sais pas qui est l'héroïne principale de cette histoire, ouais, mais ça tourne entre Rin qui est la campeuse solo d'un côté qu'on suit au début. Nadeshiko qui est la petite nouvelle qui va justement, c'est l'élément perturbateur de l'histoire. Et puis c'est aussi peut-être la piste d'entrée pour le lecteur aussi peut-être, non? Oui, mais on le... Un petit peu. C'est ça, mais pas de son point de vue, en fait. D'accord. Ouais. Enfin, oui, parce que c'est une personne qui connaît pas du tout le monde du camping. Voilà, ouais. Mais pas tout à fait. Voilà. Mais pas tout à fait. Comparé à Marine, qui fait du camping en solo, et Sheika et Aoi, qui sont en fait deux personnes... Mais Sheika. Membres du club de camping du lycée. Donc, on va voir Rin, qui est camping solo... Et Sheika et Aoi qui font du camping, on va dire, tout le monde. Et Rin, en fait, qui arrive dans la nouvelle ville et qui va perturber un petit peu... L'élan perturbateur, sinon c'est pas drôle. Tout ce groupe. Et ce qui est assez bien, c'est que c'est du slice of life. Enfin, donc c'est des tranches de vie, mais d'un point de vue purement camping, en fait. Tout ce qui va se passer en dehors de l'intrigue camping... On le zappe. Tout ce qui est cours, tout ce qui est vie à la maison. C'est vraiment c'est tout ça. C'est un manga à la base. C'est un manga. Donc, ouais. Du coup, c'est d'abord le manga donc, au grand air qui a été adapté. Ensuite. Yuru Camp chez Crunchyroll. Écrit par Afro. C'est ça, Afro. Est-ce qu'il y a une coupe? Donc Afro. En France, c'est édité chez un petit éditeur, il me semble, qui s'appelle Nobinobi. Mais Nobinobi, c'est pas. Nobinobi, ça appartient à Canard. C'est Kana, c'est une sous-branche. Il me semble que ça appartient à Kana, Nobinobi, vérifier, mais... Ouais, qui fait plutôt, de mémoire, j'avais regardé sur le site, plutôt des trucs enfants. Alors, ouais, voilà, des trucs un peu plus simples. C'était une maison d'édition qui faisait des trucs vraiment jeunesse, qui a été rachetée par Kana, me semble-t-il. Mais qui font des trucs, voilà, peut-être un peu plus accessibles. Et du coup, c'est en train de changer un petit peu, parce qu'ils ont sorti des trucs un peu plus surprenants pour leur collection. Non, je lave les mains parce que. Ouais. Mais. Et ça va plaire à Gandalf parce que l'intrigue se passe essentiellement à côté du mont Fuji. Ah, Donc quand ils vont au camping, t'as souvent en fait des campings qui sont autour du mont Fuji. Tu comprenais que j'ai pleuré là-bas donc. À un moment, tu vas avoir une double page où t'as le. Le lever de soleil, il me semble, sur le mont Fuji. Moi je vois un truc comme ça appartient à Pika. Voilà. Non, c'est pas que une autre, mais il y en a une autre où justement tu vois le mont Fuji avec le soleil et tu vois Nadetsuko justement qui est. Le dessin est très manga, mais le dessin est très tramé. Oui. Par contre. Après, au niveau du style, c'est clairement pas Sojo. Ouais. Shoujo. Mais c'est très tramé. Shoujo. Oui. C'est. C'est celle-là, voilà, exactement. Ah oui, celle-là, elle est. Quand je l'ai lu, j'avais déjà vu la série sur Crunchyroll, et quand je l'ai lu, j'ai. Cette double page-là, ça m'a foutu un petit peu le frisson. J'aime beaucoup le trait. Ouais. Il y a beaucoup de contre-champs, je trouve aussi. C'est pour un peu. Je pense que c'est un peu pour donner de l'importance aussi au personnage. C'est très centré donc sur ces quatre personnes là et ensuite au niveau de l'animé qui va donc il y a 12 épisodes il me semble. Ouais. Il y a une le cadrage est très de temps en temps il y a des libérations de cadrage mais après c'est vrai que c'est très centré sur les personnes, un petit peu de décor de temps en temps pour donner parce qu'en fait mais du coup ça va très bien avec le sens slice of life. Ouais. Avec tranche de vie, c'est très. On parle des personnages et puis de temps en temps on montre un peu plus pour dire c'est quoi le camping. Voilà. Il donne des détails bien sûr sur le camping parce que c'est, je pense, une des mouvances actuelles des mangas, des animés, en tout cas que moi j'ai vu, c'est qu'ils te mettent des choses sur une thématique. Ah oui, il te creuse un truc. C'est ça, là à peu près en même temps il y avait Mrs. Noodle. je sais plus. Miss Kobayashi Loves Noodle. C'est ça. Ou là, par contre, c'est une fille que des noodles. Que des noodles tous les jours. Que des ramen. Ça, ouais. Voilà. Que des ramen. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est la même chose, mais en t'expliquant, voilà, les ramen de telle ville. Il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Voilà, et spécifique parce qu'ils rajoutent tel ingrédient dedans qui n'est pas fait autre part. Bah, les ramen, normal, il y a beaucoup de traits verticaux. Oui. Oui, mais bah, c'est très tramé. Ouais, bah, en fait, dans, au grand air, ils vont te mettre des traits verticaux pour t'induire que c'est la nuit, pour t'indiquer que c'est la nuit, en fait. Il y a vraiment des sens, voilà. C'est pas. C'est bien invisible. Oui, c'est. Voilà. Et moi j'ai juste le survolé pour l'instant. Ah, après, voilà. Mais c'est vrai que c'est très cadré. Oui. C'est très centré personnage. C'est pas une intrigue de ouf non plus. Oui, parce non, mais sur le canton, voilà, elle est pas centrée. Parce que. Est-ce qu'à un moment ils font la danse des tombes, quoi. C'est ça. Ils vont te mettre en fait un beau boss qui vont t'attaquer. Ah, mais je ne sens pas les avoir vus. Le... Ah. D'habitude, je regarde toujours. Le chat, il est chaud. Hein. Il ramène les ingrédients. Hey. Des petits strips sur la couverture. Hein. Ouais, mais il y en a un petit peu. Il y a une histoire bonus, justement, à la fin qui est. J'aimais le parti pris. Ouais. Mais t'as toute une histoire, en fait. Oui, c'est très strip. Vraiment bonus à la verticale, en 4 cases. Bon, c'est un nom spécifique. Bah, normalement ça c'était les trucs que t'as en fin de chapitre. Mmh. Ouais, sur qu'ils l'ont recadré. Ouais. Chapitre, et bim, t'as 4 cases qui te racontent une petite histoire. Donc, au grand air chez Nobinobi par Afro, 7,20€ à peu près. Ah, quand même. Et est-ce que Afro il est samouraï? Ouais. Ça fait beaucoup pour un. Il est pas bien épais non plus. Non, c'est 4 chapitres, il y a 6 chapitres plus un bonus. Et ça fait, enfin le dernier, le chapitre bonus c'est à la page 167, donc il doit y avoir une dizaine de pages, peut-être une vingtaine de pages. Un manga c'est 7... Oui, t'es autour de 7 euros, c'est vrai. Ouais, 274, ouais, la dernière pagination. 7,60 et plus. Donc voilà, donc, ouais, si... Il est aphrodisiaque. Ça fait peut-être un petit peu cher, mais... Super. Voilà, c'est... Oh, bah, c'est... Peut-être commencer par jeter un œil à la série sur Crunchy, ouais, parce qu'elle est un. Elle est un gratuit. Donc, ouais. Du coup, c'est gratuit. J'aime beaucoup le graphique déjà. Chercher Yurukamp, YRU. Ouais. Plus loin Camp, c'est un MP. Ouais, ça dure 20 minutes les épisodes. C'est ouais. Hop, je prends un truc au je hasard, je prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Infinity Hate. Infinity Hate. Allez, Infinity Hate. Alors là, c'est spécifiquement le tome 7. Ouais, Boulet Lewis Strongman. Mais c'est en fait une série en 8 tomes. C'est une sorte d'anthologie, mais faussement en fait. Parce que quand il y a plusieurs auteurs, on peut dire que c'est une anthologie. Ouais, alors c'est édité chez Comics Bureau. Ouais, c'est Ruth Serre. Et c'est Rue de Sèvres, voilà, ouais. C'est, je crois que c'est une coédition Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, ils ont des autres, hein. Ouais. Alors, comment expliquer le principe de Infinity Eight? Donc, il y a 8 tomes, c'est ouais. Une histoire en 8 tomes, et chaque tome est écrit, enfin scénarisé et dessiné par des auteurs différents. Ouais. C'est régenté par Lewis Trondheim, voilà. Quand même, parce qu'il faut Lewis quand même Trondheim, que ça retombe sur côté scénario et Olivier Vatine côté dessin. Mais après, voilà, on laisse quand même... Mais après, ouais. C'est ouais. Clairement dans le style des dessinateurs, donc le style de Boulet, c'est reconnaissable. Oh ben, bah, à chier, hein, la suite directe. Voilà, on retrouve du donjon, on retrouve des notes de Boulet, c'est exactement ça. C'est beau. Et en fait, alors l'histoire, c'est le nom du vaisseau, le YSS Infinity, en fait, fait une croisière classique. C'est un vaisseau spatial de croisière où il y a plein de peuples dedans. Et il arrive un moment à une zone de l'espace où il y a énormément de cadavres, de nécropoles, de défunts. Qui se trouvent ici et ils savent pas pourquoi. Et en fait, ils vont enquêter sur cette zone-là. Le capitaine de l'Infinity, en fait, est un capitaine d'une race, du coup, extraterrestre, mais qui a la possibilité de faire des loops, 8 loops au maximum, sur une même séquence de temps. D'accord. D'où pour voir. D'où le Infinity 8. Parce qu'ils vont boucler 8 fois pour découvrir Secret. le secret de... Et à chaque fois, j'imagine que c'est une sorte de micro-déclinaison d'une seule et même... Non, c'est à chaque fois des héros... Différents, ouais. Différents. Et je pense qu'à chaque fois, chacun découvre... Une intrigue différente. Et que... Mais t'as un ou deux éléments qui t'expliquent... Oui, c'est ça, voilà. Pourquoi... Chacun remis bout à bout, voilà. Ça te fait l'explication globale. Voilà, quand tu lis les 8 d'une traite, en fait... T'as le global. T'as la ligne globale en fait qui se fait et tu comprends tout en fait. Genre le premier dit 1, 2, l'autre dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par exemple. Oui, mais pas sans reprendre les éléments du texte voilà. Du tome précédent. Toi, le premier, ils arrivent et ils découvrent la zone. Donc, mais il faut qu'il y ait une logique aussi entre chaque tome. C'est aussi, ça. T'as une histoire du qu'est-ce que c'est que ça. On déclenche la procédure Infinity Eight, je sais plus comment elle s'appelle. Pour boucler justement avec le capitaine. On va boucler. Le premier, boucler. La première héroïne va enquêter sur un fait. Parce que des fois, c'est le premier fait en fait, ça va être n'importe quoi. Par exemple, à un moment, t'as un peuple qui veut. Je crois que c'est dans le deuxième. C'est un peuple nazi en fait, qui reprennent les idéologies nazies. Ouais. Et t'as toute une histoire justement. Mais. Annexe au fait qu'il y a une nécropole à côté. C'est complètement en fait, ils sont juste arrêtés, ils profitent de ce fait là pour essayer de prendre le pouvoir sur. Justement, t'as juste un tout petit détail qui te fait avancer l'intrigue générale, mais sinon, tu peux lire chaque tome indépendamment les uns des autres. Je vais voir qu'il y en a quelqu'un s'ils ont fait, parce que j'ai vu, Davy c'est le sixième, je crois. Davy c'est le sixième, il me semble, ouais. Après, ils sont à côté, à part le 8e, parce que je ne sais pas s'il est déjà sorti ou non. Ou tu peux les lire. Mais après, voilà, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Mais voilà, quand même, globalement. Voilà, parce que du coup, tu as quand même un début et une fin, surtout dans celui-ci, donc le 7, qui te révèle une grosse partie de l'intrigue. Ah ouais, et que tu te. Voilà, tu sais que le 7, en fait, limite, cette histoire-là, ça peut arrêter là. Mais il te manque quand même le pourquoi. Ça conclut un petit peu, mais il te manque quand même une petite chose qui va être, je pense, conclue dans le dernier tome. Donc c'était pour parler un petit peu spécifiquement. Joli. Et là, sur Infinity, sur ce tome-là, en fait, il te raconte vraiment. Donc, on découvre plusieurs choses au niveau de cette nécropole, de cette zone-là. Et là, en fait, ça te prend un petit peu le contre-pied. On te montre une personne qui est un héros en flashback d'il y a 20 ans, etc. Mm-hmm. Et ensuite, on te montre à aujourd'hui quand justement il est dans le vaisseau et on te montre qu'il est bien baraqué. Et tu suis justement ce personnage-là. C'est deux temporalités un peu qui se suivent, mais une qui explique l'autre. C'est ça. Et dans la conclusion, en fait, t'as un duo de personnages. Donc, t'as le héros qu'on va suivre et t'as un héros en fait, qui vient de temps en temps influencer. D'accord, c'est un peu le... Dans les premières pages, en fait, t'as le héros qui reçoit de la deuxième personne une babiole. Ouais. Tu comprends pas pourquoi. Et ça dure 2-3 pages. 2-3 pages après, t'es 10 ans plus tard. Et dit, est-ce que t'as toujours le truc regarde, je l'ai récupéré parce que tu oublié, c'est très important, il faut que tu le gardes, il faut que tu l'aies, c'est très important. D'accord, au fur et à mesure, tu passes, déconstruit. Tu finis les deux pages, t'es encore 10 ans plus tard, fait putain, je t'ai dit de le garder et tout, faut que tu le gardes vraiment sur toi. Sauf que la personne qui dit ça n'a pas du tout le même design, enfin, le même costume, et pas habillé pareil. Tu vois que c'est le même personnage, mais costumé en fait, à différentes époques, dans différents styles, qui redonne à chaque fois le même truc, parce que le héros l'a perdu. Et tu comprends, vraiment au début, on va dire à dizaine de pages, justement, il avait besoin de cet objet-là, parce qu'il est dans une certaine situation. D'accord, ouais. Il influence, j'imagine. Donc voilà, donc t'as vraiment un aspect boucle temporelle, mais qui pour moi, qui est logique, en fait. T'as vraiment une influence dans toutes les actions de cette boucle temporelle-là. D'accord. Donc c'est en 8 tomes. Oui, bon, ça ne m'étonne pas. Hein. Oui, la page 2 qui dit « Bonjour, je m'appelle Boulet ». Oui, voilà, c'est... « Bonjour, moi, c'est Boulet, vous allez lire, moi. » C'est ça. Donc, ce tome-là, donc, c'est dessiné par Boulet et c'est scénarisé par Lewis Trondheim. Donc, vu que c'est Lewis Trondheim, doit y avoir encore plein de références, plein de niveaux de lecture, plein de trucs. Avec lui, on s'ennuie pas. Et qui s'appelle donc... Infinity Hate. Et, c'est Infinity donc, et ce tome, c'est Rien pour finir. Mmh. Et en fait, quand tu vois la couverture, que tu lis le titre au début, tu comprends pas. Quand tu lis l'histoire... Tu comprends, non. Bah, c'est très Trondheim. C'est ça. Et en fait, j'ai lu le truc. Et à la fin, ils expliquent toujours un petit peu. Il y a toujours des pages bonus. Et je suis revenu sur, justement sur la page de couverture. Et en fait, j'ai eu un frisson parce que, ouais, en fait, ça prend du sens. Mais oui, mais... Non, et tu mais... l'as pas tout de suite, en voilà, fait. Trondheim, il y a les univers un peu qui prennent le pas. C'est voilà. Ça. Le récit un peu qui... Trondheim, pour info, il est très adepte des... ou voir le loupole ou bapo, voilà, c'est se mettre des contraintes scénaristiques de dessin, etc. Ouais. C'est le voir, je vois pas, mais comme ça. En fait, il se met des contraintes à chaque fois qu'il écrit ses BD. Ah oui, non, mais il est très cadré. Il écrit vachement bien, de ouf. Donc là, je vous présente le dernier tome, le septième tome paru, il y a un huitième. Alors je sais pas s'il est déjà paru ou s'il va paraître à l'heure actuelle. Je sais qu'il va sortir. Les deux premiers tomes sont parus aussi en fascicule souple pendant une période. Donc c'était à chaque fois trois sur trois. Un tome est décliné en trois fascicules. Ouais, bon, tout ça à peu près. Voilà. Donc Comics Bureau, Rue de Sèvres, 17€ pré-éditeur. En fait, Comics Bureau, c'est un truc à Olivier Vatine, je crois. Donc, ouais, qui fait des trucs de comics, c'est hyper bien. Lisez-en. Hop. Mangez-en. Niquez-vous. Je vais faire un petit peu rapide sur les derniers. Je prends au pif. Hop. On va prendre celui-là. Ah. Captain America. Là, tu me. Steve Rogers, Captain America. Donc, ouais. C'est la période pré-Secret Empire. Ouais. Donc c'est chez Marvel Comics. C'est au prix de 17€. Non, 15€, en tout cas. Ouais, 15€, ouais, les Panini, ouais. Oui, David, on est toujours en ligne et on débute le 3. On dit que t'en meurs. Donc là, en fait, pour essayer un petit peu de mettre en contexte ce tome-là. C'est-à-dire, il y a Infinite Iron Man, non, un peu. Enfin, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans le monde des comics Marvel. Oui, j'ai Infinite Iron Man, ça, un peu rond, tu vois. Ouais, même après. En fait, il y a une grosse baston au niveau du Shield. Ils ont enfermé tous les super-vilains dans une prison entre guillemets gérée par le cube cosmique. C'est la prison qui est sous l'eau, hein, Non, pas du tout. C'est Pleasant Isle. Ouais. Qui en fait effacer, remodeler le passé des super vilains pour leur faire comme si c'était en fait des humains classiques. Traditionnels. Sauf que suite à ça, en fait, le cube qui avait une forme vivante qui s'appelle Cubic a transformé Captain America en lui implantant de mauvais souvenirs. Et on a fait en fait un agent d'Hydra. Donc Captain America, c'est le gentil. Hydra, c'est les méchants. Ouais, il les a fait pactiser avec le diable. C'est ça. Et en fait, donc dans ce tome-là, le premier chapitre se termine par... Enfin, c'était le premier chapitre justement de Steve Rogers, Captain America, où clairement, sombrement, Captain America a dit « Hi, Hydra ». Et voilà, c'est celui-là. Comme ça, au clé... Internet est tombé par terre, la faute à Walter. C'est ça. Où tout le monde a créé un scandale. Et c'est en fait justement, c'est tous les prémices, toute la mise en œuvre de Secret Empire qui se passe après, où justement Captain America a pris le pouvoir sur les États-Unis avec l'Hydra. Oui, mais Captain America, en même temps, c'était Red Skull, c'était plein de bordel. Voilà. Ah oui, tiens, c'était tout le bordel. Voilà, où t'as le Hydra, où ça te fout quand même un petit peu la chair de poule quand tu connais. Donc c'est. J'ai passé un bon moment. J'en ai entendu du bien, ouais, celui-là. Ouais, il était bien à lire, il était sympa. Ouais. Si c'est lire. Bah justement, ça te montre tout ce qui est l'événement pré-Secret Empire. Oui, oui. Donc, oui toute oui. la mise en place, tous les jeux de stratégie. Surtout qu'à un moment, en fait, dans cette BD-là, c'était en même temps que... comment ça s'appelle le dernier event avec Ulysse X-Men contre Inhumans. Oui, voilà. Donc, XVI. Oui. Où justement, tu as une période qui coïncide ou qui est à ce moment-là, en fait. Et oui. C'est. Oui, voilà. C'est pour un temps. Oui. C'est en même temps, tu as des petites pistes qui te demandent comment il va se passer dans telle partie. Parce que j'ai pas suivi justement le kiosque où il était dedans. Dans cette période-là, j'ai suivi les autres, mais pas lui. Et justement, juste pour avoir la période pré-Secret Empire, j'ai pris ça parce que justement, c'est une facette de Captain America qu'on ne voit pas. Je serais bientôt parti, enfin, bientôt parti. T'inquiète pas, trois coups de chignol et je suis parti. Donc, pour ne pas dire de conneries, je vais regarder la première page. Donc, au scénario, c'est Nick Spencer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il m'aimait fort. Ah oui. Non, il a dit qu'il t'aimait bien, mais qu'il a dit pas fort. Au voilà. Dessin, c'est Jesus Saiz, Javier Pina et Javier. Miguel. Javier. Javier. Et Miguel Sepulveda. Moi j'ai fait espagnol, peut-être pas les mêmes langues. Et c'est. Pas longtemps. Voilà, c'est assez. Alors on a Jesus. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Zaleses. J'enchaîne. Il faut flinguer Ramirez. À noter que ça, c'est succès de alors, ce que tu as dans les mains là, c'est succès de librairie. C'est-à-dire qu'à tel point que toutes les versions qui ont été sorties pour l'instant ont été épuisées. C'est-à-dire que la version BD Fugue est épuisée. Enfin, la version BD Fugue, je crois que c'est pas une version spéciale. La version Canal BD est épuisée. BD Fugue, il y a un truc en plus. Une exclusivité. Oui. Attends, une exclusivité, ça vient juste, c'est déjà pas mal. Ouais. La version Canal BD est une version spéciale, il y a une autre couverture. Et les, de tout ce que je sais, ça a été épuisé. C'est-à-dire que moi, je vais à Rodez où normalement, ça va. Hein ouais, salut David. T'es pas pressé. Tout est épuisé. Donc, je pense que oui, non, ça a été un bon succès de librairie. Ça m'étonne pas, je vais juste retirer la lithographie si vous voulez la voir. Oh, mais je voudrais tellement. Parce que je vais vous passer la BD. Donc, il faut flinguer Ramirez. Alors, comment expliquer? Vous vous rappelez de Apocalypse sur Carson City, sur le fait que ça reprenait les codes des séries B, oui. Un petit peu série B, série Z. Mm-hmm. Là aussi. Là aussi, c'est pareil, sauf que c'est dans le genre plutôt polar, plutôt mafia. Ouais. Et comment dire, c'est dessiné de ouf. Mais de ouf. Mais moi j'ai hésité. Voilà, enfin, j'ai hésité. Mais vraiment, c'est parce que j'avais pas de sous, tu vois. C'est vraiment. Je sais que mon père l'a pris par. Il s'est senti un peu obligé. Parce que le truc, ça a été le raz-de-marée en librairie. Quoi. Enfin, moi, Enfin. Mais ça, non, mais quand je te dis que ça a été le raz-de-marée en librairie, ça a été le succès de librairie. Parce que si tu cites un succès 2018. Celui-là, tu peux le mettre dans le top 3 direct, hein, parce que pour te dire que les éditions, enfin pour te dire qu'il y en a un nombre conséquent qui a été épuisé, c'est que et ça va être réédité déjà. Oui, ça m'étonne pas, parce que c'est. Tu aimes bien la catchphrase qui est au dos. Franchement, non, mais. Vas-y, Lina, du coup. J'ai pas lu encore. Et si derrière la légende du pire assassin mexicain se cachait le meilleur expert en aspirateur que le monde ait jamais connu. Voilà. Parce que voilà, en disant ça, tu as vraiment toute l'histoire de ce premier acte, de cette première BD, où tu as une histoire de deux mafieux en fait qui vont mettre à réparer un mixeur, il me semble, ou un aspirateur. Un aspirateur. Il y a une jolie pub au milieu du film. C'est ça. Bah, tu retrouves un petit peu ce côté dans Renato Jones où tu avais des pubs de produits de luxe. Là, t'as un petit peu la même chose. Là, t'as un aspirateur, après, t'as une voiture de sport que tu revois après dans la BD. Le Vacuumizer 2000, la poussière, c'est son affaire. Voilà. Plus qu'un aspirateur, c'est une révolution pour vous et votre salon. On a digéré la pub. Oui. C'est ça, c'est, tu reprends les codes pour vraiment la détourner un moment justement sur la pub. Il y a des QR codes, par contre, tu les as testés les QR codes ? Non, j'ai pas testé. Mais je pense que ça va revenir sur une vidéo, sur la pub. Ils ont dû digérer un peu. Ouais. Donc. C'est chez Glénat, oui. C'est chez Glénat, c'est Nicolas Petrimo, Donc au dessin, chez Glénat, qui a une politique éditoriale de ouf. Faut le noter. Glénat, à une époque, il y a 10 ans, c'était le faux fond du caniveau, c'était vraiment le... il n'y avait rien. Là, ça fait 10 ans, depuis, bah, bizarrement depuis le rachat de Soleil par, Delcourt, c'est bizarre. C'est, ils ont une politique éditoriale de ouf. C'est, bah, c'est ce qui a permis l'émergence de Rue de Sèvres, tout ça, etc. aussi, par la même occasion. Mais c'est ça, Glénat, quand tu vois en termes de, on va dire, BD franco-belge, mais surtout bah, leur branche. Glénat Comics, ouais, c'est une qui, on n'en parle pas forcément souvent, mais qui sort de... Oh bah ils ont sorti du... Ils ont sorti, comment ça s'appelle, le truc de... celui qui faisait Spider-Man, merde. Straczynski. Hein? Non, avec un style un peu manga. Ah, Humberto Ramos. Humberto Ramos, oui. Ah oui, Rod of Rod. Yeah, c'est ça. Non, je touche pas, mon père a déjà Humberto Collector, donc je connais. Oui. Non mais ça, c'est avec des succès de librairie de ouf, hein. Oui, bah ça... Enfin... Je pense que c'est le succès de librairie 2018 qui a tout pété, quoi. Au niveau du dessin, du coup, tu l'as feuilleté, t'en penses quoi au... Ah, le dessin est ouf, hein. Enfin, moi, c'est beau. C'est dense. Ouais. Toi, ça, c'est cette pub-là que je te parlais, enfin non, c'est pas celle-là pour la voiture, mais t'as une pub à un moment justement de la voiture où t'as vraiment le... Limite, c'est la Safran édition Palme d'Or. Si tu veux dire. Ouais. Toi, t'as une pub pour une banque qui dit votre argent abrite des brigands en disant voilà, le système de sécurité, c'est deux agents à la porte, une porte munie d'un système d'ouverture automatique, super pour la sécurité, un tourniquet de 1 mètre de haut, ça va, Monique, notre réceptionniste, ensuite, t'as une porte de bureau en contreplaqué oyer. Et ensuite, un coffre équipé d'un cadenas certifié en plastique, doté d'une combinaison ISO 2 à deux chiffres. Voilà, donc, tu vois que c'est la pub pour dire, putain, on est super sécurisé, mais du coup, c'est complètement détourné sur le fait, bah en fait, c'est du temps. Ouais, alors que quand tu disais la BD d'avant, c'était plus premier degré. Salut, Merzing. La BD que tu disais tout à l'heure, c'était quoi déjà? Apocalypse. Non, l'autre là, jaune, format italienne. Renato. Renato Jones, non, il est formidable. Renato Jones, oui, c'est. Ça se voulait plus premier degré. Enfin, premier degré, dans le code de lecture. Enfin, il n'y avait pas ce côté derrière décryptage rigolo. Ouais, c'est ça. Là, voilà. Tu as le texte qui n'a pas vraiment le côté rigolo. Voilà. Renato Jones, ou. Ça se voulait plus brut. C'est premier degré, mais tu sens en fait que. L'ironie, voilà. C'est là, c'est complètement ironique en termes de. D'informations justement qu'apporte cette BD. Enfin, cette page de pub. Mais va falloir. Mais on va au lit, dis donc. C'est assez cool. Lisez-le, c'est 20 euros. Attendez la raid, hein, si vous n'êtes pas pressé. Ouais, à mon avis, il va y avoir une édition. Ah, mais la raid elle est lancée. La raid elle est lancée, je te le dis. Oui. Parce que après, je sais pas en combien. Si vous n'êtes pas collectionneur, attendez la raid. Tu sais en combien de tomes c'est? Aucune idée, mais ça a été relancé direct. Enfin, le succès de l'IRL était violent quand même. Ouais. Chez BD Fougue, donc il y a une. Un ex-libris. Que jaune. En plus, qui est en fait une des premières pages de mémoire. Celle-là, c'est. Blablabla, je crois que c'est la deuxième ou l'avant-dernière avant le titre. Ouais, voilà. D'accord, t'as la version BD. Ils ont redécoupé la page existante. T'as un petit peu la colorimétrie qui a changé, parce que là c'est plutôt fou, rouge, alors que sur la lithographie c'est plutôt orangé et bleu. Mais c'est la même image. Et c'est, voilà. C'est bien de ouf. Mais c'est bizarre, tu l'as acheté à BD Fugue, mais c'est bizarre ça. Oui, c'était pendant une certaine dédicace d'un certain monsieur. C'est monsieur Châtaigne. Hop, voilà, je vais faire rapidement au hasard. Donc on parlait de Glénat, on reste chez Glénat. Tu l'as acheté pendant qu'on était avec moi, ça The Beauty, oui, c'est possible. Ouais. J'avais déjà un petit peu lu grâce à Randall, où il y avait quelques chapitres à disposition. C'est chez Glénat, quoi. Ouais. The Beauty, c'est par Jérémy Lee. Jeremy Hunt, Jason A. Hurley et John Roach. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une maladie sexuellement transmissible. Ah, on n'est pas prêt de la choper alors. qui en fait rend les gens hyper beaux. C'est bête. C'est bête. Et en fait, donc, pour vous faire voir, les contaminés en fait sont les personnes en rouge, où ils ont la peau, on va dire, effet lifté, propre. Ouais, il y a un différentiel, voilà. Voilà, t'as un différentiel vraiment physique qui dit, voilà, cette personne-là a le beauty, donc qui est le nom du virus. Et voilà. Et t'auras une intrigue, en fait, justement, à comment soigner cette maladie. Parce qu'en fait, il s'avère que les personnes qui sont atteintes du beauty meurent de façon un petit peu violente, voire en feu. Ouais, bah, la madame elle est bizarre. Hein. La madame elle dirait un truc qui sort des flammes. Voilà. Et t'as toute une partie de la population qui est, on va dire, pro-beauty. Ouais, voilà, il y a un peu les inconvénients et les avantages et les inconvénients. C'est ça. Et t'as les anti-beauty qui disent, mais non, c'est une maladie. C'est pas un truc anodin, quoi. Ça peut avoir des effets... Mais ça travaille beaucoup sur le thème quand tout le monde est beau, qui est beau. C'est ça, un voilà, petit peu, ouais. Un petit peu, moi je connais des gens, je passe au jeune. Il connaît tout, le monsieur, aussi. Mais oui, Oh, bah, en même temps, fan de BD. C'est la lecture. Visiblement, il y a des gens qui s'éclatent sur leur couverture. Troisième couverture, quatrième couverture, il y a des gens qui s'éclatent. Ouais, un petit peu. Bah, c'est un petit peu aussi l'histoire The Beauty. Avec les gens qui sont beaux, ils sont un petit peu envie de baiser. Hein. Moi, je leur en voudrais pas de baiser des gens qui sont beaux. Alors, j'ai pas en mémoire en combien de tomes c'est, mais c'est pas. Bon, ouais, il y a des couvertures. Des couvertures alternatives qui sont belles. C'est beau. Qui sont quand même assez chatoyantes, qui font plaisir aux yeux parce que c'est dessiné de ouf. Oh, ben je veux bien te croire. Hein. Bah, c'est vrai que c'est la couverture qu'on a chez nous, elle fait peur quand même. Oui, mais en fait, ça te montre un petit peu l'aspect justement où, donc pour décrire un petit peu la couverture, c'est une personne morte, bien habillée, mais la peau blanche. Les contours des yeux, nez, bouche, les noirs. Yeux, les lèvres noires. Elle a un petit coup de moins bien. Ouais, des veines noires aussi qui ressortent. C'est ça. Et chaque, il me semble que chaque couverture classique est à peu près dans ce style-là, en fait. Et qui te montre l'opposition entre la maladie qui te rend beau et le fait que c'est la une maladie qui te tue, en fait. À petit feu, tu ne vois pas forcément, mais qui te tue. Problème de chat. Donc voilà pour ça. Donc là au niveau de l'histoire, on va suivre deux inspecteurs. Une inspectrice qui a le beauty au début de l'histoire, enfin qui l'a eu avant et qui dit clairement que c'était une erreur. Et une personne qui le chope. En cours, mais dans le premier chapitre. Donc, ouais, je l'ai vu à un moment où il dit oh putain merde. Voilà, c'est ça, je crois que c'est la fin du premier chapitre où. Et merde. Voilà, le mec se regarde dans le miroir et il dit et merde. Voilà, il voit tout de suite qu'il a le beauty. J'avoue que la tentation. C'est tentant. On en parlera pendant l'imposé, mais c'est tentant. C'est ça en fait, est-ce que pour être entre guillemets beau. Est-ce que tu sacrifierais quelque chose pour avoir une. Est-ce que, sachant que tu sais pas ce que ça peut te faire. Bah oui, tout simplement. Tu sais juste qu'à un certain moment, bah, t'es hyper beau, t'es, on va dire, charismatique et tout. Est-ce que t'es prêt à avoir cette maladie ? Voilà. Parce que c'est une maladie. Voilà. Pour avoir ça. Et c'est, en fait, je pense que c'est tout l'enjeu aussi derrière cette BD-là. Oui, mais c'est totalement logique. Plus autre que l'aspect politique, parce que on découvre qu'en fait, il y aurait peut-être déjà un remède, mais que vu qu'on touche de l'argent, qu'on a le. Oui, bon, enfin, comme on dit avec le sida, tout ça. Voilà, il y a plein d'intrigues là-dedans. À noter que Revan dit qu'elle veut dire samouraï, c'est vraiment une BD chez Soleil. Je connais pas. Ouais, mon père le lit, moi, c'est très bien. Ensuite, on va parler de. Espèce d'enculé, je pensais que tu l'avais pas acheté, moi encore. Eh bah, si, de Davy Mourier Vicious Cuba. Donc, c'est aux éditions Shampoing, la collection Shampoing chez Delcourt. Ouais. Donc, c'est souvent des notes de blog, plus ou moins, qui sont. C'est du Bastien Vivès. Voilà, pour voilà, gagner du temps. Note de boulet, c'est. Non, c'est pas. Non, je comprends. C'est Bastien Vivès. Oui, Bastien Vivès. Il y a eu jeux vidéo, l'amour, tout ça. Etc. C'est parti de la branche web BD en fait, qui sont édités dans une collection dirigée et par Lord Frondaille. C'est pas un petit bijou, mais il y a quand même des passages bien truculents. Ouais, et donc c'est la première BD de Davy aux éditions Delcourt sous ce format-là. Très fier d'ailleurs. Il y en aura deux autres. Il y a Davy Mourier contre la télé de mémoire, oui, et contre Internet. Oui. Donc là, c'est dans signé, c'est prévu. David Moyer V6 Cuba, en fait, il raconte son. Il a voulu faire plaisir à sa mère, il a voulu aller à Cuba en fait. C'est ça, il raconte son voyage avec sa mère, son ami, Aurélien, cousine et Rémi à Cuba, et il t'explique vraiment toutes les étapes. Et malheureusement, il s'est pris l'un des trucs les plus horribles qu'on ait pu jamais se choper. Disons qu'il est parti à la saison des typhons. Ouais. Et qui s'est pris l'ouragan Irma. Katrina, non, ou Irma. L'un des pires trucs qu'ils aient subi. Donc l'ouragan de catégorie 5, ouais, le plus puissant de 1981. C'est vraiment... Donc voilà, donc, il vous raconte vraiment l'histoire, peut-être un petit peu romancée, mais je pense pas. Moi, connaissant des villes, il est très brut. Ça, c'est sûr. Oui. Mais après, voilà, il explique vraiment les faits. Au début, il dit, mais Cuba, c'est pas un petit peu une dictature. Il fait, mais ouais, mais tu vois, c'est pour faire plaisir à ma mère. Et tout. Oui, voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est raconté déjà sous l'aspect déjà, bon, j'y vais pour maman. Quoi. C'est un peu voilà, vraiment... C'est ça. Faut y aller. Et un moment... On passe le directement jeune, moi, j'ai feuilleté. Un moment, il... Avec... Il craque un Cuba Libre, certaines dédicaces qui sont parties avec une carte postale. Peut-être. Oh, peut-être. Il y a un moment où tu sens que la personne derrière craque un petit peu, parce que... C'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que le Davy a voulu faire plaisir à sa mère en allant là-bas. Ah oui, non, mais ils étaient complètement submergés par le truc. Et en plus, t'as sa mère qui fait « Ah, bah, c'est pas comme je l'avais espéré ou je l'avais imaginé. » Bon, on a tous un petit peu vécu cette sensation-là où on veut faire plaisir, on se force, parce que bah, ça... Ça fait plaisir à quelqu'un, ça, voilà. Ça nous fait chier, mais voilà, c'est parce que c'est telle personne... Que voilà, on se pas sans obligé, mais voilà, on peut lui faire plaisir. En même temps, c'est des vies, quoi. C'est-à-dire qu'il part, oui, et il se passe un truc. Voilà. Tout un cheptel de trucs. Donc, que lui-même ne s'attendait pas. Voilà, il raconte vraiment. Il devait rentrer, donc le séjour devait durer une semaine, je crois, 5 jours, une semaine, ah, oui, du genre. Sauf qu'il a duré un petit peu plus longtemps, parce qu'à cause d'Irma, il n'a pas eu de vol retour. Et il devait filmer en fait la saison 2 de Reboot à la suite de ce voyage-là. Et quand alors, il dit, franchement, j'ai un tournage là. Mais c'est ça. Et du coup, bah là, tu vois les trucs, mais ouais, mais lundi, il faut que je rentre en France parce que... Ah non, voilà, mais sinon, mais c'est vraiment... Et le mec, c'est les points, quoi. C'est vraiment, faut que je rentre lundi, quoi. C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment là par contre, c'est autobiographique, c'est vraiment de l'histoire ce qui s'est passé. Et il t'explique en plus certains éléments de Cuba, comment ça se passe. Ah, très brut, oui. Voilà, c'est la ville à touristes et t'as vraiment tout le monde qui essaie de grappiller des sous. Ah bah. Parce que bah, en fait, t'as deux monnaies. Oui, il y a deux monnaies, la monnaie pour les touristes et la monnaie pour les gens qui y vivent. Qui vivent, et en fait les gens qui y vivent, ils sont, quand ils prennent un Airbnb par exemple, ils sont payés donc avec la monnaie des touristes, et tu dis ouais bah c'est cool, ça va dans la poche. Non, l'État reprend je sais plus combien de x%, genre 80%. Ouais, parce que le taux de change te nique. Non, c'est pas qui te nique, c'est l'État. Quand tu donnes l'argent à la propriétaire que tu as dans ton Airbnb, il reprend directement. La propriétaire est obligée de redonner 60%. Ouais. Je c'est pas le total, non, ouais, c'est la monnaie c'est du tourisme. Hein. Ouais, donc c'est beaucoup aussi. Oui. Et il disait, voilà, c'est, ça après, hein. C'est hyper pauvre. Oh, bah là-bas, il disait que les routes. Suffisamment déjà, il y a des routes. Mais bah, justement, l'autoroute, il disait, ouais, on a pris l'autoroute, mais il y a des nids de poules, quoi. Oui, c'est pas l'autoroute chez nous, c'est pas l'autoroute chez les chauds. Et sur le bas-côté, t'as un mec qui te vend des oranges. Sur l'autoroute. Donc le mec, il est comme ça, à côté, et t'as une voiture qui passe à fond. C'est possible, à fond, à 130. Et voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Donc c'est une très bonne lecture, ça te montre comment est Cuba sous la vision de Davy. Mais c'était cool, donc j'ai pas dit le prix, c'est. Oui, pas 9,95. Trop cher. Ouais, il est pas trop cher ça. Ouais, si vous voulez une bonne lecture. 200, plus de 200 pages. Ouais, ouais. Doit y avoir 250, un truc du genre. Si vous voulez vous cultiver et avoir un bon truc, ça. Hop, j'enchaîne vite fait avec le dernier tome Fate. De Faith qui conclut en fait la série. Mm-hmm. Faith, c'est une super-héros de l'univers Valiant. Ouais. Édité chez Comics, oui, c'est pas une héroïne. C'est pas Captain Marvel avec ses gros nichons et sa taille de guêpe. Voilà, là c'est une héroïne qui est plutôt obèse. Oui, oui. Enfin, il y a pas d'autre. Voilà, bah ouais. Qui a un certain poids. Elle a des gros nichons, mais on comprend pourquoi. Et qui et qui a des aventures. Alors, ce qui change, donc là, c'est forcément chez Valiant, donc les histoires sont assez courtes. Ouais. Leur héros a souvent 3, 4, 5 maximum tomes à chaque fois où il y a 4 ou 5 chapitres. Ce que je vais l'avoir, là, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chapitres à chaque fois. Oui, ça se veut très. Donc c'est voilà, ça te montre et c'est pas un univers justement Valiant où tu dois lire tout ce qui se fait dans Valiant pour comprendre. Oui. À défaut de Captain America, si t'as pas forcément lu justement Pleasant Hill, tu sais pas que Captain America il avait perdu le bouclier par exemple. Enfin, il a donné le bouclier parce que il était vieux, parce qu'il avait perdu la formule du super soldat. Oui, ouais, l'idée d'un des. Là, tu le lis, voilà, t'as plein de mécaniques, t'es obligé de lire plein de choses avant les 70 ans. C'est trop référencé, ouais. De trucs. Alors que Valiant, c'est un univers jeune, t'as pas besoin de savoir beaucoup de choses dessus, ils te l'expliquent. Ils disent, oui, quand j'étais dans le groupe là et que j'ai dû me battre contre machin, toi, ils te le disent. Ouais, c'est voilà. C'est pas. C'est un fait accompli, voilà. C'est pas un nuit, ils disent, voilà, je me suis battu contre ça. Il t'indique quand même, si tu veux le lire, vas-y, lis-le parce que c'était à telle époque. Mais ils disent pas. T'es pas obligé d'aller chercher un jalon, il y a 30 ans. T'as pas un Astérix, lire machin truc. Démerdaté. Démerdaté. Donc là, c'est la conclusion de la série. En termes de série, ce fait-là, j'ai pas trouvé ça, cette conclusion en fait topissime. Ouais. Parce qu'en fait, dans les 3 premiers tomes. C'était limite du le vilain du week-end, enfin le vilain de la semaine. Oui, du week-end, faudrait que tu dises. Of the week. Ouais, of the week. Je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est la conclusion où en fait tous ces ennemis se regroupent. The Sinister Six. Ouais, sauf que là, ils sont 4. Oh, The Sinister Four. Et mais ce qui est bien dans Faith, c'est que ça te montre vraiment la dualité entre l'identité publique. Donc de Faith Zephyr, qui est le nom de la super-héroïne, et de je sais plus son alter ego super-héroïque. Non, justement. Donc c'est l'autre, c'est Faith qui est vraiment le super-héros. Faith Zephyr, c'est le super-héros. Le super-héros. Et la partie connue, c'est Summer. Voilà, cette dualité. Summer Smith ou un truc du genre. Cette dualité qu'a brossé Batman de long en large en travers. Batman, je pense que Batman est l'alpha et l'oméga de cette dualité entre les deux personnalités. C'est parce ça, que lui, c'est le jour, la nuit, le masqué, pas masqué, voilà. À même se demander, est-ce que la vraie personnalité de Batman, c'est pas Batman, et est-ce que le masque n'est pas Bruce Wayne, finalement, on sait pas. Quelque part. C'est voilà. Donc voilà. Vraiment pour faire le. T'as fini pour finir. Le global, voilà, j'ai fini pour finir, mais c'était pas. Pas forcément tip top. Aïkik, Aston, Aïkik. Oui, ces chaises-là, elles sont un petit peu. Dures du cul. Ah, mais moi, tu en parles de BD, ça va, tu sais, je suis bien. Parle de BD, ça va. Et, j'ai. C'est déjà un épisode que j'ai mal au cul. J'ai fini, ça va, on est à 1h30, donc ça fait à peu près une heure que... À noter qu'on avait fait déjà 2 quiz pour nous et qu'on avait fini. Aïkik, Voilà pour la lecture de ces trois derniers mois. Oh bah c'est déjà pas mal, hein, parce que moi, par regarder le courrier international et Midi Olympique, tu comprends bien que j'ai pas le temps. Hein. J'ai lu le truc du Père Noël, là, un manga. Là. C'était la fille du Père Noël. C'était la fille du Père Noël. Un manga qui est fait par Noël. Putain, ouais, c'est ça qu'il nous fallait, ouais. Comme une putain de musique avec des prénoms. Mais oui. Et je m'appelais Jean Balthazar, putain. On a gagné de toute façon sur les prénoms, je suis con. Et c'est... Non, c'est un manga qui est fait par celle qui fait Bouddha et Bouddha. Jésus. Ah, les vacances de Jésus Bouddha. De Jésus Bouddha, ouais. Qui va sortir d'ailleurs en live action. Oui. Non, je vais dire. Très très bon. Ouais. Donc voilà pour moi. Voilà. Oh, bah, il va falloir appeler. Très bien. Et bah, écoute, je crois que c'est l'heure d'un appel. Ah oui. La personne est au lit. D'après mon conducteur, il est quand même 21h30, mais c'est l'heure d'un appel. Mon Dieu, moi, je lance le jingle. La personne est au lit. Un coup de bigot à une proximité. Ah bah si, oui, si on doit appeler Wee Wee, je suis de Oli. Bon bah, 4 fois, non ? Allez, viens, allez, viens, allez, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, allez, viens, viens, viens. Il a un sommeil paradoxe. Allez, va manger des chips. T'entends ? Des chips ! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Hop, et je lance... L'appel. Mes crayons. Un du coup fort. Bonsoir. Salut. Oh. Bonsoir. Mais dis donc, tu nous avais pas dit. Ah bah non, je m'avais dit que c'était une surprise. Une surprise, c'est une surprise. Oui, non. Alors, le petit canaillou. Ouais, on va demander à Gandalf, est-ce que tu reconnais la voix? C'est Revan, non? Oui. Ah, bon, au bon temps, déjà sur le chat, on en a pas 150. Hein. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Salut. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait que vous êtes dans un aquarium quand même. Ouais, non, mais c'est parce que je te montrerai le montage. Il y a trois câbles qui sortent du même prise pour aller dans deux cartes son pour récupérer le son. Donc, du coup, voilà quoi. Le setup est un petit peu artisanal. Ouais, bah, c'est du podcast. Voilà. Bon, comment vas-tu, Revan ? Bah, ça va plutôt pas mal. Ça, on t'a pas réveillé, ça va ? Non, ça allait. Je bois une petite bière tranquillement, allez, sagement. Bien. Tu bois quoi comme bière ? De la Lichmann. Encore ? Toi ? Bah oui, j'ai que ça. Toujours la On The Rock ou t'as changé ? Toujours la On The Rock. Ok. On garde les bonnes habitudes depuis Pot de Reine, hein, voilà. Pot de Reine ? Est-ce que tu bois que ça ou t'es passé sur du Kraken ou Je vais finir celle-là. Non, là, j'ai pas changé. Que ça. Bon, j'en ai viré la moitié tout à l'heure sur mon bureau, mais ça va bien. Oui, on a lu ça à base de 8, 0, oui, 7. Oui. Ouais, mon clavier n'a pas trop aimé, je pense, mais bon. Généralement, ouais, c'est les claviers, ils n'aiment pas trop ça. Wow. Ouais, puis celle-ci, en plus, elle est bien sucrée. Ouais. Ouais, c'est ça, quand tu vas appuyer sur les touches, elles vont rester enfoncées après. Bon, ça va, c'est le pavé numérique, donc c'est pas gênant. Pas grave. Donc du coup, donc là c'est la partie rubrique questions aux invités. Vu qu'on n'a pas d'invités autour de la table, bah du coup on a fait des tout appels à des invités. Hein. Oui. Bah voilà. Voilà. Donc je vais te demander un chiffre entre 1 et 92, 12. Mais 91. Pas. Non, 92, mais pas le 16, mais pas le 34, mais pas le 42, et pas le 92. Bah 91, quoi. Le 22. Le 22. Là, les flics c'est une façon... Non, pas cette session-là. Ah, merde. Alors, c'est une question de... Randall Flagg. Mais oui, effectivement, maintenant que je lis la question, on l'a déjà faite. 22, ça me dit quelque chose. Ouais. Alors, pourquoi tout attaché s'écrit séparé alors que séparé s'écrit tout attaché ? Putain, oui. Tu peux répéter la question ? Pourquoi tout attaché s'écrit séparé alors que séparé s'écrit tout attaché ? Oui, bon, ça, c'est bien une question de Randall. Ah oui, c'est bien, voilà, une question très, très, con, très, très con. Ah ça, bah ça, voilà. Bah voilà, hein, c'est la réponse qui passe partout, on va dire. C'est bon, on a eu notre bah c'est bon. Voilà, hein, quand même, fallait que j'en place un petit. Hein. Oui, bah oui, ça va, puis c'est pour une bonne question, donc ça va, oui. T'as le droit. Oui, oui. Bon, ça va. Ouf. Du coup, bah... Sauvé. Vas-y, vas-y. Non, bah voilà. Non, mais je trouve que notre expérience orale se passe mieux que la première fois. Oui, c'est vrai que c'est cool. On a Françoise Cadol. Non, si, c'était Françoise Cadol ou Adeline Chetail pour les 2 minutes. Adeline. De mais si, c'est la voix de Kiki, la sorcière, et de Zelda. Tu sais, moi, j'écoute en VO. Ok. Bah oui, okay. Mais en même temps... On va pas se mentir, hein. Bah, Kiki les petites sorcières, pareil. Enfin, on est beaucoup à l'avoir vu en VO, quand même, je pense. Ouais, vu comme une date, en plus. Non, et en fait, non, c'est pas du tout ce que j'avais répondu. J'avais répondu oui, bah non, j'ai pas vu. Ah. Oui, pour Kiki, oui. Mais après, et tu m'avais parlé de Zelda, et je t'avais dit, dans les jeux, je coupe le son, oui, en fait. C'est ça. Coupe le son. Donc pour voilà, toi pour annoncer. Comme dans les pornos. Mais il fallait prévenir. On était à deux doigts de boire avec Gandalf, on a failli se bouffer. Mais il fallait prévenir. C'était pas loin. On a failli tout recracher sur le micro. Voilà. Et c'est bien parce qu'en plus ils sont en face, donc du coup ça aurait fait le blowjob. Je sais pas. Peux-tu me donner un autre chiffre, s'il te plaît? Le 2. Le 2, question ça, c'est une bonne question. C'est pas une question à moi. Oh, bah c'est bon, quel est le dernier livre que tu as lu? Oh, mais ça, c'est une question. Mais il y a des questions intéressantes dans ton truc. Bah, c'était, alors je m'y suis mise très tardivement, mais c'était le premier tome de Preacher. Ah. Je ne dis rien. Ah, c'est très bien. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Bah disons que j'ai commencé par regarder la série et le comics n'est pas du tout, enfin la série n'est pas du tout découpée comme le comics, donc en fait c'est pour ça que j'ai pas mal retardé parce que je voulais pas me spoiler en lisant le premier tome du comics, mais bon je me suis quand même spoilé un petit peu étant donné que dans la saison 3 bah on va voir une partie quand même d'une histoire qui est dans le premier tome, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça, mais je suis pas trop comics à la base parce que je suis pas trop branchée images et textes en même temps. Sauf quand ça parle de Cthulhu. Elle parle de son et lumière. Images et textes en même temps. Donc, ouais. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si t'as des infos Ah, bah ça a coupé. Ah bah merde alors. Bah dites donc. Bon, si on peut te retrouver tout. Là, j'avoue, je bande un peu mou les dimanches à la mer où je branle pendant des heures. Ah ben, je crois qu'elle s'est rappelée. Réseau occupé quand j'essaie de te rappeler. Bonjour, Evan. Non, mais ça a coupé. Oui, bonjour. On t'aime pas, barrez-vous. Non, mais bande de connards. Non, mais c'est... Elle a marre des femmes, on n'est pas LGBTQPA+, plus pour rien. Non, mais ça a coupé, ça va être le réseau, parce que quand j'ai essayé de te rappeler, ça m'a écrit réseau occupé. Donc, voilà. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Non. Du coup, j'allais te dire, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter maintenant que t'as la parole? Et là, tu coupes. Non, mais je dis LGBTQ+, je rate mes mails, j'ai a celebration de Kickstarter of LGBTQIA. Merde, on a oublié un I. Et je continue, parce que je vais essayer de voir. Pas d'autres infos à donner, Evan? Ben non, tout va bien, je suis bien contente de vous suivre, on s'éclate toujours autant en vous écoutant, je veux dire en vous éclatant. Non, je vais vous éclater la tronche, ouais. À tout chaud, en acceptant, il va bien nous éclater la gueule, hein, par contre. Ouais, sûr, certain. Peut-être même avant. comme Tocheux. Oui. Bah, du coup, en tout cas, écoutez, je vous embrasse tous. Bah, nous aussi. Et merci. Puis. C'était avec plaisir. Bonne fin d'apéro. Bah, merci. À toi aussi. Il nous en reste encore un peu de bière. Je vois, ça aura la tête qui tourne. Salut. Je fais bye bye avec la main. Oui. Ouais. Donc, pour revenir aussi à mon magnifique mail Kickstarter, donc c'est LGBTQIA+. Voilà. Ah. Et à un moment, j'ai vu LGBTQ Comics, donc. Voilà. Mais enfin du coup on digresse un petit peu, mais il y a la BD qui a été parue chez Bliss Comics, justement j'en ai déjà parlé. Oui. Sur la tuerie d'Orlando. Qui revient justement. Orlando Bloom. Non, pas du tout. qui revient justement, c'était à l'initiative de plusieurs auteurs américains contre cette tuerie-là, donc qui était une tuerie clairement homophobe. Oui. Et donc, genre, ils se sont un petit peu rebiffés en écrivant des histoires, en dessinant. Voilà, en... Oui, c'est vrai que tu en avais parlé. Oui. Voilà, c'était Love is Love. Oui. Que ça va. Tant mieux qu'on parle de genre comme ça. Et la particularité en fait de cette parution française, c'est que en plus donc des histoires qui ont été écrites par les Américains, on va dire pour mettre un global, c'est qu'il y a eu aussi des histoires écrites par des Français. En plus, qui sont venus agrémenter justement. Nous français, c'est des pédales. Et tous les revenus. Putain, un bouffard de cornouilles quoi. Ouais. Tous les revenus de cette BD-là, justement, vont à l'association SOS Homophobie. Et pourquoi ils ne donnent pas cet argent aux gens qui n'aiment pas les homos, hein? Aux gens comme nous, font des podcasts. Des podcasts qui se bon hétéro, c'est... Parce que ces gens-là sont des connards, ceux qui n'aiment pas les homos. Mais oui, ils sont trop friendly, c'est dégueulasse. Donc, voilà. Voilà. Ok. Ah, hop, si j'arrive à récupérer le conducteur. Ah, bah oui, c'est là où on va passer une heure et demie. Et ça fait déjà une heure et demie. Sachant qu'on est déjà 1h45. Attends. Hop là. On est parti pour un épisode 3. Enfin, je vais aller aux toilettes, moi, au moment. Oh, bah on fera du bruit, hein. On fera du bruit, mais surtout quand même, j'ai du matos, moi. Je ramène le l'imposé du destin. Et je lance le jingle. Ouais, tu peux lancer le jingle pour un dossier de Gandalf qui est un imposé. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Eh ben, le monsieur Jinkal, il fait, il croit pas ce qu'il vient de dire, parce que ça tourne pas autour du trou de balle, mais... Y'en a. Ouais. Y'en a. Ah, oui, y'a des trous de balle, ça c'est sûr. Ah, c'est pour ça que quand je t'avais dit, lis-le, je me suis dit, bon, ouh, quand même, est-ce que voyons. C'est vrai. Donc, en fait... Mais donc, un petit imposé de Gandalf. Oui, alors, pour une fois... Je te laisse introduire... Le premier. Bon, oh, bah, tu sais, pour une fois, hein, ça me laisse, comme dirait Toshu, pour une fois, comme laisse une chance, je ne vais pas la gâcher. Ouais. C'est pas souvent qu'il introduit. En premier. Tout court. Je pense qu'il y en a un des deux qui a raison et je ne dirai pas lequel parce que ça me ferait mal au cœur. Les deux. Oui, non, mais j'ai jamais fait des rapports à plusieurs pour l'instant. Mais déjà, des rapports à deux, c'est largement suffisant. Des rapports à plus que moi-même. Des rapports à plus que moi-même. Donc, je vais vous lire un certain manga qui s'appelle, alors je lance le nom comme ça. Telle une bouteille à la mer. Ah, tu vas le lire carrément. Ah, mais carrément. Entier. Ah, mais oui. Merde. La page 1. La virginité passée 30 ans. Souffrance et désir au quotidien. Un manga reportage par l'auteur de Lady Boy versus Yakuza, l'île du désespoir. Que je dois acheter promptement, mais malheureusement, j'ai pas que ça à foutre qu'acheter des mangas. Alors, c'est un manga que j'ai acheté à l'époque parce que j'avais vu passer les news, hein, tout simplement. À l'époque, parce que c'est un manga de Atsuhiko Nakamura et de Bargain Sakuraishi. Surtout Monsieur Nakamura, il me semble. Oui, plutôt. Parce qu'en fait, c'est inspiré déjà d'une étude qu'avait fait cet homme-là. Hein. Nous sommes des citoyens hétéros, nous ne cachons pas derrière notre pays. Hein, une série de reportages. Enfin, une série de reportages, même carrément, qu'il avait fait pour Internet à l'époque avant de sortir en livre, tout ça, etc. En fait, malheureusement, n'étant arrivé à un cas où il n'avait plus d'argent pour survivre en tant que journaliste, il avait dû faire un petit peu des métiers, voilà. Sauf que de quand service à la personne, voilà. Sauf que, enfin, c'est plutôt à ça que je voulais en venir, en fait. Sauf que quand t'as pas de trop de, tu sais, moi je suis par exemple développeur, toi par exemple, pour faire manutentionnaire, ça irait. Pour faire menuisier, je pense que les mecs ils diraient. Oui, quand t'as pas trop de bagages. De bagages, voilà. Pour faire autre chose. Ouais, c'est un peu plus difficile. Donc on va dire qu'au Japon, il y a un certain tout venant. Hein. On va pas se cacher derrière nos doigts. Oh, mais quelqu'un qui veut du... La bière ou le whisky? Non, le whisky. Il a... Putain, mais il est chaud, hein. C'est le verre à whisky, ça. Oh, bah oui, mais non, mais je pose quand même la question, hein. Au cas où vous êtes trop sobre. Il faudrait qu'on finisse les deux autres avant de... Oh, mais j'ai dit merci, mais j'en ai quand même. C'est fini, On va dire qu'au Japon, il y a un certain tout venant qui s'appelle les métiers à la personne. Donc on s'occupe principalement des personnes âgées, et ça manque pas au Japon. Hein. Des sortes d'EHPAD un peu. Mais... Ouais, des pads. Bah, c'est ça en des, fait. Enfin, ce qu'ils appellent. Ouais, des pads avec des épaves, voilà. Des centres d'accueil de jour en fait, ils appellent voilà. ça. Voilà, mais... c'est ça. C'est la version fleurie, hein. C'est la version. On te met des jolis mots, mais en fait, tu t'occupes un peu de torcher les culs. Voilà. Et visiblement, les critères d'accueil sont quand même assez ledge, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire une formation de 2-3 jours. Ils sont à peu près nuls, même. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que, avec un minimum de. Enfin, qui veut y aller, ira. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu t'arriver au fond du caniveau, t'as envie de sortir les doigts du cul. Ou bon, quand même, on va te laisser y aller, quand même, parce que bon, tu comprends bien que pour s'occuper des vieux et leur torcher le cul. Il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Donc, ça part sur ce postulat-là. En fait, il s'est rendu compte que dans ces établissements-là, bizarrement, il y avait certains hommes, on peut dire qu'ils avaient dépassé une certaine trentaine ou quarantaine, quand même. Et que ces gens-là, quand même, ils étaient un peu... Voilà, ils avaient un peu abusé, tu vois, ils étaient un peu chargés, hein, diront les vrais. Et en fait, ces personnes-là, s'avère qu'à la trentaine ou la quarantaine, et ben en fait, ils n'avaient jamais eu de rapport sexuel, tout simplement. Hein, enfin, de rapport sexuel avec une femme. Hein, parce qu'il y en a un des cas de figure où, quand même, il... C'est plus compliqué pour... C'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais... C'est d'étudier un petit peu les cas, mais... Voilà. Mais on va dire que le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est de ne jamais avoir eu de rapport sexuel, et même, souvent, voilà... d'aventure avec des femmes, hein, tout simplement, et des fois même déjà embrasser une femme, c'est déjà une belle aventure, hein, et voilà, et j'y reviendrai plus tard parce que... j'ai envie de dire embrasser, voire même déjà parler. Déjà le bout du monde, hein. c'est le Titanic qui s'en va en voyage, hein. c'est le mec, on s'éclate, hein. Donc ça part sur ce postulat-là, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, à peu près 7, 8, une dizaine de reportages, on va dire, un peu moins, sur des gens un petit peu socialement, un petit peu à la marge, hein, on va dire, hein, pour être un peu poli. Ouais. Mais juste avant de raconter l'album en long, en large, en travers, parce que j'ai énormément de choses à en dire, moi, parce que ça m'a beaucoup parlé, hein, bizarrement. On va parler de Toshi Fumi Sakurai. Bon. Hein, j'ai cité deux noms, mais ce n'est pas celui-là que j'ai cité, forcément, parce qu'il a pris un pseudo pour faire ce manga. Il est né en 1964, donc ce qui n'est pas trop, hein, ça va, dans la préfecture d'Osaka. Et c'est un mangaka japonais. Ces mangas se caractérisent par deux types de personnages. Alors, saurez-vous décrire ces deux types de personnages? Les puceaux. Tu tiens un, c'est-à-dire que le puceau il est caractérisé comment dans le manga? Il on va dire que son avantage il est à peu près il est resté à la maison, hein. Ouais, oui, c'est-à-dire qu'il est un petit peu petit, bedonnant, pas beau, hein, il est pas, ouais, ils ont pas des physiques de cinéma, voilà ils ont des physiques de radio. En gros, tu vois Ryan Gosling, tu vois nous, eh ben il y a encore un autre à côté. Nous, déjà, bon, voilà, on n'est pas aidé. Mais pire que nous. Voilà. Et on va dire que les femmes, elles sont un peu... Elles sont un peu... Ouais. On va dire qu'elles ont une certaine richesse de corps, on va dire. Elles sont bien représentées. Ah ben, elles ont des nichons, mon pauvre. Elles ont des formes. Voilà, on va dire que moi, je pourrais en tenter qu'un. C'est gagné, hein. C'est gagné. Ouais, oui, dit. Je serais très heureux. Donc, et c'est caractérisé par, dans ce récit, c'est par des femmes hyper sexy aux poitrines voluptueuses. Oui. Oui, hein, sachant qu'elles ont des nichons comme des maisons. Il commence sa carrière en tant qu'assistant du mangaka Kenshi Kitami. Je sais pas trop qui c'est. Mais il s'est finalement lancé à l'âge de 29 ans, ce qui est quand même un petit peu pas tardif pour un mangaka, mais un petit peu quand même, c'est pas... Parce que sachant que les mangaka, un petit peu, la pression qu'ils ont, on va dire qu'ils meurent un petit peu tôt, hein, je sais pas. Mais je pense que ça doit être un... Ça serait une coïncidence, hein, parce qu'ils font des mangas, c'est pas grave. Sur le manga Action, dans lequel il publie... Ah, il y en a une faute, d'ailleurs. Aujourd'hui, Lady Boy versus Yakuza, l'île du désespoir. Alors, je pense que certains l'ont vu. Alors, c'est toujours chez la même maison d'édition, c'est chez Akata, voilà. Et c'est un manga What the Fuck, dont c'est un homme qui... C'est dans la collection What the Fuck. Oui, c'est dans la collection What the Fuck. Je dois l'acheter, d'ailleurs. Alors, je sais pas s'il se réveille femme ou s'il était déjà femme à la base. Mais enfin, à un moment, il y a des. Voilà, il est femme, mais il est femme. Voilà. On va dire qu'il y a du téton, il y a du boulard, il y a de l'entertainment, tu vois. Et puis on va dire qu'il tombe sur une île où il y a des mecs un petit peu. Un petit peu sur la trique, tu vois. Un petit peu les mecs qui sont un peu chauds. En même temps, avec le titre, Ladyboy. Ah oui, voilà. Ben, ça annonce quand même la déjà couleur. La couleur. Voilà. On sait qu'on va pas être sur un truc politiquement correct. Quoi. Ladyboy versus ses cousins. Donc on va dire que les mecs qui sont un peu vénères, je pense que les mecs qui voient un trou qui ressemble un peu à une femme, les mecs qui sont un petit peu chauds. Donc voilà, c'était ça, l'une de ses premières BD. Pendant ses premières années, il dessine particulièrement des mangas à caractère sexuel. Je pense que ça sent un peu. Rempli d'humour très vulgaire, je pense que ça se sent un peu. Depuis quelques années, il est surtout connu pour ses reportages sur les endroits dangereux et des maisons de prostitution, parce que oui, malheureusement, la prostitution est beaucoup plus répandue au Japon qu'en France, malheureusement. On va dire que les petites collégiennes... La mafia. Oui, voilà. Puis les petites collégiennes, on va dire que de temps en temps, elles s'autorisent à des trucs pour financer leurs études ou pour financer leur argent de poche, tout simplement. Un petit peu borderline, voire plus que borderline, hein, pour l'avoir vu de près, même moi, pourtant, Dieu sait que j'étais remonté comme une horloge, même moi je m'étais dit, ah ouais quand même, et je pense qu'elles doivent se taper pas mal de gaging, parce que les mecs ils y vont, et puis tu sais, le goût de l'exotisme, hein, malheureusement, est un petit peu présent, hein, donc je pense que doit y avoir du fun, mais pas de ce côté-là. Donc il publie dans des magazines de non-fiction, donc c'est des magazines que ce n'est pas de la fiction, bien évidemment, et celui-ci lui a valu le nom du roi du manga reportage sur les maisons de prostitution décevantes. Et oui, parce que visiblement, aller chez les putes n'est toujours pas une sinécure. Et donc il réalise des mangas reportages, et je pense que certains qui ont lu peut-être le bateau-usine ou l'usine de Fukushima, Fukushima plutôt, qui était sorti, mais chez Akata aussi d'ailleurs. Bateau-usine aussi, non? Ouais. Le bateau-usine. Ouais, le bateau-usine s'est inspiré d'un truc, c'est romancé, mais c'est quand même très, très reportage. Et c'est chez Akata, ils aiment beaucoup, voilà, c'est un truc que les autres éditeurs ne font pas, donc c'est très reportage. Et je pense que la virginité est passée 30 ans et le pinacle du manga reportage, parce que c'est basé, sur, comme disait Asto tout à l'heure, sur plusieurs reportages. Et dire que c'est édifiant est un mot faible. Je pense que peut-être on peut parler du manga, parce que j'ai d'autres trucs à utiliser que je ramènerai plus tard dans le débat. Mais moi, autant c'est moi qui l'ai conseillé, etc. Tout ça, voilà. Qui nous l'a imposé même. Imposé même. Je l'ai lu de but en blanc. Hein, je ne c'était pas parti pour faire un imposé, tout ça. Mais sauf qu'à la fin de la lecture, je me suis dit. Même avant la fin de la lecture, hein, je pense que déjà passé les premiers chapitres, je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose à en dire. Je pensais que par rapport à nos vécus à nous, je pensais particulièrement au mien, je ne vais pas me cacher derrière mon doigt. J'aimais cette expression depuis le début de cet épisode, mais c'est vraiment ça qui caractérise cet album. C'était vraiment un truc que j'avais pris parce que j'avais vu la news, je m'étais dit ça pourrait me parler. Ça pourrait, hein. Au global. Après lecture, le bouquin m'a énormément parlé à moi. Hein, pour pas caractériser, parce qu'on va faire le moment un peu tu vois, Pascal Le Grand Frère, un peu Evelyne Thomas, tu vois. On va dire que moi, j'ai pas passé 30 ans, mais on va dire que j'ai quand même attendu jusqu'à 24 ans pour quand même un peu me dépuceler. Après, je sais plus où est-ce que j'avais lu ou entendu ça, c'est que la moyenne d'âge où les hommes perdent leur pucelage était à 21. Oui! Voilà, après c'est le ressenti de chacun, je ne porte pas de jugement, c'est que moi, on va dire que je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu version prime, hein, pour pas me cacher. Et autant te dire, ce manga était une sorte de reflet de ce que j'ai vécu, mais un reflet exacerbé de ce que j'aurais pu devenir, tu vois. C'est vraiment parce que c'est des mecs, il y en a certains, bon. Ah, y a tu sens la détresse, c'est certain. Ouais, c'est la détresse. Tu sens l'appel à l'aide, tu vois. Oui, tu sens que les mecs qui sont vraiment très. Voilà. Tu sens l'appel à l'aide, j'ai envie de dire. Tu sens que les mecs, on peut les sauver encore. Si t'avais envie. Du coup, on l'a tous lu. Et moi, la personne qui m'a semblé. Enfin, c'est con de dire ça, mais la personne qui m'a semblé le moins pire, entre guillemets, c'était le facho. Pareil. Oui, moi c'est pas. Ouais, ouais. Ce qui est un peu. Moi c'était le facho et le fan d'anime, tu sais, qui vit dans sa petite chambre toute petite. Qu'en fait il a conscience de sa propre médiocrité, en fait, un peu. Tu sais, celui-là, là, qui est comme ça, là. Lui, là. Qui est un peu ludaire, tu sais, un peu. Il est au début. Ouais. Oui, non, non, c'est celui qu'il rencontre dans la rue. Ouais, un peu comme ça, tu vois. Mais le mec a conscience de sa propre. Oui, c'est lui. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec a conscience de sa propre nature. Oui, de sa propre nature. Mais le facho a le facho a le même. Mais le truc, c'est que on en parlera plus tard, je pense. Mais le facho, il a conscience de son truc, il en est parfaitement conscient. Mais lui, le facho, voilà. Mais il fait des efforts, il essaie d'aller outre. Oui, non, voilà, c'est pas aussi. Qu'il fait l'effort, c'est que. Il est résigné. Du coup, il t'en des trucs. Mais il vit avec. Il se dit, bah, je suis puceau, je resterai puceau toute ma vie. Et puis, ça m'empêche pas de vivre, en fait. T'as l'impression que, bah, qu'il soit puceau ou pas, en fait. C'est tout à fait établi pour lui. C'est, Oui, il pourrait. Enfin, du coup, parce que là, en l'occurrence, il est chauve, mais il est puceau. Mais pour lui, ça le fait comme si qu'il était chauve, ou qu'il avait des cheveux, ou qu'il avait une crête, qu'il portait des vêtements bleus, qu'il avait des lignes bleues. C'est. Enfin. L'état d'esprit, quoi, c'est parce que c'est un truc, bah, quelque chose c'est brut qui s'en fout, en fait. Voilà, c'est un fait établi pour lui. Alors qu'il y en a certains, c'est pas porter un étendard, mais c'est oui, dans la relation par rapport aux autres, surtout le premier. Hein. Le premier, c'est quand même il est assez symptomatique d'autres. Il est le destructeur aussi, celui qui se taille la veine et tout. Il est quand même chaud. Lui. En fait, il y a le personnage, voilà. Les deux pires, ouais, c'est quand même donc le mec de la première histoire. Ouais. Donc qui justement donc celui qui est chez les EHPAD, qui arrive dans l'EHPAD et qui n'a aucune connaissance en termes de. D'aide à la personne. Hein. D'aide à la personne, ouais, j'avais plus la terminologie. Voilà, celui qui prend les gens de haut parce qu'il a eu son diplôme. Voilà, lui, il a son diplôme, il prend sa formation de deux jours à la con, là. Non, c'est ça, il prend trois jours pour écrire les comptes rendus avec. Parce qu'il est illettré. Et après, quand il y a des nouveaux, il dit mais non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le. Il prend une espèce de plaisir à martyriser, en fait, les. C'est ça. Voilà, il prend du plaisir à répercuter la souffrance. Bah, c'est ça. Prendre plaisir, je suis pas sûr. C'est juste que pour lui, c'est une sorte de vengeance pour lui. Voilà, lui, il a le diplôme, il sait les trucs, même si en fait, c'est ça, c'est une sorte de vengeance. Oui, c'est une vengeance. En fait. Il se venge, mais non, c'est comme ça qu'il faut faire. Il souffre, hein, entre guillemets, de sa. De sa condition, voilà, ouais. Oui, complètement. Et du coup, il veut faire. Il veut répercuter sa souffrance sur. D'autres. Les autres. Et voilà. Du coup, il profite de sa supériorité par le fait qu'il ait son diplôme à la con. Parce que lui, il a un peu sa souffrance, un étendard. Qui est presque même pas légitime, quoi, son diplôme. Je veux dire, c'est un truc. Son diplôme est tout sauf légitime, je pense. Hein. C'est une formation d'une semaine, tu fais une formation d'une semaine, on se dit, tiens. Pour moi, ils disent que c'est un diplôme, mais pour moi, c'est plus une. Ouais, c'est. Une habilité, entre guillemets, pour dire, voilà. T'as suivi une formation, tu c'est l'excuse. Tu peux faire ça. C'est l'excuse. Mais c'est pas vraiment un diplôme, quoi. C'est une sorte de certificat. C'est mais... ça, ouais, c'est plus un certificat qu'un diplôme. Pour dire, ouais, t'as suivi telle formation. Pour le gouvernement japonais, c'est une excuse. Hein. Oui, non, c'est mais. Ça, oui. Bon. C'est expliqué dans le truc. Hein. Mais, oui. C'est une tromperie. Hein. Donc, de toute façon, le gouvernement japonais, ça s'en sert pour. Il n'y a que des vieux là-bas, donc. Voilà, tout le monde bien que. Les. Rebut entre guillemets de la société, on les case là-dedans. Tous les termes, donc sociaux, etc. Ouais. Des gens qui ont vraiment des problèmes. Parce qu'il y a certains dans ce manga qui ont des problèmes sociaux. Enfin, le premier, il est déjà assez sévère, mais c'est pas le pire. Le problème, c'est que le premier, il a pas forcément conscience de sa condition, tu vois. Autant qu'après, t'en as certains qui. Le pire, c'est ça, c'est que le premier. Il croit bien faire. Mais oui, voilà. Quand il prend 3 heures pour écrire ses transmissions... Ah mais il croit dur comme fer. Mais non, mais je m'applique pour le faire. Ouais. Oui, mais non, mec, tu... Enfin, tu t'as... Fin, t'es une sous-merde. Peut-être que toi, tu penses t'appliquer. Phrase, mais non, enfin... Pour dire, j'ai fait prendre le bain, un machin, quoi. Ouais. Si tu sais pas, au pire, tu fais la faute. Enfin, après, ça, c'est mon état d'esprit, mais t'écris comme ça... Je sais ce que tu veux dire. Et enfin, même si t'as fait une faute d'orthographe ou autre de kanji, tu comprends à peu près. Alors que là, le mec, il fait putain, il doute, il va, je crois, je oui, sais il pas a le... dit, il va pas vérifier s'il faut écrire tes kanji ou tes oui, mots, mais il vérifie à moi là-bas. Et non, il faut qu'il s'applique à écrire le truc, alors que non, en fait, t'es, justement, t'as pas forcément le temps de le faire. Oui, voilà, c'est pas le but premier. Non, c'est pour ça que les autres, du coup, arrangent un peu. Ils disent, putain, mais le mec, il met 30 ans pour écrire 3 rapports de merde. C'est ça. Et pendant ce temps, lui, il se dit, putain, mais les mecs, ils ont rien d'autre à foutre que de me regarder. C'est ça. Qu'est-ce que vous branlez plutôt que de me regarder écrire. Oui, parce que c'est ça. Parce que le mec est un constant rébellion. C'est surtout ça. Le mec est constant rébellion. Il est vénère. Le mec il est vénère. C'est ça. Et un constant rébellion avec son propre vécu, quoi. Il reste pas beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est le premier. Après, les autres sont. Un peu plus édulcoré, ils ont. Il faut y avoir un autre spectre, voilà. Salut Révan. Ils ont une sensation de moins pire, quoi. Une sensation voilà. De moins pire, on va dire. Mais moins pire parce que les mecs ont un petit peu conscience, en fait. C'est surtout ça. Parce qu'il y en a un qui est destructeur, hein, par rapport à son état d'esprit. Il y en a un qui est résigné. Je pense que c'est à peu près les mêmes profils. Hein. C'est le même profil, mais c'est le. Tu vois, c'est un peu l'herbe est plus verte chez le voisin. Il y a celui qui saute et celui qui saute pas chez le voisin. Il y en a un qui est vraiment. Bon, je regarde des animés, je suis dans ma petite chambre, je gagne rien, parce que les mecs gagnent vraiment rien. Oui, et entre guillemets, il fait de mal à personne. Oui, voilà. Enfin, cette attitude-là me choque moins que justement le premier ou le destructeur, c'est celui qui se tranche les veines. Ah oui, lui, il est hardcore. Oui, c'est lui que t'appelles le destructeur. Ouais, oui, parce qu'il est destructeur avec lui-même, parce qu'il y en a un qui est... Malheureusement, c'est pas forcément celui, parce qu'à un moment, il y en a un qui, malheureusement, qui décède. Hein. Voilà, oui, bon, oui. Bah, après c'est du reportage donc vous pouvez apprendre comment ils en arrivent là, tout ça, etc. Et lui c'est vraiment l'emprise mentale qui au fur et à mesure c'est un peu le coup de rabot, tu vois. Ouais. C'est au fur et à mesure le mec c'est le coup de rabot, du coup de rabot, du coup de rabot, du coup de rabot. Et le mec à la fin il y a une tranchette, quoi. C'est ça, mais toi ce que je voulais dire, l'étudiant qui est pris dans la rue et justement qui dit bah voilà, ça c'est mon univers, j'en ai conscience, je bouge pas. Oui. Je fais pas de mal. Mais il y en a d'autres comme ça d'ailleurs. Ça me choque moins que le premier qui est complètement. Obnubilé par son propre condition sociale. D'ailleurs, la différence entre le premier et même tout le reste du manga, c'est que le reste, c'est plus des interviews, c'est des gens que Monsieur Nakamura a rencontrés, notamment le jeune dans la rue, des choses comme ça. Il y a un échange. Il y a un échange. Il y a eu un échange. Alors que la première histoire, c'est une constatation. Plutôt une constatation et une expérience personnelle de Monsieur Nakamura pendant une période de sa vie a dû être directeur d'une sorte d'EHPAD et se retrouver confronté à ce genre de personnes. Mmh. Et il le retrouve dans son manga. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre ce que lui il a ressenti par rapport à la première histoire avec cet homme complètement odieux et que tu as envie de tarter, et tous les autres où c'est plus des interviews, donc il y a un peu plus d'empathie en fait, j'ai l'impression, pour le facho, quoi. Même pour le facho. Le facho qui a l'air vraiment facho. C'est ça. Il est ultra facho, mais il a l'air ultra. Il a les pieds sur terre, il est conscient De sa situation. De sa situation. Il est ultra lucide, le mec. Le pire, c'est ça. Nous, on le dénomme le facho, il est présenté comme ça. Ouais. Mais on ne présenterait pas cette partie-là. Enfin, on s'en foutrait. Ça serait une personne random pour X raisons. Enfin, ça nous paraîtrait, entre guillemets, normal, cette situation-là. C'est pas parce qu'il est facho ou autre, mais c'est juste que voilà, c'est un gros troll. On pourrait appeler le troll, ça serait pareil. Ouais, sans parler résumé. Non, mais sans dire que c'est un facho. C'est une partie, c'est comme dire. Enfin, je déborde un petit peu, mais sur les X-Men, dire qu'un héros est gay, et dire voilà, il est gay, et son spécificité c'est d'être gay. C'est pas un état de fait. Non, voilà. C'est pas un état de fait. C'est pas. Il est gay comme il pourrait être blond, comme il pourrait être, grand, petit, gros. C'est un problème que je retrouve souvent, malheureusement. Voilà, c'est juste un petit détail qui fait que. C'est pas la cause. C'est un détail. Quoi. C'est pas le principal. Être facho, c'est pas l'ADN de cette personne. Voilà, c'est ça. Mais c'est d'ailleurs pas un point essentiel dans son histoire. Un détail. Il est facho, il est chaud. Ultra nationaliste. Il pourrait très bien être chevelu, coupé carré. C'est un détail, mais au final, on s'en fout en fait. C'est ça que. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est fort d'ailleurs. Parce qu'après, il y en a un autre. Parce qu'il y en a un qui aime les EKB 48 aussi. Oui, il y en a un qui est ultra idol. Oui, et en même temps, il y a une certaine lucidité aussi par rapport à sa condition. C'est ça qui est fort, parce que tu te dis, les mecs, mais comment ils font pour acheter 50 CD du même truc, parce qu'ils veulent voter pour... Et à un moment, il y a... Tu sens qu'il y a le côté compulsif. Mmh. Oui. C'est-à-dire que c'est... Malheureusement, c'est le truc qui le fait un peu vivre, tu vois, c'est le truc... Pourquoi travailler ? Pourquoi vivre dans une société hyper, hyper oppressante, hein, parce que le Japon est une société hyper, hyper normée, hyper oppressante. Et le mec, il se dit, bon, bah, c'est mon moyen de vivre, quoi, tu vois. Mais le mec a un petit peu une certaine lucidité par rapport à ça, même s'il achète 50 fois le même single. Quoi. C'est ça, bah, ouais, mais il achète 50 fois le même single parce pour qu'il pouvoir aussi, voter pour voilà. Sa chanteuse préférée, pour lui dire, voilà, voilà. Si elle est réussie... témoigner un certain... Voilà, si elle est réussie, ça va être grâce à moi, même si moi, voilà. Enfin, la vie, c'est pas top. Elle, au moins, elle aura assis, c'est grâce voilà. À moi. Voilà. Il se donne un petit peu d'importance via ce biais-là, en fait. C'est vrai, ouais. Il marche comme un piédestal. Pas forcément vu comme ça. Oui, c'est vrai, pareil. Il marche comme un piédestal, en fait. Il se veut un peu l'escabeau. Voilà. Moi, je le vois pas forcément comme un mec ultra compulsif, parce que je le trouve... Non, il est ultra réaliste et ultra carré en fait sur ses dépenses. Oui, c'est ça. Donc, oui. Il gère vraiment ses dépenses en fonction de ce qu'il peut dépenser pour elle. Je crois que c'est même le pire. Je crois que c'est même le plus qui va dans ce sens-là. Voilà. Et c'est en ça que je le trouve pas forcément compulsif. Non, il est pas compulsif. Non. Il est très carré sur la gestion de ses dépenses en fait. Et il le dit, je crois que c'est lui qui le dit ou c'est après dans la partie explication où justement il dit bah en fait j'ai pas le temps de m'intéresser à autre chose. Il faut que je m'intéresse à elle et que je la porte sur le projecteur. Oui, c'est bien un but. Et j'ai pas le temps de m'occuper de autre chose parce qu'il y a tellement de choses à voir pour elle que bah, c'est au déjà final, suffisant. Voilà, c'est suffisant et ça m'accapare tout mon temps. Quoi. Oui, mais c'est ça. Et du coup, tout l'album, c'est ça, c'est que des profils atypiques. Alors, vu les chiffres, pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de chiffres un peu... un petit peu au Japon, un petit peu élevé. Moi, je pense que tout ça peut s'expliquer par énormément de raisons aussi. La société japonaise a énormément évolué. Bon, faut dire les mecs ont été un petit peu colonisés entre guillemets par les Américains. Manière un peu brutale. Ouais, je dirais pas colonisés, je dirais un petit peu envahis et voilà. Forcés de. Mais l'idée est là. Ouais. L'idée est là parce que les mecs se sont mis au baseball, c'est pas pour une raison. Ils se sont pris un Nihon Taikik quoi. Ouais, Taikik. Taikik. Enfin, je dévie un petit peu, mais cette partie-là, tu l'as très bien dans le film Battle Royale 2. Ah oui? Où il t'explique justement où que c'est bah, les Américains sont là et on les ont forcés à une certaine façon de penser en fait. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais que voilà, ils ont changé leur nature en disant bah, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Bah, le formatage reste du formatage. Oui. Façon, c'est ça. Je n'aime pas cette expression, mais je vais l'utiliser quand même, je sais que ça fera mourir beaucoup de monde, mais au jour d'aujourd'hui, hein, comme on dit. J'ai l'utilisé exprès parce que je sais que je suis un troll. Voilà. Tu dis trois fois la même chose. Hein, voilà, aujourd'hui. En fait, si vous voulez, les Japonais, on dit ouais, c'est un peuple travailleur, etc. À l'époque, bon, avant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas un peuple très travailleur. Mais malheureusement, l'effort de guerre, l'effort nationaliste, même devrais-je dire, parce qu'il a fallu bien envahir la Mandchourie et la Corée, etc. Il a bien fallu fournir un certain effort. Et c'est là que le gouvernement a trouvé un certain levier en promouvant, bien évidemment. Tout ce qui était valeur de travail, etc. Je pense que les plus observateurs qui aiment Akira Kurosawa pourront voir un film qui est assez édifiant, hein, pour ma part, qui s'appelle en français Le plus dignement, donc qui est un film de propagande de 1944. Et quand tu le regardes a posteriori, c'est un film qui est somme toute très bien, mais quand tu commences à lire les valeurs sur de travail de la femme et tout, etc., qui est un film vraiment bien dégueulasse, hein, ça fait quand même à réfléchir. Voilà. Et en plus, sachant que c'est un témoignage de l'époque pour l'époque. Voilà. Mmh. C'est pas un témoignage a posteriori, comme on pourrait faire aujourd'hui maintenant, malheureusement. Il y a beaucoup de combats aujourd'hui, on dit oui, faut supprimer les statues des gens qui étaient négriers à l'époque, tout ça. Je dis pas que c'est mal, hein. Je dis pas que c'est mal. On les prend avec le recul, tu vois, nécessaire qu'on a pour leur compréhension, tu vois. Donc ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il est, il est compris dans son époque, tu vois, il est éduqué dans son époque. À l'époque, on leur dit avec Akira Kurosawa, je pense, tu peux pas me faire un petit film de propagande, s'il te plaît. Lui, c'est de dire, bon, mais est-ce que si je refuse, bon, ben, bah, voilà. Bon, je vais faire un petit film de propagande, hein. Sachant que lui a bien quand même après derrière amené des billes pour critiquer la société japonaise, je pense que c'était pas forcément son but, mais voilà, on va dire qu'il y a un certain but. Et dans ce manga quand même on sent le... Voilà, on sent quand même ce côté des mecs qui sont à marche de la société est un mot faible, hein. Les mecs ils sont, il y en a certains ils sont, mais les mecs sont totalement conscients. Les mecs ils sont, mais les mecs c'est les bails ils ont à côté quoi. Enfin, les mecs ils sont complètement ailleurs. Et d'ailleurs le parti pris prend le livre prend le parti pris de aussi de très peu parler des femmes. Enfin les femmes sont insensées parce que les mecs les voient comme ils les imaginent. Voilà, c'est un peu la jolie princesse qui vient de voir, mais la jolie princesse gaulée comme un avion. Ça parle très peu des femmes, parce qu'en fait, ça parle des femmes, mais du point de vue des interviewés. Voilà, donc c'est mal, surtout mal. Fantasmé, voilà. Idéalisé. Parce que je reprends les voilà, exemples les mecs se tapent Jennifer Lawrence. Voilà, du que mec ça, mais... qui se scarifie, donc celui qui est au centre. Ah oui, lui il est vraiment. Lui, c'est vraiment justement c'est le fantasme. Lui, mais c'est idéalisé, la lecture, mais c'était maladif. Le fantasme, voilà, il me faut une fille pure, il me faut une fille de quel type. Il y en a beaucoup même d'histoires dans le truc, et beaucoup de. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, dans les reportages et dans ce que Monsieur Nakamura raconte également, cette histoire de. Vouloir rester vierge pour se préserver, pour la fille pure, voilà. La fille. Ouais, ce délire un peu. Voilà. La fille idéale. La course à l'échalote, quoi, un peu. Et c'est en ça qu'ils en viennent à. La fille pure, elle est quasiment pas trop encore majeure, quoi. C'est... Voilà. Oui, ouais, c'est ça aussi ce problème. Ouais. Il y a le mythe majeur, quoi. Ouais, et il y a ce moment aussi où il y a un mec qui. Tu sais, qui va. Je sais plus comment ça s'appelle en agence. Si, l'agence matrimoniale. Oui. Oui, pour les speed. Oui, de speed dating. Et oui, et que t'as les femmes, et tu comprends bien que passé un certain âge, t'es un petit peu vieille. Qu'il y a 10 mecs, 10 femmes, sauf qu'à la fin, les 10 mecs, ils se rabattent tous sur 2 femmes. Oui, ouais, que c'est la c'est jeune, c'est ou... les... Enfin, voilà. Sur 2 femmes, parce que c'est. Parce qu'elles sont. Les mieux. Voilà, elles sont. C'est voilà. Les plus belles. Voilà, c'est ouais. Ça. Oui, aussi c'est les plus jeunes, etc. Parce que malheureusement, dépassé un certain âge, on ne peut pas dire que. Malheureusement, c'est qu'un état de fait. Tu es passé 45 ans. Là, dis donc, pour avoir des enfants quand même. C'est compliqué. Voilà, enfin, moi je l'ai pris, enfin, cette partie-là. Mais tu peux le prendre de plusieurs façons. Moi je l'ai pris de la façon où, en fait, bah, c'est clairement un marché en fait. Ouais. C'est, ah oui, c'est ah oui. Elle la plus jolie. Toi, c'est comme, pour moi, c'est comme Tinder où tous les réseaux. Entre guillemets, réseau, oui. Applications, sites de rencontres, où tu fais ton marché en fait. Ah ben complètement. Tu sélectionnes, tu fais ah bah celle-là, elle me plaît bien, et celles qui sont entre guillemets moins belles, moins top, moins truc. Ouais, qui sortent un peu du sentier battu. Sur la photo, ça te dit rien. Ouais, tu et finalement, ça peut être n'importe quoi. Ça, justement, tu peux mieux accrocher avec une fille qui est entre guillemets toujours pas top. Voilà. Que sur une belle qui va être complètement conne, poufiasse. Voilà, non, mais. Sur ton truc, prends les pubs ou le logo de Adopt un Bec, bon bah c'est un caddie. Oui. Voilà. C'est ça, c'est non, ça. Mais tu oui, fais ton marché. Mais c'est clairement oui. Ça. Après oui. Qu'il le joue, oui, c'est, enfin, clairement quand tu vois. Mais malheureusement, la société est un marché. Hein, la société est un marché, donc. C'est ça, c'est, ils sont clairement dans l'optique où bah, c'est un marché, il faut que tu prennes ton produit. C'est toute leur pub, c'est adopte un avec tous les trucs qui défilent, ça. Avec toutes les spécificités. Les mecs font des produits et les femmes font leur petit marché. Bah, c'est pareil, enfin, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est logique ou pas? Bon, chacun jugé derrière son écran. Mais moi je te dis, est-ce que tu veux te taper Jennifer Lawrence ou est-ce que tu veux te taper Maïté? Oh, je pense que la plupart des gens iront vers Jennifer Lawrence, hein, parce que bon, bah, elle est gaulée déjà que bon, bah, autant dans la vraie vie, elle existe, hein, mais on va dire que j'aurais quand même des difficultés à trouver une grosse gaulée comme ça. Déjà, si elle me parle, je vais me dire c'est Noël, et autant dire que si elle me drague, c'est plus bizarre, c'est le futur, tu vois, c'est oh mon dieu. Alors, tu Maïté, bon, bah, elle fait la cuisine, elle est un peu ronde, bon, bah, voilà quoi, alors que Maïté, voilà. Sauf après, si. Tu peux caricaturer, je te jure. Oui, mais si tu as des penchants, on va dire, pour plutôt des femmes qui ressemblent à Maïté. Oui, mais ça, après, c'est autre chose. Là, oui, voilà. Mais après, c'est vrai que. Enfin, j'ai envie de dire. Il y a société normée aussi, voilà. Par nature. Voilà. Gros guillemets, 4000 lapinous entre eux, ce que je vais dire. C'est que, voilà, enfin, normalement, tu dois être svelte, tu dois avoir une certaine... Le socialisme normé. Voilà, ça, tu dois être typé de telle façon, mais oui. Tu dois avoir telle caractéristique. Justement, c'est ça qui est attirant. Enfin, t'es, bah tu oui, es plus attiré par, je dis n'importe quoi, mais par une fille qui est en short avec les jambes apparentes et autres qui... Roussin. si tu veux. Enfin, après, pour la couleur de cheveux, pour les, ces détails-là, je ne juge pas. Qui voilà. Aussi vient de dire. Je vais trop loin. Enfin, généralement, tu vas être plus attiré par quelqu'un qui va être. Bah, par quelqu'un, par une fille. Enfin, dans notre cas, qui sommes des cis voilà. Blancs hétéros. Parce que ça ne veut pas jamais le dire en qui sont attirés par des femmes, tu vas être plus attiré justement par une femme qui va être en short. On va dire plutôt fine à musculeux ouais, au niveau des peu, gens peu, que peu, bah, peu, quelqu'un ouais. Qui a des grosses cuisses que tu vas pas trouver ça forcément attirant toujours entre guillemets entre normes. Mais le problème ouais. C'est ça, c'est que tu dis je pense que c'est un peu le strange goal, c'est au bout d'un moment, mais c'est pareil pour les homosexuels et tout ça, etc. C'est toujours le même spectre en fait, c'est au bout d'un moment il faut la faire accepter, la personne, hein, par les parents. Les parents représentent quoi ? Ils représentent souvent, majoritairement, malheureusement, la société. Hein. C'est qu'une caricature avancée de la société. Hein. Mes parents, ils m'ont jamais dit « si tu te trouves un homme, c'est pas un problème. On n'a rien à péter. » De toute façon, ils n'en ont rien à péter. Mais ils m'ont jamais dit ça de but en blanc, tu vois, par exemple. Donc, ils représentent une sorte de forme de la société, tu vois. Donc, si tu leur ramènes Jennifer Lawrence, oui, plutôt un bonhomme... tu penses savoir vers quel côté ça va un peu pencher, tu vois, un peu, ouais. Tu sens un peu le traquenard arriver, donc c'est un peu le même truc, hein. Bon, moins parce que tu leur amènes un homme à la maison, autant te dire que je pense que Lina c'est ouf, oui. Ah. le refuge. En parlant de ça, j'ai envie de dire un épisode de Iceberg, mm-hmm. Donc de un comics chez Marvel. Où, alors là, je remonte un petit peu le temps, il a été dit que la version jeune de Iceberg était homosexuelle. Mm-hmm. Il y a oui. Eu un outing forcé, en fait. Mm-hmm. Il y a Jean qui a des pouvoirs télépathiques, qui a lu dans l'esprit de Iceberg pour dire voilà, je sais que t'es gay, je vais le dire à tout le monde. C'est bien, ça, c'est un plaisir. C'est bien, oui. Non, mais c'est très ironique. Hein. Voilà, sur le fait que ça soit Jean Grey qui out comme ça quelqu'un qui le voulait peut-être pas forcément, on va repasser, mais voilà, état de fait, ouais. Iceberg est gay. Voilà. L'iceberg adulte, elle l'a pas dit à ses parents, et dans l'histoire que je viens de lire, justement, c'est le moment où il l'annonce. D'accord. Et du coup, t'as le malaise où bah, t'as les deux parents, en tout cas en apparence, le rejettent. Déjà, c'est bien d'avoir pris ce parti pris, parce que souvent, on aurait la facilité de prendre le parti pris, justement, où ils sont un petit peu acceptés, mais même entre guillemets, tu vois. Voilà, un peu rire chelou, tu vois. Ça m'a fait bizarre de lire ça, même si je comprends que ça peut arriver, mais de dire, voilà, c'est comme dans, enfin, je dérive beaucoup, mais dans June, la voix du cœur. Le tout début où t'as le père qui dit bah si je m'en vais c'est de ta faute. Ah oui, c'est ça m'a fait le même effet en disant bah en fait ouais, c'est le coup de poignard, c'est vraiment c'est ça. T'es gay, bah déjà que t'étais mutant c'était pas simple, mais alors être gay, ouais, bah, voilà, t'es ça, plus notre c'est fils vraiment dire... pas l'accepter, ouais, ouais, ça refus. Enfin, je... Bah, le sens, c'est étonnant, hein. Je directement, tu sors du cadre. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu peux accepter des trucs. Tu vois, pour ses parents, on peut accepter des trucs, mais il y a des trucs, ça va. Au bout c'est d'un ça. Moment, même si à la fin de l'histoire, ça va un petit peu avec le père. Tu vas dire, oui, non, mais je comprends. Enfin, bah, souvent, bah, je mères, t'aime pire, et tout. Ouais. Mais le premier choc, c'est... Bah, non, en fait, t'es mort pour moi. T'existes plus, tu vois, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Et tu dis, mais... Putain, il y a des gens vraiment qui n'ont pas forcément l'âge d'Iceberg, parce que là, il doit avoir peut-être une vingtaine d'années ou un. Ouais, c'est vraiment, mais c'est vraiment le rejet de ce que tu es vraiment plus profond de toi, tu vois. C'est ça. Enfin, mais je veux dire, bah t'aimes les mecs, j'ai envie de te dire, bah t'es cool, quoi. Comme enfin, ça. Enfin, c'est. Qu'est-ce qu'on comprend, enfin, je pense qu'on mais oui, enfin c'est. Oui. Bah, et c'est d'ailleurs ce qu'on ressent dans ce manga, c'est qu'il y a des mecs, mais ils sont à la dérive, mais Mais puissance 1000, quoi. Puissance 1000. C'est ça. Puissance 1000. C'est-à-dire que vraiment, les mecs sont. Enfin, la société, c'est vraiment. Et puis, bizarrement, c'est toujours des profils un peu prolo. Si les mecs étaient un peu. Tu vois, c'est pareil, on dit ouais, regardez le patron, comment il s'appelle Tom Cook. Tim Cook. Ouais. D'Apple. Ouais, il est homosexuel, c'est trop bien. Ouais, bon, bah, le mec, c'est pour ça, quand même, il a du pognon, il a des missions. Il subit quand même des trucs, hein, on va pas les gâcher. Non, on va pas se cacher encore une fois derrière nos petits doigts. Mais le mec a des sous. Donc, déjà, sociétalement, c'est toujours mieux accepté que quand t'es le petit prolo de base, là. Parce que ce qui ressort vachement dans ce manga, moi, c'est surtout le côté sociétal. Mais... Oui. Enfin, c'est vraiment des mecs, les mecs qui sont souvent dans un voie de garage, quoi. C'est ça, mais pour prendre ton exemple à Tim Cook, en fait, je sais pas si homosexuel. Ah, si, il est, mais. Je m'en fous, en fait. Les personnes qui disent, ouais, je suis homosexuel, la gravité en face. Tu pourrais me dire, je suis blond, bah, ok, je m'en fous. Le problème, je vois plus la différenciation entre le fait d'être riche et le fait d'être pas riche, plutôt que de dire être pauvre, c'est que le fait d'être riche, tu peux t'entourer plus facilement, tu peux vivre justement dans cette société. Tu as de l'influence par rapport à la société. Non, t'as pas une influence. C'est, je veux dire que vu que t'es riche, tu peux, on va dire, te couper du monde qui te ça que je veux dire, même si t'as une influence, c'est le fait que d'être riche, justement, ça te donne le moyen de te protéger. Mais oui, parce que d'être pauvre, quand tu annonces ça, t'es pas riche, plutôt que dire que t'es pauvre, t'as moins de protection parce que justement tu peux pas te créer cette partie je m'entoure de personnes de confiance, de confiance, mais qui me soutiennent. Voilà, de soutien, et je veux entendre que eux plutôt que les trolls qui me disent qu'il faut que j'aille brûler en enfer. Mais de toute façon, il y a les deux. Parce que la société est faite de toute façon que les gens qui ont le pouvoir, malheureusement, tous les profils qu'on a dans ce manga, la plupart, c'est des prolétaires. Hein. Il n'y a que ce moment où le mec est riche, tu sais. Où il dit qu'il a 40 ans, mais il a dépassé l'âge pour trouver une femme. Donc du coup, maintenant, il est un peu emmerdé, tu vois. Du coup, celui qui fait les speed dating. Qui fait les speed dating, mais il y en a d'autres qui t'expliquent qu'en fait, il y en a qui étaient vieilles. Bon, c'est-à-dire qu'elles ont dépassé 40 ans, donc maintenant, elles sont en voie de garage. Et que le mec lui-même, il a 40 ans, passé. Et que le mec, il est un petit peu en voie de garage, quoi. Ouais, un peu voilà, quoi. Ouais, mais lui, il est juste en introduction. Hein. Il fait que quoi, une dizaine de pages, au gros maxi. Et c'est celui qui fait les speed dating, je sais plus quel c'est. Oui, c'est vrai que, parce que sur l'histoire des speed dating, il te montre deux profils. Ouais, mais c'est là qu'il te montre la femme aussi. Il te montre un mec un peu. Mais c'est ça, le riche, le mec beau gosse, riche, ouais. Et c'est là qu'il te montre la femme aussi qui a dépassé 40 ans. Et tu comprends bien qu'à 40 ans, une femme ne peut plus procréer, donc tu comprends bien que. Et ben. Elle, c'est même plus la voie de garage, c'est. Elle est partie au cimetière des éléphants. Je suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. À cause de l'histoire du fasciste. Qui lui c'est le contre-exemple parfait. Voilà, c'est vraiment le contre-exemple qui est plutôt une personne un peu de notoriété publique. Mais Monsieur Nakamura le dit. Voilà, c'est un contre-exemple qui est un personnage d'influence. Mm-hmm. Fasciste, oui. Certes, mais un personnage d'influence. Mais qui a la culture quand même, voilà. Voilà, qui a qui a beaucoup de culture et tout ça. Mais qui quand même mec puceau de plus de 40 ans. Ouais, mais toi pour lui, je vois plus le côté où en fait, côté timide, relationnel, que parce qu'il est omnubilé par un truc. Bah, timide, relationnel, oui, et pourtant, de toutes les histoires, c'est celui qui a le plus de rapport avec les femmes. Oui. À la fin, oui, parce que justement, il se lui-même donne les moyens de parler. Parce qu'on, dernières pages, on voit qu'il rejoint une réunion de. Depuis le début, en fait, on te dit qu'il est membre d'un club de lecture et c'est comme ça qu'il s'est rapproché. Voilà. Et qu'il a commencé à discuter avec des femmes. Et qu'il a rejoint la sphère fasciste, tout ça après. Mais qu'aujourd'hui, il est toujours dans son cercle de lecture et qu'il est quasiment entouré que de femmes. Oui. Et qu'il s'est passé un truc incroyable. J'imagine qu'en disant ça, les gens vont comprendre. Mais voilà, que monsieur Nakamura, qui faisait le royaume, se disait que c'était pas possible. Les mecs, ils étaient arrivés à un tel niveau de détresse qu'à un moment, on pouvait même plus les sauver pour que les mecs soient. Du coup, je les spoilise, mais c'est pas grave. Ils soient plus vierges. C'est que oui. Le mec, il a rien à un rapport sexuel. Ah. Le mec, il pensait pas, c'est pas que c'était possible à ce niveau, à arriver à un tel ouais, niveau. Mais de... justement, en termes, on va dire, de personnage, c'est toujours lui le moins pire. Parce que ah oui, il complètement, se, complètement. Il se donne les moyens, il sait qu'il est comme ça, mais voilà, il. Voilà, en fait, il n'est pas bloqué le fait de dire ouais, je suis bloqué. Bah, en fait, il y a plein de choses à voir. Ouais, en fait, il y a plusieurs profils qui ont le même ressenti. En fait, il y a ceux qui sont. Il y a celui qui regarde les animés, tout ça, lui, c'est le résigné, tu vois. C'est ouais. Le flébarge. Voilà, oui, c'est l'étudiant, il sait, c'est un état voilà. de fait, je serai plus sot, c'est un état assez, et pour, je. C'est tous un état de fait pour eux, mais pour lui, il le vit, voilà. C'est comme ouais, ça. Mais moins quand même. Lui, c'est vraiment de dire je sais que c'est comme ça, je vais pas bouger, et il vit comme ça. Alors que le premier, il en a pas forcément. Conscience. Non, mais je pense pas. C'est lui, le premier, je pense qu'il sort un peu des catégories parce qu'il tombe en reflet avec celui qui est à la fin et qui est très malaisant aussi. Oui, non, mais dans les bonus, ouais. Oui. C'est ce que je vous disais, c'est que voilà, le premier, c'est pas une interview. Oui, voilà. c'est un état de fait de Monsieur Nakamura qui a rencontré cette personne au cours de son travail. Et c'est lui qui lui a déclenché tout le reste. Voilà. Après, il y a celui qui est misogyne, mais puis ça se mille. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une femme qui vient, tu sais, il dit que l'éditrice est bien et que le mec il se barre. Il fait oh, il y a une femme, c'est dégueulasse. C'est celui-là, je crois. Celui qui malheureusement va dans des cercles un petit peu homosexuels parce que, on va dire qu'il a des envies. Oui. Mais celui qui est incel, du coup. Lui, il peut être qualifié d'incel voilà. Complètement, parce que lui, c'est un en vrai, c'est-à-dire qu'il en arrivait avec une misogynie des femmes, enfin vraiment, c'est le rejet des femmes tant que tel, quoi. Une extrême misogynie qui se retrouve à fréquenter des endroits où... Enfin, il veut avoir des rapports sexuels, donc il veut faire les hommes, parce que... Il veut quand même avoir des rapports sexuels. Il y a une certaine destruction de lui-même, un peu, de sa propre personnalité, c'est un peu chelou. Donc il se refuse à se dire être gay ou quoi que ce soit, mais il fréquente des espèces de soirées... Ouais, parce que le mec a une libido, voilà, enfin, le mec, je pense que... Voilà, c'est des ce qu'il espèces dit, de soirées libido, gays, en fait, voilà, tout simplement, où... Se retrouve à poil avec d'autres hommes et... Ouais, et puis il se fait mettre, hein, parce que souvent ça, j'ai l'impression... voilà, donc il y a ce profil-là, c'est un peu le même profil que celui qui se scarifie, tout ça, parce que c'est un peu, tu vois, c'est les profils un peu destructeurs, tu vois. C'est les profils, ils vivent mal leur truc, mais eux, c'est vraiment dans leur chair qu'ils le... Et après, il y a le facho qui le vit mal, mais qui a quand même essayé de trouver des... Pour revenir justement sur ce profil-là, j'ai retrouvé son nom, donc le 7e cas, Hiroshi Matsuno, donc ouais. Celui qui vient... dans les clubs. Il est défini comment dans il est, donc il est puceau tardif de 39 ans, souffrant de dysphorie du genre. Ouais. Il détruit son propre genre. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un passage où il dit. Il est pas bi. Il dit je me dégoûte. À une époque, j'ai songé à devenir une femme. J'ai consacré beaucoup de temps et d'argent à me maquiller, à m'épiler intégralement, à suivre des régimes. Où là, voilà, justement, il a plus son identité en fait en tant que personne, enfin pas en tant que genre, mais il sait plus justement, il sait plus qui il est. Là, c'est voilà, souffrant de dysphorie du genre, je sais pas ce que ça veut dire dysphorie, mais je comprends que c'est vraiment une dissociation de par rapport à ce que t'es. Il sait plus, voilà, s'il a voulu devenir comme ça et tester et que il s'aime pas en tant que soi. Oui, je pense que c'est plus ça, plutôt ça. Oui, il a du mal à s'accepter en fait. Et à dire, voilà, il y a un problème avec moi avant que ça soit un problème avec les femmes. Et je pense d'ailleurs que, avant de continuer, peut-être que je vais vous laisser réfléchir aussi, je vais continuer un peu mon do-quiz. Hein, parce que c'est un do-quiz. La dysphorie du genre, donc, ou gender dysphoria, est un terme médical utilisé dans le manuel de l'Association américaine de psychiatrie pour décrire la détresse des personnes transidentitaire face à un sentiment d'inadéquation à son sexe assigné et son identité de genre. Au fur et à mesure des révisions de ce manuel, l'expression transsexualisme, incongruence de genre, puis dysphorie du genre ont été successivement utilisées. Puis en 2013, l'APA, l'Association américaine des psychiatries, American Psychiatric Association, je suppose, insiste sur le fait que la non-conformité du genre elle-même n'est pas un trouble mental. Ce qui caractérise la dysphorie de genre est la présence d'une souffrance clinique significative associée à la non-conformité du genre. Oui, parce que le mec, on sent que c'est vraiment clinique. Quoi. Quelque chose chez le mec. chez la personne en fait du moins. Alors pour vous parler de ça par exemple, je voulais vous parler d'un phénomène. Alors il y en a un petit peu dans le manga tout ça, mais c'est un petit peu à côté. Hein. C'est pas stricto sensu. C'est venu du Japon, le phénomène des hikikomori. Je pense que vous connaissez. Toucherait aujourd'hui de nombreux jeunes en France aussi. Selon des spécialistes, le terme désigne une personne coupée du monde extérieur qui n'a plus envie. Hein. Ou qui ne veut plus rien. Bizarrement, ça me parle un petit peu. Capable de rester dans sa chambre. Du coup, peut-être expliquer un peu plus. En fait, l'hikikomori, c'est une personne qui vit cloîtrée chez lui, qui sort quasiment jamais. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Donc c'est le cas numéro 2, je crois. Oui, il y en a un qui est très... Oui, c'est vraiment les rapports sociaux. Le cas numéro 2, c'est celui qui se tranche la gorge. Non, c'est notre nom. Parce que c'est celui qui est étudiant, non, c'est ça, qui vit dans sa petite chambre, qui aura des animés, voilà, qui aura des vocaloïdes. Dans sa chambre et qui passe sa journée à regarder... Taro Motoyama, fan de dessins animés vivant en colocation et puceau à 32 ans. C'est ça, lui c'est vraiment l'hikikomori. Ouais, c'est le mec, il en est arrivé à un tel point que bon, ben voilà quoi, c'est un peu... Un peu des deux, tu sais, de toute façon, c'est... La réalité n'est jamais tout de manche sport, de toute façon. Je sais pas, moi, je l'identifierais pas comme quelqu'un d'hikikomori, parce qu'il... Il sort quand même. Alors que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui reste cloîtré chez lui. Je sais pas. Là, après, c'est... Voilà, là, c'est vous allez voir, mais... C'est quelqu'un, oui, qui reste vraiment cloîtré, qui peut passer plusieurs jours, plusieurs semaines, sans voir la lumière du jour. C'est ça, il est agoraphobe, voilà, il peut pas sortir de chez lui. Alors que là... Lui, ça ne dérange pas, c'est juste que il a... Plus qu'agoraphobe, c'est une sociaphobe. Oui. Oui, non, mais c'est ça, oui. Et lui, il s'en fout, en fait. C'est juste que c'est dans sa condition, c'est qu'il est tout seul dans sa pièce. Oui, voilà, il se complaît. Et que, il a besoin d'aller sortir pour aller s'acheter à manger, il sort s'acheter à manger. C'est... Ah, mais oui, non. Donc, c'est le terme, hikikomori, qui signifie dans ce cloître rester à l'intérieur. Alors inventé dans les années 90, il désigne à l'époque les adolescents, les jeunes adultes vivant dans un retrait social. Alors je sais pas si je l'ai noté, mais c'était des gens qui étaient ni salariés, ni stagiaires, ni NIT. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est NIT, donc not in employment. Ouais. Ah oui. Alors c'est des gens qui sont sans emploi. Pas stagiaire, ni en formation, ni dans les études. Voilà. Alors c'est not in employment, je sais plus quoi, le deuxième E, je sais plus quoi, et training, donc training, stagiaire. Employee. Oui, non, c'est employee. Employment, c'est pour l'employé, l'autre c'est pour. Stagiaire, Le dernier c'est le training, c'est stagiaire, et le deuxième E, c'est études, pour étudiant. Ouais. Donc c'est, je sais plus qu'est-ce que c'est. Donc pendant des mois, voire même des années, hein, pour certains malheureusement, ces jeunes individus étaient capables de ne pas sortir de chez eux toute année, mais aucun contact avec l'extérieur. Le ministère de la Santé japonaise estime que Nikikomori ne souffrirait pas forcément d'une pathologie mentale, faut le noter ça quand même, qui l'empêcherait de se tourner vers l'extérieur. Ce serait plus visiblement un retrait un petit peu social. Une étude, alors après je pense qu'on passe à des trucs un peu, je fais un peu une espèce de tout venant. Une nouvelle étude de l'Institut National de Recherche sur la Population du Japon relève que plus de 40% des Japonais de 18 à 34 ans sont vierges, que 70% et 60% des femmes non mariées du même âge sont célibataires. Ces chiffres inquiètent le gouvernement. Donc ça aussi, il faut le noter, parce que on va dire que le pilier du mariage a été un petit peu élevé au Japon à une certaine époque, hein, mais je pense que ceci n'est pas aussi le fait que de ce seul pays. Hein, je pense qu'en France aussi, on a beaucoup subi des problèmes. Je vais en reparler un petit peu plus tard dans un documentaire assez édifiant que j'ai lu. Il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Mais et aussi, du coup, ils expliquaient sur la virginité et tout ça, c'était que les mariages arrangés était beaucoup moins fait, en fait. En fait une corrélation entre le fait que entre la baisse du pourcentage de mariage arrangé et la hausse du pourcentage de personnes de vierges à plus de 30 ans. Oui, parce que c'est pas forcément de causalité, mais on va dire que socialement, on va dire que si on te propose quelqu'un, t'as quand même plus de facilité à ouais, plus de facilité. Je parle en disant, en prenant conscience de notre condition, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup moins de moyens, entre guillemets, de rencontrer des gens. Enfin, quand je prends notre cas à nous, on sort pas forcément à l'extérieur dans des événements de rencontre. Quand on sort, c'est, on sort, voilà, entre nous, entre potes. Ah ben complètement. Dans un cercle plutôt fermé, c'est pas dans l'occasion d'aller sortir. Donc du coup, voilà. On sort pas pour draguer, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est, on sort pour juste sortir. C'est pas une finalité. Voilà. Oui. Ce que tu veux dire. Mais on a quand même, enfin, l'occasion de rencontrer du monde. Oui, non. Voilà. Oui. Mais je veux dire que quand d'habitude, enfin. On laisse la porte ouverte, mais. Normalement, voilà, mais... quand on sort justement, on sort soit entre potes, soit pour draguer, faire des rencontres. Voilà. Alors que nous, on sort pour boire des bières. Cette partie-là, en fait, la partie pour faire des rencontres, de mon point de vue, de notre entourage, bah, on ne l'a fait quasiment jamais, en fait. Tu vas sortir entre potes. Oui. Peut-être que tu, dans cette soirée-là, que tu vois des amis, d'amis, cercle à une poignée de main, etc. Tu peux faire des rencontres, mais c'est plus une soirée type, voilà, je bois un coup avec des potes et ça s'arrête là. C'est pas une soirée pour vous rencontrer du monde. Ah oui. Donc le fait de dire, bah voilà, on sort plus pour rencontrer et qu'il n'y a plus de mariage arrangé. Ah bah du coup, Voilà, t'as tout ça qui combinait quand même. Ah bah, c'est dans pas mal de sociétés, j'y reviendrai à pied parce que. En train, en voiture, en vélo. Parce que j'ai vu un reportage. On est trop sérieux là. Ouais, oui, non, c'est pour ça. j'ai vu un reportage assez fort de café. Donc, je vais vous parler maintenant du un célibataire parasite, donc c'est Parasito Shingle, donc de Shingle en anglais. Est un terme japonais conçu par Masahiro Yamada, donc professeur de sociologie à l'université Tokyo Gakugei. Gakugei, peut-être, je pense plutôt. C'est Todai. Hein? Todai. Gakugai, ONG. Pour désigner une tendance récente dans la société japonaise, c'est les personnes qui refusent le mariage. Je pense que peut-être autour de la table, cela vous parlera. Et vivent chez leurs parents, peut-être ça vous parlera un peu moins, mais je pense que vous sentirez peut-être l'analogie, alors qu'elles ont plus de 25 ans, donc le but est de profiter d'une vie insouciante et confortable. Ce n'est pas mon cas, mais c'est vrai que si je pourrais profiter d'une vie confortable, je ne me plaindrai pas. Elles finiront dans une maison de retraite payée par les enfants des autres, disait quelqu'un. Lorsque, au contraire, il y a des femmes souhaitant rester célibataires, parce que bon, tu comprends bien que se faire engrosser n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, malheureusement, je vous laisse juger, hein, bon, je pense que c'est tant mieux, hein, parce que je pense que procréer n'est pas un alpha et un oméga, il y a affaire à des femmes souhaitant rester célibataires, il leur fait savoir que si elles ne se marient pas, elles ne pourront pas avoir d'enfants, et qu'elles finiront dans une maison de retraite payée par les impôts des enfants des autres. Et c'est qui avait dit ça d'après vous? Non mais c'est pas vrai. C'est vraiment des vrais propos qui ont été tenus. Et bien c'était en fait un membre du... je vais caricaturer, je pense que ça s'appelle pas comme ça, c'est une sorte de Sénat japonais, tu vois. Personne qui a sorti ça de but en blanc. Oui, un élu, quoi. Un élu, voilà. Après que des élus, des membres féminins du Parlement se soient offusqués de ces propos sexistes, ils ne voient pas le coup venir, le bureau du député a publié un communiqué dans lequel il s'est rétracté et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de manquer de respect aux femmes. bon, on va dire que la société japonaise, encore, quand même, voilà, il y a eu des évolutions. Malheureusement, le problème, c'est que souvent, dans ces évolutions, eh ben, il y a le problème du social derrière. C'est que les générations n'évoluent pas au rythme où des fois la mentalité devrait évoluer, tu vois. C'est par exemple si aujourd'hui tu vas aller voir tes parents pour dire bonjour, je suis homosexuel, et que tu leur dises aujourd'hui, que tu leur dis demain, ça passerait pas du blanc au noir, tu vois. On dirait pas, oh mais tu l'aurais fait hier, oh non mais va-t'en, espèce de salopard, je te renie, va vivre au refuge, espèce de gros con, connard. Or que tu l'aurais dit le lendemain, oh mais oui, je suis très heureux d'avoir un enfant homosexuel, oh oui, quel bonheur. Tu vois, il n'y a pas de... voilà. C'est ça aussi qu'il faut noter aussi, c'est que la société, malheureusement, elle prend du temps à évoluer. Hein. Et par exemple, on pourrait parler de certains genres. Bon, je pense que vous en avez entendu parler dans un certain Cozy Corner, hein, c'est les incels. Hein. Et je pense que ce manga en parle un peu. Bon, ils sont un petit peu moins... on va dire qu'ils prennent moins leur voiture pour rentrer dans des genres. Enfin, du coup, je verrais celui qui se tranche la gorge plus comme un aisselle. Ah oui, voilà, oui, mais c'est, mais, oui. C'est lui qui aurait plus le. Ah oui, mais sa misogynie. L'orientation. Non, l'orientation, mais. On peut pas définir les autres comme des incels. Non, voilà. Ce serait trop extrême. Voilà, alors que lui, c'est celui qui se rapproche peut-être le plus. Ah oui, il est au niveau de l'idéologie, oui, complètement. Mmh. Alors que le facho, finalement, il est facho, mais il n'est pas, voilà, n'est pas dans ce délire. C'est ça, en fait, pour moi, le facho, il est plus... nationaliste qu'autre chose. Non, c'est vrai, mais on s'en fout qu'il soit nationaliste. Ouais. C'est pas ce que je dis, on l'appelle facho, mais en fait, il est pour l'identifier. Timide et malhabile. Qu'autre chose. Oui, c'est ça. Alors que le mec, non, lui, il est dans ses idées, il faut que la femme, elle soit comme ça, j'ai compris ça comme ça, alors que, en fait. Ah oui, il est un délire, lui, quand même. Oui, il a en fini à se trancher la gorge en voyant la fille qu'il aime avec un autre homme. Avec un autre, oui, voilà, donc c'est vraiment, lui, c'est un. Il est destructeur, oui, il est destructeur. Il en meurt pas, hein, il en meurt pas. Il... Voilà, mais il est destructeur, voilà, par rapport à ça. Et c'est dommage, mais. Non, mais par rapport à son état de fait, c'est destructeur, voilà. Oui, non, mais. Il se scarifie en voilà. Plusieurs temps. Bien, en il est en plus une constante rébellion avec tout ce qui est hiérarchie, tout ça. Il est quand même très. Voilà. Dans les incels, donc, je pense que certains ont entendu parler, sur internet, ils sont des dizaines de milliers, malheureusement, à avoir rejoint ces groupes dont le nom est la contraction de involuntary célibataire. Ben, forcément, les mecs n'ont pas choisi. Hein, il y a des femmes aussi, mais je ne juge pas. Dans la très grande majorité des cas, ce sont des hommes, bizarrement, hétérosexuels. Ah bon. Ouais, mais entre 18 coup, et 50 ans. C'est que des hommes. Dans le cas des femmes, enfin. Ouais, mais il y en a deux, trois qui se battent. Oui, non, mais c'est pas la faute des hommes. Enfin, ils sont, mais même ce que c'est Médoc qui en parle, je crois, dans le Cozy Corner. Je l'ai pas encore écouté. Tu l'as pas encore écouté. Il me semble que c'est Médoc qui en parle dans le Cozy Corner. Si une femme arrive sur un forum d'incel en se disant. Bonjour, je suis une femme, je me reconnais dans. Ah non, mais le bon. À mon avis, ça s'arrête à. Bonjour, je suis une femme. Elle se fait bâcher direct et elle se fait dégager. Bah oui, parce que tout. Alors qu'elle dit bonjour, je suis une femme, mais je me reconnais un petit peu dans ce que vous. Dans votre idéologie. Pas forcément. Oh, moi j'appelle ça une idéologie. Si, mais tu peux appeler ça une idéologie. Voilà, je me reconnais dans votre idéologie, je pense à la même chose que vous. Mais c'est une femme, donc elle se fait bâcher, lyncher en public. De toute façon, c'est une femme, donc. Voilà, ça s'arrête parce que c'est une femme. Voilà. Et bien c'est ce qui fait ça, hein. Donc ceux qui les rassemblent, tenir les femmes pour uniques responsables de leur célibat durable. Les pauvres hommes, hein, malheureusement, faut bien les plaindre. Si les femmes ne s'engagent pas avec une relation avec eux, mais bien évidemment, les pauvres hommes, c'est uniquement argument des incels, parce qu'elles sont démoniaques, bien évidemment, elles sont passées à tout, tu vois. Elles sont passées à tout, déjà. Direct, ils sont nés, les mecs, ou toi, on va te la faire à l'envers. Les posts trouvés sur internet les qualifient volontairement de menteuses pathologiques, de salopes, bon... Ça, malheureusement, c'est un mot bien trop répandu. Incapables d'aimer, elles prennent un plaisir à malmener, à moquer, à humilier les hommes dès qu'ils le peuvent, bien évidemment, parce que donc ça à foutre. Non. Elles sont trop occupées à s'occuper des enfants et du ménage. Hein. Visiblement, ça ne les occupe pas assez. Ben oui, parce que malheureusement, c'est un peu ça aussi qu'ils voient. Aussi les mecs, ils voudraient bien qu'elles fassent le ménage et tout, mais malheureusement, en même temps, il faudrait qu'elles se moquent de quelqu'un. Je sais pas, peut-être que les femmes ont des journées de 48 heures. Hein, je demanderai à ma soeur, peut-être. Tu as des journées de 48 heures? Peut-être elle me répondra. Ouais, mais est-ce qu'elle fait le ménage? Putain, non, merde. Il y a ta mère chez toi. Voilà, c'est bon. Si les femmes ont des journées de 48 heures, je pars au Brésil. Mais je sens qu'au Brésil, c'est un enfant. Ou en Thaïlande, c'est pareil. Histoire de changer de sexe. Ouais. Dans celles qui sont la plupart désignées par l'expression fémoïde, parce que tu comprends bien que. On va pas leur donner un nom quand même pour les... Voilà. Est-ce que c'est un rapport au mongoloïde ou... si tu étais d'Asie, je pense que quand même l'analogie est très proche, mais c'est un peu ça. Donc c'est forcément la contraction entre femmes et humanoïdes, donc dans le but de les déshumaniser, hein, faut pas déconner non plus. N'accepterait d'avoir des relations qu'avec un seul type d'homme. Les tchads. Bien évidemment, parce que bien, le tchad est l'oméga. Les plaquettes sur le petit bidon. Donc c'est l'alpha et l'oméga, donc la femme ne recherche qu'une situation, bien évidemment. Ouais. Et l'homme qui veut se taper une femme, qu'est-ce qu'il recherche alors? Juste tirer un coup. L'esthésise. Voilà. Voilà. On va pas trop leur parler à eux, parce que je pense qu'on pourrait les faire tomber dans leur propre idéologie, mais c'est pas grave. Il s'agit de jeunes hommes populaires, bien évidemment, charmants, hein, parce que visiblement être manche, ça ne suffit pas. À l'aise avec les femmes, parce que sinon aussi ça ne marche pas. Et surtout, il y a une vie sexuelle et amoureuse bien remplie, parce que forcément, quand t'as une grosse bite, tu remplis plus facilement les vagins. Ah bah, les mecs, ils tirent à tour de bras. Ça, c'était pas écrit dans le texte. Mais non, évidemment, ça me fait penser au tweet d'un mec qui avait dit « Ouais, j'ai une licence, machin, j'ai une belle femme, j'ai une bite de 20 cm, blablabla. » Ouais, bah... Ah bah, tu sais que j'aimerais... J'ai un Sonic et un Labrador. Ah, tu sais que j'aimerais avoir une grosse bite pour bien remplir. Mais bon, ça, visiblement, même si je l'aurais grosse, ce qui est le cas, je ne remplis pas. On a la grosse bite, mais... Voilà, elle ne remplit rien. Mais bon, après, hein, je ne peux m'en voir qu'à moi-même. Moi, je ne cherche pas des fautes ailleurs. Les incels les méprisent parce que tout autant qu'ils les envient. Ouais, parce que bon, bah, tu comprends bien que moi, j'aimerais être bien Ryan Gosling qui se tape Jennifer Lawrence. Mais malheureusement, je ne suis pas Ryan Gosling qui se tape. Ni Jennifer Lawrence. Oui, je ne suis pas Jennifer. Ou quoique, j'aurais des gros tétons comme ça, je pense que. Mais quoique, si je le prenais comme si j'étais déjà une femme, ça me paraîtrait normal. Si je... oui, ça devrait dire maintenant. Autant te dire que y aurait des bleus parce que vu ce que je tripoterais, il y aurait de quoi faire. Et là tu penses à Your Name, les phases où ils swap. Ah ben avec la petite sœur qui arrive. Ah, tu tires pas de pas les seins aujourd'hui. Ah ben c'est sûr que là il y aurait de quoi faire. Et donc les femmes qui sont en couple sont appelées les Stacy parce que de toute façon faut bien leur donner de nom. Non, assez sale. C'est ça, bien évidemment. Alors quelque part il y a des surtout profite, oui, comme on a dit tout à l'heure, qui quand même s'approche de cette idéologie un peu victimaire, hein, parce que c'est une idéologie qui est victimaire, hein, donc de gens qui, bah, de toute façon, quitte à se remettre en question, autant accuser les autres, hein, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins indolore. Et puis surtout, on trouve des amis pour nous soutenir dans ce délire-là, alors plutôt que dire que je suis une grosse merde, tes amis te diront, bon, quand même. Ouais, c'est la grosse merde. Voilà, voilà. C'est pas très valorisant, donc autant engueuler les autres, c'est beaucoup plus simple. Oui, donc moi ce manga m'a beaucoup parlé, hein. J'ai parlé au début d'épisode parce que bon, bah, on va dire que j'ai un petit peu commencé sur le tard, hein. Pourquoi parler d'autre chose? On va dire que est-ce que j'ai vécu ça comme un chemin de croix? Un petit peu, hein. On va dire que le poids de la société m'a un petit peu encombré à une certaine époque, on va dire, j'étais un peu oppressé, on va dire, mais avec le recul maintenant je me dis, mais pourquoi, hein. Bah, est-ce que les choses n'ont pas évolué plus, mais en fait, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Oh bah, bon, la société te dit, il faut que tu sois comme ça. Oh bah, tant que tu y es pas, en fait, tu dis, ouais, il faut que j'y sois. Et une fois que tu l'as passé et que tu réfléchis, tu fais, mais en fait, j'en ai rien de la société. Quoi. C'est pas forcément que t'as rien de la société. La société, c'est. Enfin. C'est pas la société qui t'a mis une pression, c'est toi qui te mets une pression. Oui, mais bah voilà, les deux. Par rapport à la société. Parce que combien de fois où tu vas à des repas de famille ou autre, tu fais bah alors ta copine, bah alors Malana, bah alors bientôt les hashtag enfants. Hashtag Orelsan, voilà le dernier album, c'est ça. T'es pas venu avec ta copine. Bah non, du con. Ouais, quand est-ce que tu la présentes? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi, voilà, généralement, quand on me pose la question, genre moi, bah, je fais bah non. Voilà. Donc, parce que j'ai pas envie. Donc soit t'as la chance d'avoir une famille, moi je prends mon cas de figure, hein, ça a été. Voilà, tu as fait l'amour à 24 ans. C'est vrai? Oui. C'est un peu, genre un peu, voilà, c'est bien quoi. Et puis après on a parlé d'autre chose, tu vois. Oui. Alors qu'il y en a, ça aurait été, oula, t'as 21 ans, oula, t'as pas de copine, mais qu'est-ce que t'attends quand même? Faut pas déconner. Mais du coup, c'est en ça, je dis que c'est oui. Ça la pression oui. De la société. Oui, voilà. Parce que c'est ce que tu te mets, mais c'est aussi ce qui. Ça dépend de ton environnement. Voilà. Ah, c'est dans tous les cas, c'est ça. Si ils me disent, tu vis ta vie, tu fais même ce une que société tu à l'envers, même une société à l'envers peut être une société MRC, tu vois. Par exemple, il y en a où c'est tellement libertaire chez eux que les mecs se sentent obligés de se mettre en cadre. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a, c'était tellement rock'n'roll chez eux que moi je me suis marqué dans tous de les suite cas, parce que... De toute façon, c'est comme à chaque fois, les extrêmes, t'as toujours... Qui définissent, oui, voilà. Les bornes. Les bornes, enfin, si t'es trop, on va dire, je dis sectaire, mais c'est pas mais ça, oui, mais si voilà, t'es trop mais... carré, mais il va te dire, bah non, allez vous faire... Moi je suis rock'n'roll, voilà. Je fais ce que je veux. Moi je suis rock'n'roll. Et à côté, si t'es trop libertaire, je dis, bah non, attends... putain, c'est aussi... Oula, ça me fait trop peur, il faut que ça soit carré, parce que sinon... Sinon, on sait pas ce qu'on va devenir. Si t'es au milieu, ils disent je m'en fous. Enfin, pas je m'en fous dans le terme. Bah, c'est ta vie, foutre, c'est mais un peu. Voilà, fais ce que tu veux. Tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Et enfin, pour toute raison de l'action de faire. Et t'es pas jugé. C'est pas parce que tu l'as fait ou non, t'as fait telle là-dessus. Chose ou ouais. Non, que ça change quelque chose. Après, c'est toujours mon. Oula, je vais me marier. Oula, ça va mieux. Ça, c'est un peu. Oula, ouf, ça va, ma vie m'a mieux. Bah, si tu trouves un intérêt, bah, c'est cool. Moi, j'en vois pas, mais enfin, c'est cool pour toi. Bah, heureusement, vu nos situations, les spies en vont, parce que sinon, on n'aurait pas été dans la merde. Mais voilà, c'est ça. Moi, jusqu'à mes 24 ans, ça a été le. Moi, c'était mon coup près, parce que mes parents, je suis jamais rentré à la maison. On m'a dit. Oula, c'est quand la petite amie? Oula, c'est quand que t'as mis la baguette au four? Oula, j'espère qu'il y en a une, tu l'as fait grimper au plafond? Jamais, hein. Pourtant, Dieu sait que mon père, il était un petit peu chaud du. C'était un petit dragueur à l'époque, mais jamais on m'a dit ça. Mais ouais. Moi, jusqu'à mes 24 ans, ça a été un peu le. On a eu des. Enfin, je pense qu'on a eu. Je connais pas ton cas personnellement, mais on a eu des environnements plutôt sains de ce côté-là. Oui, voilà, oui. Toi, c'est à 24 ans, moi c'était un petit peu plus tôt, mais je veux dire, jamais de la vie. Ton père est jamais venu te voir le matin au réveil? Oui, mes parents m'ont parlé de ça. Eh pépé, t'as baisé? Non, pourquoi? Oula, c'est pas bon ça! Là, enfin, après, moi je parle pas en connaissance de cause, mais de mon point de vue, de dire jamais on en a parlé, c'est. Enfin, pour le cas, moi je sais qu'avec mes parents. On n'a jamais parlé de sexe. Enfin, c'est. Non, c'est pas que c'était tabou, mais on n'en discutait pas parce que. On s'en fout. Si tu veux en parler, bah tu en parles et on y répond. Je sais. Enfin, je pense que mes parents sont comme ça. Je parlais d'autres choses. Je sais que ma mère m'a écouté et tout. Mais j'aurais parlé de ça. C'était pas l'alpha et l'oméga. Ok, voilà, c'est. Oh putain, vite! Si tu abordes le sujet, on en discute. Si tu abordes pas, on ne discute pas. Mais c'est pas moi qui vais faire la démarche de venir vers toi pour dire, voilà, est-ce que. T'es assez grand. Voilà. Pour le faire. C'est pour ça que je vois le problème avec ma soeur différemment. Je sais qu'elle a maintenant 14 ans, donc je prends le problème pas à l'envers, mais je lui dis. J'ai dit, il n'y a pas de mal, voilà, il n'y a pas de mal à rien, je préfère, toi, pas. Des fois, nos parents, des fois, ne parler de rien. Oui, c'est un peu. T'es un peu dans le flou artistique, tu vois. Oui, c'est ça, t'es dans le flou et tu dis, oulala, putain, ils n'en parlent pas, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Voilà. Alors qu'à ma soeur, j'ai dit, si tu veux taper des mecs, si tu veux taper des meufs, j'ai rien à péter. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, par contre, j'irai lui casser la gueule. Que ceci est un autre problème. Et j'y casserai la gueule vénère en plus. Alors, histoire de faire un petit clivage, ça serait un frère, ça serait pareil ou... Ah non, mais c'est pareil, Mais j'irai quand même lui casser la gueule. De toute façon, ma soeur est bien incapacité de casser la gueule elle-même. Oui, plus que toi. Mais plus que moi. Mille fois. C'est-à-dire que si un jour il y a un mec. Moi, franchement, j'ai peur qu'un jour elle revienne et me dise, mais j'ai cassé la gueule à quelqu'un. Je lui dis, mais la personne n'existe plus. En fait, elle a plus de nez. J'ai peur. Mais c'est voilà, c'est pas parce que c'est une fille, c'est parce que c'est de la famille, tu vois. Je crois ça, moi, parce que moi je sais que je me suis mis des grosses contraintes, tu vois. C'est que des fois j'allais voir les filles, je me sentais obligé de déballer le sac, tu vois. Oui, tu comprends, je suis puceau, tout ça, enfin, le truc qu'il faut pas dire, tu vois, presque. Waouh, les filles, moi j'aurais bien qu'une fille qui me mette du claque et me dise, Kayate, rien à foutre. On verra après. Déjà, on va prendre les problèmes dans l'ordre. Oui, puis après, c'est pas parce que c'est pas ça ce qui. C'est pas ça qui me définit, voilà. Ouais, c'est exactement. C'est, bonjour, puceau. C'est dans le c'est ça. C'est un autre tableau, ouais. En fait. On en revient au facho. Enfin, on le décrit comme le facho parce qu'il est présenté comme ça. C'est global. Mais c'est pour mieux l'identifier, mais en fait. C'est pas ce qu'il définit. Il serait coco, ça serait la même chose. On dirait le coco, mais son état de fait, c'est que voilà, il est comme ça, et c'est tout. Enfin, voilà, oui, il y a un problème avec la société, et que voilà, il doit répondre à ce problème différemment. Sauf que lui a décidé de prendre le problème bras-le-corps. Après, c'est son jugement que je dis ça, hein, parce que voilà, c'est selon les réponses de chacun. Lui, il a décidé de prendre le problème bras-le-corps, d'autres ont décidé de se scarifier, et d'autres ont décidé de rien faire, rester dans sa chambre à regarder des animés. Et puis aller vous faire foutre, et puis on verra. Hein. Et puis si un jour ça évolue, ça évolue, et puis si ça évolue pas, et puis je regarderai mes animés, et puis voilà. Donc oui, c'est pour ça que ce manga m'a beaucoup parlé. Parce que j'ai fait pas tous les cheminements, je dis que j'ai pas voté facho encore. Hein. Je dis encore, mais c'est plutôt que symbolique. Hein. Je me suis pas scarifié encore. Hein. J'aurais pu couper ma grosse bite, j'aurais perdu beaucoup de sang. Hein. Scarifier la bite. Si ça scarifier la bite, j'aurais perdu à peu près 17 litres. Hashtag taquin. non, mais voilà, j'ai vécu un peu les deux côtés, tu vois. J'ai vécu un peu le truc, oh putain... Putain, faut que j'ai une copine, faut que j'ai baisé, parce que quand même, voilà, baiser, c'était vraiment le mot. Hein, tu vois, à l'époque, c'était, tu cherchais pas le. Oui, c'est pas avoir une histoire d'amour, non, c'est pas le plus. Même si je suis bien tombé, toi, je suis très bien tombé, tout ça, c'était pas la première qui est venue, toi, c'était un peu, allez hop, on y va. Puis finalement, en fait, je me dis, mais à l'époque, j'étais pas con. teubé. Puis même avant, j'y fais complètement teubé. Moi, j'étais trop. Trop focus sur le truc. Oui, bonjour, je suis une femme, j'ai un vagin. Voilà. C'était un peu. Non, bon, après, j'exagère un peu parce que j'étais pas trop quand même. Voilà, je cherchais déjà quelqu'un qui était un peu quand même. J'allais pas prendre. Bonjour, tu as du consentement pour moi? Oh oui. Oh! C'est bien. Oh, viens vite, viens chez moi, ou allons chez toi, ou allons dans un parking, ou allons je ne sais pas où, allons faire l'amour. Ça, l'histoire sera réglée. Non, mais un truc, une fois que ça a été passé, je me dis, mais voilà, pourquoi autant de souffrance? Pour finalement. Pourquoi on se met autant de pression? Enfin, on se la met alors que c'est la société ou c'est l'environnement qui fait. Ah, mais sûr que c'est pas mes parents qui me l'ont mis à ça, c'est sûr, parce que vu ce qu'ils m'ont dit, t'es une copine. Ah ouais? Et c'était Noël, toi, c'était un peu, je leur avais raconté, c'était bonjour, je vais croiser le Père Noël, quoi. Non, mais je sais même plus comment ça s'est passé. Ah ouais, non, mais ils étaient. Ah ouais. Moi, je me rappelle, c'est autre chose. Et toi, tu l'as vu, sa copine? Oui. Et alors? Tu l'as vu, sa copine? C'est une personne de sexe féminin, ouais, a priori. À première heure. Mes parents t'avaient posé, c'était vêtu. Oui, mais il me semble que c'était ta mère. Je devais être seul dans la cuisine à un moment, et fait, alors, tu l'as vu, sa copine? Oui, parce que c'était un peu Noël, tu vois, c'était un peu. On y croyait sans y croire, tu vois, au niveau où on en est arrivé. c'était un peu. C'est l'état de fait, mais un peu. Voilà. C'est un peu ma soeur se rappelle que ma seule copine que j'ai eue, elle m'a engueulé, tu vois. Elle me rappelle que juste qu'elle t'engueule. La tête, j'ai dit, mais tu te rappelles de sa tête? Oh, elle t'a engueulé. Bon, bah, écoute. c'est déjà une bonne chose. Hein. Mais oui, c'est vrai, chez mes parents, ça a été vécu un peu softy, mais c'était un peu. Tu vois, un peu entre deux culs, tu vois. C'était un peu, mais. Bon, après, je suis pas. Mes parents, je pense que quand ils t'ont posé la question, ma mère, c'était. Elle devait s'attendre à ce que c'était vrai parce que je suis pas pipoteur, tu vois. Oui. J'étais pas. Voilà. Mais c'était quand même un peu. Mais c'est vrai. Mais genre. Mais c'est vrai cette histoire. Genre, vraiment, il y a. Vraiment, il s'est passé un truc. Parce que depuis, on m'a jamais reposé une question, tu vois. C'est vraiment le week-end. Je rentre. Oui, c'est comme si. Ouais, je me suis coupé les cheveux. Voilà, okay, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, oui. C'est même plus de symbolique quand je me suis coupé les cheveux, quoi. Oui, vois, oula, dis donc, t'es une femme, tu t'es coupé les cheveux, oula, ça veut dire des choses. Non, mais en fait, je me suis coupé les cheveux. Parce que j'avais peut-être quelque chose à marquer, mais bon, c'était pas une symbolique non plus mirobolante, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'elle a été vécue soft, tu vois. Et finalement, avec le recul, je me dis, mais pourquoi autant de pression, quoi. Pourquoi autant de pression? Et les mecs, c'est ça, si tu veux, qu'au bout d'un moment, en plus, ils n'arrivent tellement au bout du bout, qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est pour avoir des gros seins, ce serait bien. Bon, si elle pouvait te gauler comme si j'ai fait Lorenz, ce serait mieux. Tu vois, et au bout d'un moment, tu... Ah, moi, j'étais rentré dans ce cercle, là, c'est pour ça que... Je remercie les filles que j'ai eues, parce que... il fallait m'accorder de la patience, parce que c'était un peu arrivé. Ouais, non, mais au bout d'un moment, tu vois, si tu peux avoir ça, pour avoir mieux, tu vois. Tu sais, c'est au bout d'un moment, tu te trouves quand même des excuses. La phrase, c'est pourquoi avoir une Mustang qu'on peut... Non, pourquoi avoir une Clio qu'on peut avoir une Mustang? Mais oui, voilà, c'est un peu ça. J'étais un peu arrivé à ce but, tu vois. Moi, c'était un peu. Clairement, No Life, tout ça, quoi. Mais oui, c'était un peu. Je repoussais moi-même l'échéance, tu vois. Mais t'es dit, ouais, mais s'il faut, la fille, elle va pas être bien, tu vois. C'était un peu, au bout d'un moment, ouais, s'il faut, on va pas se marier, presque. Non, mais je voulais pas me marier, moi. Ça, c'était un peu ça le délire, tu vois. Ouais, mais s'il faut, à un moment, elle va mourir. Oui, tout le monde meurt. Donc, au bout d'un moment, il va finir un moment où tu vas pas être bien. C'est normal, hein, sauf si tu meurs le premier. C'est-à-dire que la fille elle vient, tu l'embrasses et tu meurs, enfin, par exemple. Mais c'est pas, à un moment, elle aussi va pas être bien, je pense. Mais voilà, c'est pas safe, tu vois, comme espace. Donc à un moment, j'étais arrivé là, tu vois, c'était un petit peu, ouais, oui, moi finalement, non, mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu recules tellement qu'au bout d'un moment, tu vois plus le précipice, tu vois. Le précipice, tu t'es rassis sur ton canapé. Tu t'es mis bien, tu fais ouais, non, mais finalement le précipice il est là-bas, il est loin. Quand on est au pied du précipice, il faut faire un grand pas. Ouais, c'est ça. C'est au pied du précipice qu'on voit mieux le précipice. Non. Mur qu'on voit le mieux le mur. Oui, ça oui, mais il y avait un politique français qui avait dit c'est au bord du précipice. Ah oui, qui est. C'est un peu genre il faut mettre un grand coup de frein à l'immobilisme. Ouais, c'est la même chose, t'as réfléchi un petit peu avant de le dire, parce qu'il y a des sons cachés quand même, mais Donc après, suicidez-vous, qui disait, suicidez-vous. Donc voilà, c'est un peu, donc du coup, ce livre, ça a été un peu une sorte de reflet, exagéré quand même, parce que je ne me suis pas scarifié, je n'ai pas tenté des parties fines avec des hommes dans des boîtes, même si l'idée m'a peut-être un petit peu traversé. Je vais pas mentir, mais au moment je me suis dit bon. Après, sur les personnages qui sont abordés, c'est pas une caricature, mais un stéréotype de chaque élément, en fait. Ouais, c'est, en fait, on va vraiment jusqu'au bout du truc. C'est vraiment, ouais. Les mecs, on les représente mal, parce que, de toute façon, vu comment on va, bah, vu qu'on va avoir parlé d'eux, c'est pas grave. Représenter mal, je suis pas sûr. Ouais. Mais fait, un graphisme, graphiquement, je vous dis. Ah oui, non, oui, oui, mais après, c'est, ouais, graphiquement, ouais. C'est une autre c'est façon prix, de voir. C'est, ouais. C'est une partie prise, c'est le dessinateur qui est comme ça, etc. Mais oui, dans le dessin, on est dans la caricature. Dans le dessin, oui, clairement, parce qu'il y en a, ils ont vraiment des têtes, enfin tu vois que c'est caricature, mais au niveau de leur personnage, enfin moi je prends tel quel, c'est peut-être un petit peu romancé, il y a peut-être des trucs qui sont rajoutés un petit peu pour faire bon. Oui, mais après cru justement dans cet aspect là, mais c'est vraiment en fait bah t'as une catégorie, en fait un stéréotype qui est fait, un cliché qui est fait, en fait. Tu vas voir le premier, le gros connard. Mais c'est lui-même, mais voilà. Enfin, c'est l'ego. Mais certains, il y a des déclinaisons, c'est ça qui est drôle. Et t'as, ouais, voilà, t'as des, pas des sous-catégories, mais t'as des étapes ou des stéréotypes. Mais selon comment tu vis le truc, tu vois. C'est ça, en fait. Genre, tu vis, bonjour, je suis vierge, bah. Bonjour, je suis vierge, oh putain, bordel des mers. Le plus. Pas forcément triste, mais celui qui a une histoire, je trouve, la plus triste, c'est. Enfin. L'acteur porno puceau. Oh, oui, mais lui, c'est... Celui-là, quand j'ai lu, c'est. Mais. En plus, lui, il est destructeur, mais pas physique. Ouais. Lui, c'est son mental qui s'écroule. Ouais, mais du coup, je comprends pas pourquoi tu l'appelles destructeur. Enfin, il se détruit pas lui-même. Oui, bah, y a... Enfin, le destructeur, le mec qui se scarifie, oui, complètement. Ouais. Lui, non, en fait, c'est juste qu'on se fout de lui. Ah oui, mais complètement, mais oui, mais en plus il tombe dans un cercle en plus un peu. Enfin, moi je trouve son cas un peu compliqué. Ouais. Dans le sens où c'est pas sa virginité qui le définit par rapport aux autres. Ouais. C'est plutôt son. Enfin. Je me souviens plus du truc, mais c'est son sweet célébrité, en fait. Oui, en plus. Il est plus dans une volonté de devenir célèbre plutôt que dans une volonté de perdre sa virginité. Ouais. Pour ça, je l'ai mis un peu à part, moi, ce cas-là. D'autant plus qu'il est très funeste, lui. Donc. Il est très fort, il a une histoire un peu funeste, il est basé sur une histoire vraie, comme tous les autres. Ouais, voilà. Mais lui est fort, voilà. C'est la plus tragique. C'est la plus tragique, parce que c'est celui qui meurt à la fin, quoi. Voilà. Ouais, émotionnellement, tu dis, ah ouais... Il en meurt, quoi, de son truc. Mais je sais pas si c'est de sa virginité, enfin, de son souhait de perdre sa virginité qui meurt. Pour moi, c'est plutôt ce qu'il détruit psychologiquement, c'est son souhait de oui, voilà, tu de vois, popularité c'est... et de devenir quelqu'un de célèbre. Tout simplement, en fait. De devenir quelqu'un aussi. De pas devenir tout quelqu'un, tout simplement, oui, si tu veux. Voilà, aussi, c'est... Je pense qu'aussi, c'est très normé. Parce que, aussi, dans une société, tu es... Bonjour, tu es un papa. Oh oui, tu es un papa. Oh oui, c'est bien, ça. Tu es un papa. Et toi, tu es quoi? Tu es un célibataire, oula, c'est un peu moins bien, ça, c'est moins... Ça dépend de l'âge, mais oui. Oui, voilà, mais je pense que vous comprenez aussi, on n'est pas bête dans ce podcast, on n'est pas trop... lui, il est un peu le cul entre deux chaises, tu vois. En même temps, il veut devenir célèbre, mais en même temps, cette célébrité reflète aussi le fait d'être reconnu pour lui. Oui. Tu vois, c'est aussi à la fois le personnage, mais à la fois lui. En tant que tel, donc c'est vraiment bonjour, c'est pas si t'allais voir quelqu'un dans la rue, bonjour, ou au boulot, tu vois, bonjour, je ne suis plus vierge. Ah, oh là, ouf, tu vois, tu me dis ça, autant te dire que je ris pas dans ce bois. Je me dis putain, mais mec, mais quelle idée, ou la meuf, hein, je m'en fous, quelle idée, lui, de me dire ça, quoi, tu vois, c'est, mais vraiment, le mec, ça lui pèse, tu vois, lui, sur les épaules. C'est pour ça que je dis que ça le détruit psychologiquement, lui, c'est qu'au bout d'un moment, l'autre, il se scarifie parce qu'il. Tu vois, mais sexuellement et tout, voilà, il a besoin d'extérioriser sa douleur, alors que lui, c'est, mais ça se ressent à la fin, c'est-à-dire que le mec devient complètement... Voilà. Après, ouais, est-ce que... Enfin, là, après, on rentre dans d'autres considérations, mais... Donc, oui, c'est lui qui est atteint aussi d'une maladie neurologique qui fait qu'il y a sa langue qui... Oui, voilà, est-ce que c'est le fait de l'un de l'autre, voilà, ou... C'est au début, enfin, je sais plus si c'est une cause ou si c'est un constat de base, en fait. Non, voilà. C'est là, on sait pas. C'est là où on peut se poser la question. C'est justement, c'est là où je veux dire, c'est... Est-ce que c'est lui, enfin, mentalement... Il se dit, voilà, j'ai tel problème, et du coup, qui fait qu'il a mentalement, ce problème-là, neurologique. Ou est-ce que, enfin, c'est, voilà, dans tous les cas, il aurait eu ce problème-là, neurologique, Et dans tous les cas, il aurait eu ce problème. Ah, c'est là où, en fait, c'est difficile à comparer. Ouais. Parce qu'en en fait, on ne sait pas, on ne peut pas forcément savoir. On ne peut pas savoir mais... si c'est une cause à effet ou c'est un fait établi. Voilà, à tel moment, il aurait eu ça dans tous les cas. Et c'est pas dû à ça. Et puis, c'est là où c'est. Mais du coup, ça le dessert. Ah, complètement, bah oui. Dans sa vie. Alors que, bah. Enfin, c'est. Bah lui, en plus, c'est. Il y a ce truc de visible, tu vois. Alors que certains, tu vois, ils deviennent aigres. Tu vois, le premier ou le dernier, qui est très malaisant aussi, le dernier, il est. Alors, du coup, quand tu dis le dernier, c'est celui qui est dans la partie dans les bonus. Ouais. Ouais. Oui, non, qui, qui est vraiment. Lui, il est chaud l'astico. Lui, franchement, il m'a failli faire dégueuler. C'est. Ouais, c'est le. C'est celui qui tripote les mamies. Ah, mais c'est celui du début. Non, c'est un autre en fait. Qui a un miroir, qui a un miroir du premier en fait. Donne-lui. Qui a un miroir du premier en fait. Il ressemble beaucoup, j'ai l'impression. Oui, bah, ouais, c'est les mêmes. C'est le même profil en fait. En fait, dans l'histoire du début, donc quand il gère le. L'EHPAD. L'EHPAD. Ouais, il est tombé sur un cas. En fait, il tombe sur le premier cas. Et la version gratinée. Il y a la version. Ouais, non, mais lui. Ouais, c'est genre, bonjour mamie, je vais te laver, mais. Oh putain, mamie. Je suis bien content de te laver. Il lave mamie, mais il lui lave surtout les. Les gants de toilette. Parce ouais. que... Et puis, si tu veux, mamie, en plus, mamie, elle est plus en condition de savoir où est le nord et le sud. Mamie, elle est c'est un ça. Peu. C'est ça, et la position. Enfin, là où j'ai trouvé assez. Équivoque. Dur, ouais, non, dur. C'est que j'ai plus le nom du journaliste justement. Nakamura, monsieur Nakamura. Nakamura, où il l'a laissé faire. Enfin, c'est là où je me dis, c'est. Putain, ouais, c'est mais. Fou, c'est encore une fois le sociétaux normé. C'est parce que, au début, parce qu'il prend le temps de te raconter que on n'a pas le temps de former les gens, on n'a pas le temps non, de. Non, mais c'est pas ça que je dis. Ouais. C'est. Tu constates quelqu'un qui vole. Ou autre, enfin, t'es dans oui. ton magasin, t'as quelqu'un qui vole, tu fais en sorte, si c'est ton employé, tu dis, je te viens parce qu'il y a quand même quelque chose. Mais les là, mecs. Là, il le dit, il a rien fait. Mais oui, mais c'est les mecs. Ouais, mais c'est là, c'est moi, ça m'a plus choqué. Vraiment. Dans quelles conditions. Mais attends, t'as laissé faire ça. Enfin, t'as démissionné. Parce que les mecs sont. T'as laissé faire ça, c'est. Enfin. Mais ça l'a aussi. Ça l'a un petit peu. Pas traumatisé, mais ça l'a un petit peu fait réfléchir. Il dit qu'il a abandonné cette expérience de directeur de centre. Il a fermé son centre, ou je sais plus quoi, parce que. Ouais, et puis t'as le sociétaux normé, encore une fois. Il serait hors du tout, aujourd'hui. Mais quand t'as du mal à trouver des gens aussi, Parce qu'à un moment aussi, il a pas le choix, parce que. Il y a personne pour ce boulot. Seul en emploi. On lui propose que des choses. Par exemple, je viens de te. Eric, je vais venir quelque chose chez toi. Bonjour, est-ce que tu vas faire que j'encule toi ou Gonal 81 Pardon, Azertov, bonjour, est-ce que vous voulez que je vous encule à vous ou Gonal 81? Bon, après, je ne présume pas de tes préférences, hein. mais tu diras, je pense. Je vais te proposer par exemple entre 10€ et 100€, qu'est-ce que tu préfères? Je pense que tu prendras 100€, hein, si je te propose de but en blanc. Hein, je te propose pas, il n'y a pas d'entourloupe. Enfin, il n'y a pas de. Non, mais justement, il n'y a pas d'entourloupe. Moralement parlant, on me donne 100€, c'est clean, il n'y a pas d'histoire. Là, clairement, le. Oui, mais sauf que le problème du mec, c'est que lui, il va falloir qu'il retrouve quelqu'un, qu'il la reforme, etc. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu c'est l'effet un peu dominant. Oui, tu le fais une fois. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est ce qu'il dit au début, c'est ce qu'il dit que les mecs, c'est le tout venin du tout venin. Donc, au bout d'un moment, il les vire une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, tu deviens démissionnaire de ta propre vie. Tu retombes tout le temps sur le même profil. Quoi. Voilà. Oui, mais c'est là que je trouve, dans cette histoire-là, c'est moi qui l'ai mal perçu, mais justement, il n'y a pas le côté où j'étais obligé de le garder. Le mec était en propre révolte. J'ai déjà eu plein de cas similaires où je les ai virés, et celui-là, entre guillemets, je l'ai gardé. Ouais. Justement, j'ai pas perçu cet aspect-là quand il reporte les infos. Je pense que c'est plus entre guillemets, je pense. Je sais plus si c'est dit comme ça ou pas, mais il dit que outre ça, le mec fait plutôt du bon boulot après. Aussi, je crois. En fait, cette partie-là m'a tellement choqué ou était tellement mis en avant que tout le reste, en fait, j'ai. Je pense que c'était exprès. Oui, mais ouais. Mais ouais, c'est vrai que je te passe un après, c'est plus un débat moral de tu fais une petite connerie alors que tout le reste est bon, est-ce que tu le gardes alors que même si c'est une petite connerie mais qui a quand même son importance, est-ce que tu. Enfin, C'est, enfin, c'est difficile de. Et tu, enfin, c'est faire des concessions sur sa propre éthique, oui, non, et mais sa morale. C'est ça. C'est compliqué. Ouais. Oui. C'est exactement. C'est, surtout enfin... ce que c'est en plus, d'autant plus, c'est la mamie. Tu dis la mamie. Bah, et... La mamie, elle est aux fraises. Hein, mais la mamie, elle est aux fraises complètement. En plus. C'est la mamie, elle est aux fraises. Ouais. Voilà. Tu te dis. C'est un dilemme moral. Là, voilà. Oui, non, mais complètement. Enfin, mais enfin, du coup. Mais voilà, mais qui est voilà. Qui est par rapport à son propre référentiel, c'est-à-dire que lui, il est directeur, oui. Voilà, je pense qu'en légitimité, il aurait bien foutu dehors, mais je pense que dans l'état de fait, il se dit, bon, ben, est-ce qu'il faut retrouver quelqu'un, est-ce qu'il faut inculer, et qu'au bout d'un moment, bon, ben... Est-ce que ça fait la 10e fois, la 100e fois qu'il vient justement ce type, de profil, entre guillemets, voilà. De profil. Parce que les mecs en ont fait, faisaient rien, ou je sais pas quoi, donc tu dis, au bout d'un moment, ben, ouais. C'est sordide, hein. C'est sordide. Hein. Oui, non, mais oui. Mais oui, c'est. De toute façon, enfin, on le dit quasiment depuis le début, mais le. Entre guillemets, mieux, ça reste toujours le fachon, en fait. C'est le. C'est enfin, c'est celui qui a le. Qui apporte le plus d'espoir, enfin, l'espoir. Mais il en apporte, hein. Non, mais qui, il en apporte, hein. On rigole, mais oui, il en apporte. Oui, hein. C'est le meilleur profil de tous, en fait. Bah, c'est. En fait, celui qui est ni destructeur. C'est celui qui le vit le mieux. C'est ça, voilà. Et que lui, il a décidé de le. Mais en fait, c'est surtout ça. En fait, c'est lui qui a dit maintenant, en fait, je prends les choses en main. Voilà. Et c'est bizarre. Et bizarrement, il est au milieu du tome. Je pense que c'est pas fortuit. Hein. Parce que s'il est au milieu de la BD. C'est vrai que maintenant que tu dis, il y a le premier cas, et l'étudiant, et ensuite il y a lui. Oui. Mais après, après les bonus, tout ça. Donc, si t'enlèves les bonus, il est au milieu quasiment. Ouais, donc oui. Donc je pense que s'il est au milieu, c'est pas innocent. Pour moi. Ouais. C'est que vraiment, c'est que bizarrement, que ce soit la personnalité la plus dérangeante aussi en tant que telle, parce que bah, on se présente, bonjour, je suis nationaliste, les Coréens allaient vous faire enculer par exemple, je me dis ça comme ça, hein, parce que c'est pas près ce qu'il dit dans le texte. Hein. Ah bah, ce qu'il dit dans le texte. Voilà, et je pense que c'est pas gratuit non plus. Je pense qu'aussi il y a une sorte de reflet. Parce que finalement, les autres sont pas dérangeants en fait. L'acteur porno, mais il meurt dans son coin, c'est pas grave. Finalement, hein, ça fait du mal qu'à ses parents, ça fait du mal qu'aux gens qui étaient à côté, mais c'est un dollar en fait. Je comprends ce que tu veux dire, mais enfin. Je te le raconte but en blanc. Hein, je te le raconte, pour moi, tout est un drame dans ce livre. Mais après, c'est pas le même effet. Ouais. Parce que, enfin, du coup, si tu compares entre le facho et l'acteur porno, voilà. Les Noméga ainsi, le facho, il essaye de céder alors que l'acteur porno, on l'aide pas, il est toujours pris pour un con en plus. Parce qu'il est pris dans les scènes où, allez bien, tu vas tirer, mais en fait, non, en fait, t'es juste un ressort comique. C'est vrai que, comme disait Astou tout à l'heure, son histoire est très compliquée. Son histoire est. C'est un imbriquement de beaucoup de choses. C'est ça. C'est très compliqué d'en tirer une morale. Il est dans une spirale. Enfin, une spirale de destruction mentale ultime. C'est pour ça que c'est le pire, parce que finalement, celui qui se scarifie lui-même. Alors que lui, en fait, il est entraîné dans une sorte de spirale où, en fait, mais les mecs, mais c'est ça, il vient au tournage, mais les mecs se font un plaisir de le tourmenter, tu vois. C'est ça. Oui. Voilà. Donc lui, en fait, c'est même pas du plus voulu. C'est que lui, en fait, on l'a vraiment poussé dans la panne, tu vois. C'est les autres, en fait. Voilà. C'est le seul personnage de tout le manga où des gens extérieurs. Le pourri, ça, ouais. Le pourri, c'est. Viennent se moquer, en fait, de sa virginité et en jouer. Mais méchamment, vraiment. Ouais, parce que le premier, si tu veux, c'est sa mère qui l'entretient dans son délire, en fait. Le premier, il masque les pieds, il nettoie les pieds, tout ça. C'est pas méchant. C'est pas fait pour lui nuire, mais ça lui va. T'as envie de lui dire à la maman, non, mais là, je suis la grappe, au bout d'un moment, faut que le mec il grandisse un peu, tu vois. Faut lui occuper le cul. Mais c'est pas méchant par rapport à elle, c'est pas alors que celui qui fait du porno, c'est vraiment c'est méchant, c'est vraiment parce que c'est un milieu difficile et du coup les mecs ils trouvent comme la seule exutoire de se foutre de la gueule du mec qui est un peu voilà, tu comprends bien, puis le mec en plus rentre en scène porno et dit bonjour je suis vierge, autant te dire que les mecs c'est du pain béni quoi, les mecs en demandaient pas tant, enfin, les mecs ou les meufs hein, parce que dans ce métier quand tu vois celle qui le rejette aussi de la façon qu'elle lui dit moi, je sais que je ne l'aurais pas trop apprécié. Par exemple. Donc, ouais, c'est pour ça que moi, je l'ai vraiment apprécié. Alors, voilà, c'est pas Naruto. Je regarde s'il y a toujours de la batterie, surtout. Ouais. Ah, mais on gagne encore sur la batterie, c'est vrai d'ailleurs. Pas... Bah oui, c'est pour ça. Oui, on est bon quoi, sur la batterie. Donc, c'est pas... Donc voilà, c'est un manga, ce n'est pas Naruto Toto. Ce n'est pas One Piece U, ce n'est pas Dragon Ball U, ce n'est pas Attache-moi. C'est un manga, je pense que quand on s'y lance, c'est pas gratuit. Hein. C'est pour ça aussi que je l'ai passé, parce que je me doutais bien que derrière ce truc, il y avait quand même quelque chose d'assez fort. Bah non, oui, dans tous les cas, en fait, vu que c'est... C'est un vrai reportage, là. C'est, vraiment, c'est ça, voilà. C'est du reportage. Donc ça te... Enfin, tu prends n'importe quel reportage. Ouais. Pas trop romancé ou voilà qui te démontre voilà c'est ça. Ah bah lui très butin blanc. C'est limite on pose la caméra, vas-y. Montre-moi ce que tu fais. C'est ce que je voulais citer tout à l'heure, c'est ce côté striptease. Oui. Voilà, c'est on te laisse presque. L'auteur c'est ça qu'au début j'avais du mal au début avec le ton parce que c'est un ton froid un peu tu vois c'est pas on pourrait presque dire oh le pauvre homme il est puceau. C'est pas romancé c'est voilà. Voilà c'est l'état de fait voilà on vous présente telle personne il est puceau il voilà, est grand il est profil, voilà. Voilà. Et on vous montre comment il vit, mais voilà, c'est on pose juste la caméra ouais, et lui il côté, vit oui, sa vie quotidiennement sans faire attention à la caméra, sans c'est surjouer, ça, sans jouer. C'est ça. Et après dans un deuxième temps, t'as une sorte de débrief avec un texte de 3 pages voilà. Où tu débriefes un petit peu sur la situation du personnage. Mmh. Oui, c'est pour ça qu'il a toujours une certaine empathie, on va dire. Et globalement, surtout par rapport à celui qui fait du porno, parce que lui, quand même, ça, c'était quand même, je crois, le strange goal de la vie. Et bizarrement, c'est aussi celui qui, dans le temps, qui est le plus daté dans le temps aussi. Dans le temps, je crois que lui, il est des années 90, je sais pas quoi, c'est l'un des premiers, visiblement, où, parce que c'est ses parents qui lui racontent cette histoire, en fait. Non, bah, c'est non, monsieur non. Nakamura qui raconte l'histoire du mec. Ah, de lui dit oui, qui dit qu'il l'a rencontré, qu'il le connaissait, et que, voilà, et que de par le traumatisme d'avoir appris son suicide à oui, c'est vrai, oui. Il dit qu'il a eu envie de raconter son histoire et de transmettre un petit peu cette histoire qui l'avait choqué au final. Bah, parce que c'est quelqu'un que. C'est quelqu'un qu'il connaissait au final, quelqu'un qu'il avait interviewé, qu'il avait eu l'occasion de rencontrer, de tout ça, quoi. Le plus marquant dans cette histoire là c'est que il apprend sa mort au détour d'une conversation random et il fait ah il s'est suicidé quoi oui c'est ouais vrai. Et ouais. Moi ça putain enfin dans tous les jours on rencontre des gens enfin on vit notre vie on les voit plus et on les suit et oui et voilà l'apprendre ouais. Comme ça juste comme mais ça de but en blanc c'est vraiment c'est juste ça, oublié, en fait entre le enfin je sais plus l'expression entre le fromage et le pain ou entre le voilà, fromage et le dessert entre le fromage et le dessert en fait machin truc et là tu fais enfin il dit pas vraiment quoi das coup ouais c'est tu justement je pense que le fait de l'apprendre comme ça lui il a dû le digérer différemment le digérer et dire attends il faut que je me pose 5 minutes faut que je vois un petit peu peut-être plus ou que j'aille vérifier ou que je prenne des nouvelles ou des oui parce que quand on dit quelque chose suicidé c'est vraiment voilà tu dois pas le vivre tu dois assez mal le vivre là c'est quelqu'un que tu connaissais puis quelqu'un se suicide c'est pas anodin c'est bah oui après voilà c'est pas bonjour j'ai eu un cancer voilà c'est ça mais dans le contexte où il savait voilà plus forcément de nouvelles et qu'on t'apprend que la personne est décédée le décès d'une personne quelle circonstance pas tu dis t'as peut-être des choses que t'aurais fait autrement enfin on l'a tous plus ou moins vécu je pense on dit j'aurais peut-être pas dû faire ça peut-être aller vers lui plus souvent ou reprendre de ses nouvelles après la vie fait qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire oui mais enfin l'apprendre comme ça ouais c'est le truc le plus j'avais oublié ce détail oui voilà, et après je crois que c'est la famille du dessin du coup oui qui le raconte voilà, il a un peu interviewé il a rencontré là. Oui que si je deviens pas star voilà c'était vraiment ce souci de célébrité qui le de reconnaissance je pense même plutôt il voulait s'être surtout vers la fin en fait moi j'ai plus et quand le délire va de plus en plus se crescendo justement il a eu son problème neurologique fait qu'il avait toujours la langue qui pendait c'était où il avait besoin de reconnaissance même avant puisque dès le début on t'expose le personnage comme étant en recherche de reconnaissance il fait les castings genre de la nouvelle star des trucs comme ça c'est ça tout le temps quoi mais ça va moi j'avais peut-être conscience de ça mais à partir du moment où on dit il avait un problème neurologique il avait la langue qui pendait moi j'ai plus vu ça justement où il avait besoin d'être reconnu vraiment plus qu'au début. Mais ça va crescendo, voilà. C'est-à-dire que son problème neurologique est induit, je pense que voilà. C'est pas, ce problème neurologique n'est pas gratuit. Je pense. Bon, après, c'est. Voilà. On a supputé tout à l'heure, parce que là. Voilà. Bah, c'est. Enfin, c'est là où on. Fin... Le problème de l'œuf et la poule. Voilà, c'est ça. C'est, est-ce que c'est. Enfin, oui. Enfin, l'œuf ou la poule, non. Mais c'est. Est-ce que c'est cause à effet, quoi. Oui, bien sûr, c'est l'œuf et la poule. Hein. Et qui arrive en quoi ? Est-ce qu'il aurait eu quand même ce problème sans. Vous veux dire qu'il aurait tapé. Il se serait tapé sa Sega de Mosée, ça, par exemple. Hein. Un truc arbitraire. Oui. Il aurait eu quand même. Ou pas, par exemple, hein. Est-ce qu'il aurait été, est-ce que ça aurait été, ça serait devenu le nouveau, je sais pas, par exemple, Toriyama, est-ce que sa vie aurait été mieux, est-ce qu'il aurait pu eu ce problème quand même ? Il y a une question. Parce que c'est pareil, ce qu'il faut savoir avec la reconnaissance aussi, la célébrité, tout ça, c'est, au bout d'un moment, t'es toujours sur un escabeau, et t'es toujours à ton niveau. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a plein de stars, des fois on se dit, waouh, comment, par exemple, Christophe Rocancourt a fait pour arnaquer des stars. Mais c'est qu'en fait, que chacun est à son niveau, en fait. Lui, les stars, elles allaient le voir. Wow, le mec, il est trop balèze, il me fait des placements de folie, je sais pas quoi. C'est trop l'alifo, c'est trop bien. Ben, le mec se faisait arnaquer quand même. Nous, on voit Will Smith, on fait, waouh, trop bien. Mais le mec se fait arnaquer quand même. C'est pas dès le début, mais voilà, c'est... On te décrit le personnage comme... c'est un filigrame, c'est ça, c'est quelqu'un un filigrame. Ayant beaucoup de succès dans ses études et tout. Oui. Et il a une sorte de déclic au moment où il a son premier échec. Ah, c'est la spirale infernale. C'est à ce moment-là qu'il rentre dans une spirale où il devient un peu ouvrier sur des chantiers, des choses comme ça. Hein, et il se dit, non, mais moi, je veux devenir quelqu'un de la haute société. Ce qu'il dit, qu'il veut devenir quelqu'un de la haute société. Oui, en plus, plus il descend, plus il veut monter. Ça voilà. Aussi, c'est un peu le... C'est ça. Et là, du coup, sur cette même page, où t'as là où il a un moment avec un patron et t'as deux autres collègues, enfin... Où il s'imagine qu'en faisant partie de la haute société, entouré de deux belles femmes. Et graphiquement, en fait, tu vois que ces deux autres collègues sont propres, bien faits et tout. Lui, tu vois, il a les épaules un petit peu baissées par rapport aux autres. T'as, moins confiant. Moins confiant, grosse lunette, C'est pour ça que M. Nakamura dit que les personnages sont créés en vérité, quoi. Tu vois que sans voir les textes et les bulles, tu identifies directement cette personne-là sur le dessin, comme quoi il y a quelque chose ou c'est lui qui a un truc en plus. En plus. Parce que le dessinateur, donc Monsieur Nakamura, qui était le reporter scénariste, et le dessinateur qui n'avait pas forcément conscience du physique des gens. Il les a retranscrits de manière très criante, a priori, d'après M. Nakamura, en leur disant mais c'est fou comment il a réussi à interpréter, parce que c'est vraiment eux, quoi. Sans les connaître personnellement, il a réussi à les dessiner, mais c'est eux. C'est ça, oui, qu'il disait qu'à quelques exemples près, c'était vraiment criant, mais vraiment. Et oui, c'est ça qui est fort aussi dans ce manga, aussi, c'est graphiquement, voilà, c'est le dessin est un peu spécial par contre, un peu kiffé. Ouais, très caricature. Ouais. Mais une fois que t'es dedans, tu sens vite le malaise s'installer, c'est-à-dire que le premier personnage te met directement dans l'ambiance. Lui, c'est vraiment le déchet, hein. Vraiment, je pense que si on peut trouver un mot, malheureusement, c'est vraiment le déchet qui est irrécupérable, c'est-à-dire que le mec a dépassé un certain âge, il a 47 ans, je crois, un truc comme ça. Lui, il est vraiment, lui, on l'a mis sur la rampe à Walibi, il est parti, tu vois. Hop là, il est mort 4 ans le premier cas. Ouais, voilà, il est parti, tu vois, alors que les autres, quand même, au fur et à mesure, même, tu trouves de l'empathie un peu, tu vois. Alors que les premiers, derniers... Lui, tu le détestes. Oui, voilà, parce que tu... J'ai envie de le détester, en fait, parce qu'il est, il est ignoble, quoi, ce mec, sa mère le pousse au pinacle. C'est là que je pense que c'est encore même plus ça qui te donne envie de. Il dit putain, mais t'as envie de lui dire à sa mère, t'as envie de lui foutre une gifle, il dit putain, mais ton fils c'est un déchet quoi, tape-le quoi. Ton fils c'est un déchet, tape-le quoi. Le mec il sert à rien quoi. T'as envie de dire ça quoi. Son truc t'as envie de dire à sa mère quoi, tu vois. Alors que les autres, tu vois pas trop les. C'est le seul où tu vois vraiment la famille aussi à côté. Oui. Voilà. Mais je pense que tu vois, que le facho il soit au milieu, que ça ce soit la famille. D'un quelconque membre de sa famille, parce que les autres... Oui, parce que les autres, c'est vide. Éloignés, quoi. C'est vide. Ils n'ont pas plus forcément beaucoup de contact avec leur famille. Je pense qu'au mec qui est isolé, qui regarde des mangas, qui regarde des animes. Il dit que sa famille, ça fait longtemps qu'il les a pas fait. Ouais, ouais, ouais, qu'il les a pas vus et qu'il les évite. Et tout c'est un lointain souvenir. Voilà. C'est-à-dire, on passe d'un coup de main comme ça, et puis. Donc voilà, pour moi, c'était. L'imposé, c'est. Quand je l'ai lu, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit. L'imposé, ça impose. Hein, c'est un petit peu jeu de mots de merde, hein, mais voilà. L'imposé, ça impose. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose à en dire. Et je pense que. J'ose pas voir l'heure qu'il y a marqué sur le. Je sais pas, on a fait le tour du cadran, donc. Par là, quoi. À part là, ouais. Là, je suis à 28. Ah oui, enculé. Ouais, là, il y a marqué 24. Hein. Ah oui, on a fait le tour. On a fait le tour, quoi. Là, il y a marqué 1h24. Hein. Ça, on a fait le tour, quoi. Oui. Bah, oui. Ah oui, non, mais heureusement qu'on est que 4. Fait que 3. J'ai parlé de ma bite à 4. Il y a le verre à Tocheux, donc. Voilà. Non, je parlais de ma bite. Donc voilà, c'était. On va finir par récapituler quand même, parce que je pense que les gens ont tellement digressé qu'ils ne savent pas. Donc, c'était La virginité passée 30 ans, souffrance et désir au quotidien. Et donc, c'est chez Akata. Chez Akata, du coup. Voilà, qui est une très bonne maison d'édition. Bon, oui. Je cherchais les mots, mais. Mais, enfin, je recherchais tout à l'heure. Oui, c'est eux qui ont fait le bateau usine, tout ça. Non, mais c'était pas ça. C'est je le. C'est que. C'est pas des indépendants. Akata, c'est rattaché à. Oui, mais. Je suis pas sûr. Parce que avant, il n'y avait pas Asuka. Ah oui, non, mais Asuka, c'est Kaze. C'était Kaze. Oui, c'était racheté. Ouais, ça. Enfin, parce que les premiers Ken survivants. C'était une branche, mais ouais. Qui a été après. Ouais, parce que les premiers. Ouais, au couteau Noken, les premiers c'est Asuka. C'est Akata, ils sont pas rattachés à qui tous, ouais. Ils sont pas rattachés. Au vu ce qu'ils sortent, truc what the fuck de chez What the Fuck. Bah, ils ont une collection What the Fuck, et après ils ont très orienté shoujo aussi. Hein. Ouais. Ils sortent beaucoup de trucs shoujo et josei. Ouais. Et on va dire qu'en termes d'orientation, ils sont bien. Hein. De toute façon, déjà ça, je vois pas qui aurait sorti ça. Oui, non, mais enfin. Franchement, sans déconner. Après. Qui aurait pris le risque à l'éditorial de sortir ça. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Ça peut être justement une branche. Ah oui, oui. D'une ah, oui, maison oui. Mère qui dit, voilà, ça, c'est vraiment pour un parti, qu'on va dire, un public particulier, du coup. Ah oui, mais après, c'est qu'une question de volonté. Hein. Mm-hmm. Une question de volonté. Hein. Mais après, moi, je pense que dans le paysage là. D'Atelier 2013, séparation Delcourt Ataka. Donc, c'est la maison mère au début, c'était quand même Delcourt. D'accord, j'étais rattaché à Delcourt. Et c'était une partie de Delcourt. Oh, bah, ça fait quelques années que ça a décollé. Hein. Enfin, ouais, attends, moi, ouais, ça fait 2-3 ans que j'ai voyé. Apparemment, d'après Wikipédia, en 2013, ils sont partis de Delcourt. Sur leur site. Hein. Ouais. Truc. Ouais, parce que moi je vois pas beaucoup de maisons d'édition qui auraient pris ce risque de faire un truc comme non, ça. Le Lézard Noir peut-être à l'arrière parce qu'ils sont des trucs un peu chelous, mais c'est des trucs un peu. C'est des trucs plus. Vintage plutôt. Ouais, c'est plus vintage. Ouais, toi, eux, je pense qu'ils auraient. À l'arrière, ceux qui avaient sorti La Fille de la Plage, parce qu'une fois que tu l'as vu, tu dis ouais, une culée. Je pense qu'un jour je parlerai de Asano aussi à long, à large et à travers parce que. Autant te dire, un manga où quelqu'un mange du caca à un moment, ça m'a un peu traumatisé. On n'a pas compris qu'est-ce qui se passait sur oui, cette image. On sait toujours pas que j'espère voir l'auteur un jour pour lui dire What is it? It is caca? Bonjour, Inyo Asano-san. Putain, mais je pense que je meurs de toute façon. Donc, ouais, d'après leur site et la page Qui sommes-nous, ils sont bien indépendants. Ouais. Ouais parce qu'ils sortent des trucs, il y a ça mais il y a des trucs assez beaucoup ouais, chelou, enfin voilà. le fait de sortir des trucs pour moi ça veut rien dire hein. oui tu regardes enfin Pika sa branche Seinen enfin tu te dis des fois et qui c'est qui peut sortir ça la branche Senpai c'est ça Senpai oui ouais plutôt enfin quand tu sais pas il y a quand même des trucs qui sont un petit peu chauds et bah, regarde Nobinobi c'est Pika hein. Oui ouais. Voilà enfin c'est tu le sais pas si tu vas pas voir leur page contact hein, parce que ouais. Tu regardes leur page contact tiens c'est bizarre l'adresse c'est nobinobi@pika.fr oui voilà donc oui mais ouais bon, après c'est pour ça après le fait que qui peut sortir c'est pour ça là je voulais vraiment savoir si c'était un voilà. Truc une sous-branche oui. Qui voulait vraiment cibler ou enfin non après faut voilà faut recontextualiser il y a chelou là quand même on est quand même au niveau enfin le bateau usine enfin qui va sortir un truc on ça parle de enfin pas c'est presque du syndicalisme le bateau usine pour l'avoir lu c'est quand même assez voilà enfin de nos jours enfin je parle oui. Franco-français en termes de BD enfin tu peux avoir Vaum Vroom, tu peux avoir Futuropolis, tu peux avoir cette thématique-là. Oui, voilà, mais après un manga, voilà. Je veux dire aussi. Enfin, oui, ouais. Enfin, c'est. Enfin, Pour moi, ça veut rien dire en manga. C'est en, en BD. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est ah oui, non, toujours mais... des trucs voilà. Sortis. Voilà, je te parle des trucs. Moi, moi je te parle vraiment de trucs qui mettent les. Qui mettent les deux pieds dans la mare, quoi. Vraiment, pour moi, c'est plutôt ça. Parce qu'après, il y a quand même pas mal de maisons d'édition, il y a des trucs un peu dérangeants, tu vois, toujours un peu des trucs un peu pas borderline, mais un peu, voilà. Mais des trucs qui mettent vraiment les pieds dans la mare, moi, chez Soleil, je les aurais, toi, je les voyais sortir des trucs un peu genre, ouh là là, l'enfeust, ouh, c'est rigolo, tu vois, des trucs un peu taquins, mais pas trop, tu vois. Moi, je les aurais pas vus attaquer Franco le truc, tu vois. Bah en même temps c'était pas le tu me diras c'est pas le but mais c'est pas le but et c'est pas forcément non plus la ligne éditoriale enfin c'est ça qui forme voilà, ça aussi tu fais, quand tu regardes ce qu'ils ont sorti non mais tu fais un tu peux pas enfin tu peux le mettre dans aucune ligne éditoriale des gros éditeurs non voilà donc c'est pour celui il y aura ça. Peut-être le label What the Fuck de c'est chez Akata c'est Akata aussi oui ben c'est pour ça que c'est chez Akata tu vois c'est pour ça que je te dis il y a très peu de oui. Maisons d'édition où tu peux sortir un truc comme ça parce que les mecs c'est... Bah, ça rentre pas dans... déjà d'une ça rentre pas dans leur ligne éditoriale donc déjà les mecs oui. Bah, pff, voilà de toute façon qu'est-ce qu'on en a à foutre oui enfin déjà d'une voilà par le fait accompli déjà c'est parce oui. Que c'est comme ça déjà nous on le traite pas c'est et ça. Après tu le lis et du coup une fois que tu l'as lu tu fais ah oui bon non mais je suis en train de réfléchir à quel enfin si on retranspose ça en BD franco-belge mmh. Enfin, du coup, des types de documentaires comme ça, bah, t'as Topo, t'as la mmh. Revue dessinée. Ouais. C'était quoi le truc chez Delcourt en format comics en format. Mais c'est Delcourt reportage, non ? C'est pas les reportages ? Non, il y avait un Papers ou un. Ah oui, ouais, parce qu'il y a des reportages aussi, ouais. Voilà, mais il y a des trucs c'est un peu... vraiment des revues spécifiques. Enfin. Après, je vais dire Groom de Spirou qui a vécu. Malheureusement, ça, c'est dommage. Quelques temps, ouais, mais bah, voilà, qui était vraiment de la BD reportage. Oui. Là, du coup, ouais, je le verrais. Enfin, pour une retranscription d'un fait plutôt documentaire comme ça, je le verrais plutôt dans les revues, style voilà, Topo, la revue ah, dessinée, bah, etc. Que chez. Delcourt Soleil, Soleil, c'est impossible que ça sorte. Enfin, c'est impossible. Enfin, les mecs, on en fêtait, quoi. Ou enfin du coup maintenant dans Glarg peut-être à la rigueur oui complètement ah oui par contre je suis complètement d'accord mais ouais c'est vrai que déjà voilà quand j'ai acheté ça moi je m'étais dit déjà bon presque acheté parce que c'était le défi éditorial et lui tout seul je me dis putain mais ah on faut souligner parce que voilà je m'étais dit mais non mais tu lis Naruto tu lis One Piece à côté tu lis après c'est sûr c'est pas le même public clairement. Oui, mais même, parce que tu te dis, enfin, moi quand même, je sais qu'il est 23h30, non, avec mon père, niveau BD, on a bourlingué quand même, un peu bourlingué. Oui. Des éditeurs qui prennent quand même des risques de sortir des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, même les signés chez Darbo, tout ça, les trucs c'est les richoux qui font ça, c'est des BD de ouf, mais personne prend des risques de sortir des trucs comme ça, quoi. Parce que les mecs, de toute façon, mais ça rentre dans aucune ligne, tu veux dire les mecs, mais ça rentre pas dans mon ligne éditoriale, qu'est-ce que tu me fais chier, ça rentre pas dans ma ligne éditoriale, attends. Après, enfin, sur ce sujet-là, c'est plus un sujet sociétal. Ah oui, mais ça, c'est le genre de truc. Limite, je t'aurais dit, il y a 30 ans, en BD, il y aurait plus de temps. Il y a plus de chances que ça sorte que maintenant. Il y a 30 ans, il y aurait plus de chances que ça sorte. Bah déjà, il n'y aurait pas de marché en surproduction. Donc, Déjà, voilà. Puis tu m'aurais dit, c'est un truc dans mes... un truc dans métal hurlant, mais limite, j'ai dit, les mecs, ils étaient assez ouf pour le passer. Oui, enfin, du coup, ils me passent. Mais oui, parce que... Plus, mais oui, voilà. Donc, oui, ça fait belle note et ça intéresse. Ouais, t'aurais pu avoir dans ce type de revue ce genre, en tout cas, de mais oui, parce que ça questionne sur l'homme, sur l'homme en général, avec le grand H, devant l'éternel. C'est plutôt ça. Hein, parce que maintenant, qu'est-ce que tu veux que ça sorte chez Soldes chez Del Sol ou je sais pas quoi, jamais ça sortira ça. Jamais. Les mecs, de façon, ils retrouvent les ch'touilles. Oui, déjà, ils ont du mal à sortir des BD à peu près, à peu près qui rentrent dans les normes. Déjà, les mecs, légers, les mecs, ils flippent. Ils ont aucun intérêt à prendre un risque. Mais oui. Donc, déjà que ce sont sortis, c'est un exploit sans précédent. C'est que ça que je l'ai acheté. C'est pour ça que je l'ai acheté. Déjà, j'avais que le mec qui faisait Lady Boy versus Yakuza, c'était un sacré truc, mais je l'avais pas pris parce que bon, bah, on peut pas tout faire. Hein. Mais je pense que ça reviendra. Déjà, parce que c'est pareil, parce que je remets les trucs dans le contexte. Les trucs d'Asano, hein, No Destruction, là. Fait, personne n'achète ça. Je vais dans ma librairie à Rhodes, personne n'achète ça. Je veux dire qu'elle en reçoit un, c'est WAM. C'est un, c'est WAM. C'est un. Et sa short, c'est Big Cana. Fait, c'est pas Souche la Kékette, c'est Big Cana, quoi. Fait que je suis le seul à acheter ça. Mais je lui dis, mais c'est pas possible. Les trucs chez genre The Breaker, tout ça, qui sortait chez Booken, tout ça, j'étais 9-2, quoi, à se battre en duel. J'étais le seul. C'est trop bien. Tu le lis, tu te dis waouh. Tu te dis, c'est un putain de shonen de ouf, The Breaker, tout ça. C'était chez Booken, moi, mais c'était coréen. Ouais. Alors tu comprends bien, le mec qui s'appelle Park dessus. Ah, c'est pas du manga. Voilà, c'est pas du manga, je sais c'est pas. C'est du manga. Ouais, c'est du manga, je sais pas. On sait pas. Mais c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que la plupart des mangas, ils disent arrêtez, monsieur. Arrêtez, monsieur. C'est un peu ça, tu vois. C'est là que tu vois qu'il est un petit peu tard. Gandalf fut des vrais baffes. Out of ouais, mais. Pour moi, la vérité doit être vraie. Donc ça, faut que je me mette des vrais claques. C'est là que tu te dis putain, mais. Et pourtant, les trucs d'Asano, tout ça, pour moi, c'est le. C'est pas le tout venant, quand même, je sais pas. Mais pour moi, c'est un peu la base, tu vois. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, putain, à ma soeur, j'ai dit, si tu peux lire Éclat d'âme ou si tu peux lire Le mari de mon frère, ce serait peut-être quand même un petit peu bien. Je suis sûr que quand ma soeur m'a envoyé une SMS, bonjour, il sort quand le tome 4 de. Le mari de mon frère. Enfin, j'ai jeté mon téléphone, j'ai dit, bah c'est bon, j'ai dit, ce gosse, j'en ai fait quelque chose, c'est bon. Ma soeur, ce matin, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Une seule nuit ! Elle m'a fait, oui, j'ai trouvé un groupe belge, ça va te plaire. C'est du post-rock. J'ai dit, mais putain, mais ce gosse, c'est bon, j'ai compris, ça y est, il est formaté. C'est... Enfin, il est formaté, bon, c'est un peu méchant de dire comme ça. Mais j'ai dit, c'est bon, ce gosse, j'en ferai quelque chose. Elle sort un peu des sentiers battus parce que bon, écoute du rap, mais bon, écoute du bon rap. Mais bon, on peut pas être bon, on peut pas être bon partout. Ouais. Non, mais il y en a du bon, t'inquiète pas. Mais au bout d'un moment, elle s'est dit, elle est tombée sur ça, elle me l'a envoyé, tu vois. Elle s'est pas dit, oh putain, c'est du post-rock. Ça y est, t'as pris froid. À siempre à des ventes, allez vous faire enculer. Ça, c'est pour dire qu'il est là. Ouais. Donc voilà, donc moi j'applaudis à Kata déjà pour cette. Genre, j'espère qu'il y aura d'autres trucs comme ça. Enfin, comme ça. Au sens, c'est pas de soucis normalement. Ouais, des reportages. Ouais, parce que moi tant je suis que très la maison d'édition tiendra, il devrait. Voilà, parce que le bateau usine, tout ça, c'était le même Akabi et c'était. Nous offrir de beaux. Ouais. De beaux mangas. Il y a eu Colère Nucléaire aussi, je crois que c'était chez eux. Je crois aussi. C'est un truc sur Fukushima, parce qu'il y avait eu l'album sur Fukushima. Putain. Et il y avait eu Colère Nucléaire qui est dessiné un peu chelou, mais je crois que c'était chez eux aussi. C'était des bouquins jaunes, là, un peu. Ouais, je crois que c'était chez eux. Donc voilà, donc j'applaudis à Kata et je leur dis bravo pour ce grand manga. Et j'invite les gens à les lire. Bon, c'est sûr que si tu veux un peu de fun, un peu de. Ah bah, c'est pas sur ça que. Ah bah, oui. Clairement pas. Après, si tu veux te pencher sur la nature humaine en tactile, hein, moi je vois grand. Hein. Le livre ne parle pas des femmes parce que voilà, il est consacré aux hommes puceaux. Hein. Bah, faut pas dire allez voir, allez voir. Ouais, mais ça parle pas des femmes, c'est dégueulasse. Il y en a marre, tout ça, pas de fin. Non, non. Donc ça, c'est comme ça. Et la prise biais là, la prise biais là. Et c'est quand même un peu intrigant. Voilà, c'était tout. C'était tout, c'était tout. C'était un sacré tout quand même. Ouais. Ouais, mais comme prévu, on avait des choses à dire sur le sujet. Voilà, oui. On l'enverra à Kata, ils seront heureux. C'est un exprimé. Ouais. On va dans 3 mois. Oh oui, voilà, c'est pas être pressé. Se sustenter. Se quitter. Allez. On va aller marcher, mon pauvre, on va marcher 23 heures. On va aller marcher. Mais on va se quitter avec une dernière surprise. Mais avant ça, on va rappeler un petit peu. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Donc. PD. Non. Donc, non. Quoi ? Donc on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oh ben moi j'ai dit pédé, bon, tu te rattrapes pas, hein. Bravo. At Gandalf81, at Asto81. Si vous voulez vous plaindre, pas 80. Pas 81, parce que lui il vient pas du 81. Gandalf Auto. Gandalf Auto. Tweetez Gandalf Auto. Ouais. Et on ira le tataner les fesses. Il se prendra une tatane. Hashtag David Rampion. Sinon, je sens qu'il va y avoir du message. Ça sera dans toi, moi. On aura oublié. J'aurais eu le temps de m'exiler au Venezuela. Vous pouvez également retrouver, nous retrouver sur @apéroriginal, le compte Twitter du podcast. Vous pouvez nous retrouver de temps en temps sur Radium, une fois par mois, a priori, pour des épisodes shooter. Pour l'instant, c'est. Qui dure aussi longtemps qu'un dossier d'un épisode normal. C'est ça. C'est-à-dire la moitié de longtemps que vous avez écouté. Et si vous nous avez écouté jusqu'au bout, Merci, les gars. Bravo à vous. Si vous avez fait ça en x1, ouais. Tocheux, on t'écoute, on sait que t'es pas en x1, mais salut. Donc, les épisodes shooter sur Radium qu'on enregistre dans des conditions de radio, donc avec du matos professionnel à la radio locale. On est vraiment très heureux de collaborer. C'est un vrai plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Oh bah bonne rentrée hein. Ouais mais c'est la fin, c'est la fin du mois de septembre. C'est la fin de l'été. On a rentré les pédalos. Merci Benji. À noter que ça on s'en rappelle quand même. Ah bah bien sûr. L'apéro original, c'est une arnaque quoi. Ouais. Du coup, ça veut dire que s'il y a les PPA, il va falloir qu'on enregistre un truc spécial. C'est quand c'est pas sans doute. Bon, on fera un truc la semaine prochaine à Radium. Hein. On fera ça à Radium. La semaine prochaine ou après. Mais... Oui, ouais, non, ouais. On se fera ça sur les verges. En oui, et pas bonne sur les verges. Parce que... Les berges. Avec un B. Comme Bernard. Et pas comme Montier. Bernard. Bernard. Encore. Bernard Montiel. Et donc, comme je vous l'ai promis, on se quitte sur une dernière surprise avec la petite musique. Jingle music. Ouais. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et qu'est-ce qu'on chante Eh bien, c'est ça la dernière surprise, puisque le morceau que j'ai choisi s'appelle La Surprise. Donc, morceau de Monsieur Shoji Meguro. Je fais une révérence devant ce grand monsieur. Je vous invite vivement à écouter le Kaorin qui lui est consacré. Je sais plus, le Kaorin numéro... Vous irez chercher. Un truc comme ça. Ouais. Ouais, voilà, consacré à monsieur Shoji Meguro, un compositeur de musique japonais exceptionnel. Et donc, avec le morceau Last Surprise, qui est en fait le thème de combat, le battle theme de Persona 5, au jeu auquel je n'ai pas joué. Persona 5, mais qui a une musique de... ouf de malade, de toute façon, un jeu de ouf de malade déjà, de toute façon, en tant que tel. Tous les personnages, tous les morceaux. Ou passer c'est surtout passer le 3, le 4. Ouais, le 3. Peut-être. Allez. On arrête tout maintenant. Monte le son et voilà. Monte le son, je suis pas ta bière. Et. Au mois prochain. Dose. Comment il dit déjà dans Corinne, je sais plus. Dose. Moi je dis dose. Au mois prochain, si tout vous va bien, ouais, portez-vous bien, ouais. Les amis. Dose. Dose Aimas. Je suis là. Dose. Dose. No more art. never see.